On est là avec vous entre 20h et 23h du lundi au jeudi. Love in Fun. Après l'émission, c'est Mickaël No Limites. Salut Mickaël. Comment ça va? Ah, écoute, ah oui. Très bien forme, et toi? Bah forme. Écoute, très bien, parfaitement. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, j'avais le nouvel homme de Karima. Ah oui, c'est quoi? À lui présenter, il s'appelle Gilou, il est magnifique, oui. il est exceptionnel. Tu l'as trouvé où? Ah, il est arrivé comme poubelle. Ça un soir, il a appelé. Et je te le présente, c'est Gilou. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Voilà, il est... Oh, arrête, tu me fais manger. Ouais. Oh, tu aimes le sperme. Voilà. Et mais alors... à qui il parle, en fait? Bah, il, c'est à toi, Mickaël? Non, non, je il parle à toi. Je pense qu'il se masturbe, là. Oui, non, non, non, pas là, mais là, oui. Oh, écoute. Ah mon dieu, c'est crade! Oh merde! Voilà! C'était quand? C'était hier ça? Ça c'était avant-hier, mais on l'a eu de nouveau hier. Tu sais quoi? Moi je suis vraiment une fille, je suis dans le partage. Lilou est avec le doc, ouais. Et j'ai vraiment envie de rendre Sandro heureuse ce soir. Sandro, il est pour toi, Gilles. Ah non, mais voilà. Elle est déjà avec Philou, elle peut pas être avec tout le monde. Hein. Ah non, non, moi j'ai écouté l'émission hier, et elle a dit qu'elle était célibataire et que vous étiez tous célibataires. Non, moi pas. Ah, sauf toi, Mickaël. Ah oui, moi pas, ouais. C'est normal, c'est le beau gosse de l'émission. Non, mais Toff, il est pas vraiment célibataire. Hein. Non. Il est avec tout, il est avec tout le monde. Les nanas veulent paniquer avec lui, c'est ça. Non, il est avec tout le monde. Il promet monts et merveilles à toutes. Au final, j'obtiens jamais rien. Exactement. Oh bah merci pour ton cadeau, Mickaël. Écoute, avec plaisir, encore un petit dernier. Bon, écoute, si ça te fait plaisir. En tant qu'historique, on va jouer tous les deux la marelle. Voilà. Ok. J'adore la marelle en plus, ça tombe bien. Eh ben, je lui passerai le message. Bon, ben, bonne soirée à vous. Bisous. Ciao, ciao. Allez, à demain. Et on est parti en direct. Jusqu'à 2h sur Fun. Mickaël No Limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Exact, bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus dans Mickaël No Limites. On est reparti pour 3 heures de folie, comme tous les soirs. Je voulais souligner et saluer une certaine Elodie qui m'a envoyé un message qui m'a bien fait rire. Elle écoutait l'émission lundi soir et là, elle a démarré le message, ça m'a fait marrer en disant bah écoute, j'écoutais par hasard parce qu'en fait, j'avais rien d'autre à faire et je captais que Fun dans la voiture. Et en fait, je trouvais ton émission chiante et pourrie, mais comme j'étais obligé d'écouter, en fait, finalement, j'ai aimé. Donc voilà, je te salue, Elodie. Écoutez sur le long terme. Ouais, écoutez sur le long terme. Si vous venez de débarquer, vous trouvez ça relou, faites comme Elodie, écoutez peut-être un peu plus longtemps. On sait jamais, hein, sur un malentendu ça peut marcher. Gagner des auditeurs. Bah voilà, donc je m'appelle Mickaël, hein, M-I-K-L, juste les 4 lettres, hein, je dis ça si vous voulez éventuellement jouer avec nous ou vous inscrire par SMS. L'émission donc c'est Mickaël No Limites. Et puis on est là du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Si vous avez quelque chose à dire, eh bien on vous attend dès maintenant. Prenez le contrôle de Fun Radio jusqu'à 2h, 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0, et vous passerez à l'antenne comme Christopher qu'on aurait dû avoir, mais c'est pas grave, on va prendre Alexandre. Hein. Salut Alex. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, Alex, t'as passé une bonne journée? Ouais ouais, tranquille. T'as fait quoi? Des maths. Ah génial. Ah oui, t'as fait une bonne journée, toi, faire des maths. Hein. Waouh, quelle horreur. Ah non, la classe, c'est trop la classe. Ouais. Ah bah attends. Ah ouais, c'est le seul truc qu'elle connaît, Sandro, vous inquiétez pas. Non, je connais que le nom. Hein. Oui, mais, oui, mais c'est ça, voilà, c'est le seul truc que tu connais, c'est le nom, c'est ce et que je voulais dire. Et puis 314. Ouais. Parce qu'au départ elle croyait que ça avait un rapport avec la vache, mais en fait non. Ah merde, j'avais mon salaud, il marche pas là. Ah bah alors vous êtes un salaud. Ah si, voilà, il est arrivé. Bah dis donc, je m'inquiétais de ne pas avoir mon ami salaud. Vous êtes même un dégueulasse. Complètement. Ouais, ça bon. Bah reste avec nous Alexandre, on va parler avec toi dans quelques minutes. Est-ce que Sandro a enfin fait ses courses pour son régime? Ah ça y est, oui. Ça y est, c'est fait. Oh, oui, ça y est. Putain. Tu l'as pas fait aujourd'hui, ouais. J'ai fait mes courses aujourd'hui. Eh ben, je vais avoir besoin de soutien. Eh ben voilà. Bon bah si tu veux, il y a une nouvelle appli demain. Ouais, c'est ça. Si tu veux, il y a une nouvelle appli pour savoir le nombre de calories que tu dois manger en fait. Hein, ce serait bien pour toi, non? Ouais, bah ouais. Tu sais, quand tu manges une barre de chocolat, tu dis hop, ça fait 30 calories. Quand tu manges un truc, ça fait machin. Ah, plus de chocolat, fini. Mais de toute façon, tu peux pas manger de barre de chocolat puisqu'il va les voler. Arrête ton cinéma, pauvre. Je vous explique. Ah, c'était bon. Non, je vous explique l'histoire. Bon, je vais vous expliquer. Non, mais je vais vous expliquer. Hein. C'est-à-dire qu'il y a Polo qui est devenu le Robin des Bois du chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, il va dans la machine. Il a volé un peu dedans, Polo. Non, dans mon frigo, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, c'est pas toi. Il met une pièce pour s'acheter, je sais pas quoi, dans la machine. Il y a une semaine, la machine lui donne deux chocolats qu'il n'a pas commandé. Trois. Au lieu de les garder, non, monsieur fait le tour de la radio pour les rendre. Oui, monsieur. Tout le monde lui dit, on s'en branle, qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec tes chocolats? Garde-les. Non, monsieur fait chier le monde pour rendre ses chocolats parce que genre il arrive pas à dormir, tu vois, maintenant qu'il a, il a volé indirectement ses chocolats. Donc il met ça dans mon frigo, moi après une semaine je le prends. Mais qui se bat, voilà. Il nous a fait un drap. Mais c'est mon frigo. Voilà. T'as qu'à t'acheter un frigo, m'emmerde pas. Hein, t'as qu'à demander à Claude, le monsieur qui gère tout l'oseille à la radio, tu mets un frigo. Et ben là, comme ça, on aura deux dans le bureau. D'accord. Non mais je rêve, c'est un truc de ouf. Alex. Ouais. Bon, t'es dans une machine, machine à biscuits, chocolat, tout le bordel. Tu mets une pièce, tu demandes un chocolat, il y en a trois ou deux ou trois qui tombent. Tu les gardes? Bah ouais, je les bouffe tous. Bon, bah voilà. Et on est en plus, pour toutes les fois où ça rend pas nos pièces. Hein, en plus, et qu'on n'a pas le produit. Hein. Non, mais Polo est Robin des Bois maintenant. Hein. C'est le Robin des Bois. Il y a le régime de Gilou. De quoi? Il y a le régime de Gilou sinon. Oui, ah bah il y a le régime de Gilou également qu'on peut utiliser. Hein, c'est boire du. Enfin bon, bref, on en parlera à un autre moment. Oui, ça, voilà. Mettre dans le café. Ouais, exactement. Dorian Hanson, la nouvelle musique de Polo, tiens. La musique de Robin des Bois. Voilà, c'est le Robin des Bois du chocolat. C'est ça. Exact. Ah bon, on va se marrer avec ça. Hein. Allez, attention, cette fois-ci Polo chante. 3, 4. Voilà, avec son les bien. Mais il défend le chocolat et ça c'est bon. Le chocolat est bien gardé. Encore un coup? Voilà, il est content, comme ça c'est bien. Bon, le plus beau de l'équipe est là aussi, un Toff bien entendu. Mais oui, je suis là, je suis là. Non, enfin. Je me fous de ta gueule, évidemment. Non, c'est juste que c'est la journée de la gentillesse aujourd'hui, alors forcément. Ah oui. Bah oui, mais depuis le début de la journée, depuis minuit, le jour avant, forcément, bah on a passé le quota déjà. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah complètement, ouais. Complètement. Ah bah alors, vous êtes un salaud. Ah bah vous êtes un salaud, exactement. Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier sinon ça va barber. Bah, exactement, oui. T'as des couilles au cul, viens t'empêcher moi maintenant. Voilà, tous ces amis évidemment que nous retrouverons tout à l'heure avec de nouveaux amis, bien entendu, on appellera encore d'autres personnes ce soir. Et puis comme chaque début d'émission, Polo va jouer un petit peu de pipeau, bien entendu. Ouais. Voilà, avec ce grand talent, bien entendu. Hein, n'est-ce pas, Alex? Un grand talent, quand même, non? Incroyable. Incroyable. En fait, Mickaël. Oui. J'aimerais que tu arrêtes de te moquer des groupes comme les Connells ou les Guns N' Roses. Mais je me moque pas, j'adore. T'es sérieux? Ils chantent. C'est des groupes mythiques. C'est du live. Mais oui, mais bien sûr. Mais attends, t'es sérieux? Oui, je suis pas plus rocker que moi. T'es sérieux? J'adore. Il a son blouson de cuir. Mais oui, mais c'est vrai en plus. Non, mais sérieusement, non, mais je me moque pas, absolument pas, Alexandre, loin de là même. Bon. Radio, le son dance floor. Oui, bah écoute, oui, mais ça après, c'est pas parce qu'on passe du son dance floor qu'on va avec autre chose. Attends, il le fait en live avec sa guitare. Exactement, ça. Moi je joue en live and direct. Hein. Bah oui, mais c'est un musicien, le Miguel. C'est un hommage au Connell, ce que je fais, exactement, et tout à fait. Bon, et comme chaque soir, on suivra aussi l'évolution du Top Twittos pour participer. C'est assez simple, hein. Vous envoyez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission. Et même quand vous parlez avec vos potes, eh ben ça fera connaître l'émission à vos potes. Hein. Plus vous envoyez de messages, plus vous avez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. Et ce soir, je vous offre un sextoy sur le Twitter. Bon, voilà, donc ceux qui veulent être top tweetos, celui qui sera top tweetos, oui c'est ça, ouais. Le numéro 1 du top tweetos, celui qui aura le plus tweeté, qui sera l'auditeur de la soirée, on lui offre un sextoy. Pour lui ou pour sa copine, ou pour sa sœur ou sa mère, peu importe, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Offert par passage du désir. Ah oui. .fr. J'ai oublié la voix off, autant pour moi. Donc voilà, si vous voulez, lâchez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et si à 2h du mat, donc à la fin de l'émission, vous êtes élu top tweetos, eh bien vous repartirez avec votre magnifique sextoy qui déchire. Offert par passage du désir.fr. Voilà. Il n'y a pas de le. Ben oui, c'est vrai. Comment tu dis? Offert par Gilou. Non, pas par Gilou, pas par lui. On écoutera Avicii aussi ce soir sur Fun avec Hey Brother. Je vous calerai aussi un des artistes qui sera au Starfloor. Ce sera le 23 novembre avec Dance With Me, Basto. Et puis évidemment, un de mes morceaux préférés pour l'instant, Eminem et Rihanna, qui n'ont absolument pas fait la chanson, évidemment, par rapport au sexe de Toff de Monster. Et puis si vous avez envie d'écouter des sons, je veux dire chansons et sons en même temps, ça fait des chants. Si vous voulez écouter des sons en particulier, hashtag Mickaël, demandez sur Twitter. Il y a un son que t'as envie d'écouter, Alex, là ce soir, si tu voulais choisir comme ça là. Ah ouais, mais c'est un vieux son, je sais pas si tu pourras. Bah dis-moi toujours si je l'ai éventuellement. Rock That Body des Black Eyed Peas. Rock That Body des Black Eyed Peas. Alors attends, laisse-moi. Attends, bah tu sais quoi, je vais aller vérifier directement. Alors attends, hein. Rock. Alors, attention, voilà, ça y est, c'est fait, la recherche est faite. Ça recherche, et c'est bon, j'ai trouvé. Bon, eh ben oui, on va pouvoir te le mettre, si tu veux. Ouais, attends, c'est celui-là, on est bien d'accord? Ouais, c'est celui-là, ouais. Parfait, bah oui, je vais te le mettre tout à l'heure, Rock That Body, Black Eyed Peas. En plus, ça fait longtemps, très bien, ben voilà, je le garde au chaud, on le met tout à l'heure, ok? Super, merci. Bon, bah je t'en prie, avec plaisir. Puis on va également se faire la colle avec notre ami Yann, qui est avec nous, là. Salut Yann. Salut. Comment ça va? Salut. Bien et vous? T'es un garçon? Salut. Hein? Ouais. Ok, non mais c'est pour voiture. Non mais c'est pas méchant, mais bon. Passe-toi les testicules. Bon, Yann, t'appelles de Vichy, tu vas jouer pour gagner la Nintendo 3DS XL. Ouais, et bon. Avant, ouais. Vu que j'aime bien Pof, est-ce que pour moi tu pourrais lui mettre 4 coups de pelle et un coup de lance-flamme, s'il te plaît? Ah oui, tu l'aimes vraiment beaucoup, écoute, hein, dis donc. Écoute avec plaisir. 2, 3, 4. Un coup de lance-flamme dans sa gueule. Et une gifle, ça c'est pour moi. C'est gratuit, c'est voilà, cadeau. C'est gratuit, c'est comme ça, c'est offert. Bon ben voilà. Merci pour tout ça. Mais avec plaisir, Yann, c'est très très bien. Bon Yann, allez, pour gagner la Nintendo 3DS XL, vas-y, fais péter la colle. Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Pardon. M'attraper ou m'arrêter, j'oublie. M'attraper. Donc je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Bon, si vous avez la bonne réponse, eh ben vous balancez votre message maintenant. Vous envoyez simplement M-I-K-L, les 4 lettres, espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien entendu, jouer avec nous sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L-officiel. Voilà, vous balancez tous vos messages et puis on tirera au sort une des bonnes réponses tout à l'heure avant minuit 30. Et si quelqu'un a la bonne réponse, Yann, tu perds. Si personne n'a la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, d'accord? Ok. Bon, allez Yann, bonne chance. Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique ou sur le Facebook de l'émission facebook.com/M.I.K.L.officiel. Yann, reste avec nous. On va récupérer notre ami Alexandre. T'es là, Alex? Ouais. Bon, on va jouer au jeu du je t'emmerde aussi ce soir. Hein. Ah oui, un grand grand jeu du je t'emmerde. Tu connais ou pas? Ouais, on doit appeler des familles et on doit se faire insulter le plus possible, hein. Exactement. Yo, je t'emmerde. Voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, il y a des packs 110 à gagner ce soir. Il suffit simplement d'appeler Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou alors le 02 851 4 x 0 depuis la Belgique si vous voulez jouer avec nous. Un message de bienvenue, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Écoute, ma foi, attends, ne bouge pas de là parce que j'étais dans les extraits parce que tu m'as demandé le Black Eyed Peas. Voilà, j'en ai un bon, tiens. Va te faire enculer, salope. Oui, enfin, t'es un garçon, mais enfin, on fera avec. Bon, alors, ouais. Alex, de quoi on parle avec toi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe avant d'écouter Avicii et Hey Brother? Je suis accro au jeu iPhone, en fait. T'es accro au jeu iPhone? Ouais. Et les autres, c'est de la merde? Non, j'y joue aussi, mais... Mais un peu moins. Surtout ceux-là. D'accord, ok, bah pourquoi pas, mais quel jeu? C'est quoi ton jeu préféré? Temple Run. C'est quoi? Tu connais pas? Non, là comme ça non, alors je comprends pas ce que tu me dis, mais... Non, si, c'est Temple Run, c'est avec le petit bonhomme qui court là dans... Oui, d'accord. On ramasse les pièces, on saute, on glisse... Ok, d'accord, Temple bon, Run. C'est quoi ton score? Ouais, voilà. Combien? 13 300 000. Waouh. Au 1 ou au 2? Pardon? Au 2. Au 2, ah ouais. Ah ouais, t'es à combien, Tof? Mais je suis pas loin, je suis à 2 millions sur le 2. Mais sur, ah oui, sur enfin le... 13 millions et 2 millions, il y a quand même une marge. Hein. Oui, c'est vrai, mais je suis à 56 sur le 1. Mais sans m'arrêter, hein, sans tomber. Ah oui, ah en plus, ça va très bien, pas comme Tof, en même temps, tout ce qu'il mérite c'est une claque. Bon, et donc du coup, mais genre, t'achètes tous les jeux qui sortent? Non, je les achète pas, Temple Run il est gratuit, Fruit Ninja il est gratuit. Enfin, tu joues à Candy Crush ou pas? Non, j'y joue pas. Ah. D'accord, c'est dommage, Tof, pour une fois qu'il est un non, peu, je suis pas un très peu bon. Bon. Je suis pas ah même pas bon non plus, bah, très bien. Non, je suis mauvais à tous ces jeux, hein. Moi j'y joue pour passer le temps. Non, par contre, c'est FIFA maintenant sur iPhone de gratuit. Y a quoi tu dis? FIFA sur iPhone qui est gratuit maintenant. Oui, exactement. Ouais. Si vous voulez, d'ailleurs, je peux faire des matchs contre vous. Hein. Vous ajoutez M.I.K.L. officiel dedans et sans espace, sans rien. Et on joue ensemble, si vous voulez, à FIFA. Je vous mets votre race. Pour l'instant, personne ne m'a battu. Ouais. 9 victoires, non, bah, 1 nul. Bravo. 9 victoires, 1 nul. Et ça... Bah, bah, alors là, bah, viens jouer. 9 victoires, 1 nul. Donc, si vous voulez m'affronter à FIFA 14, n'hésitez pas, ajoutez-moi M.I.K.L. officiel sur... uniquement FIFA 14 sur l'iPhone ou l'iPad, si vous voulez. Pas sur PS ni rien, parce que c'est pas pratique de jouer quand on est... quand on est genre à la radio ou dehors ou dans la voiture, de prendre l'écran plat, la PS, etc. Donc voilà, sur si vous avez FIFA, c'est FIFA 14 sur iPhone ou sur iPad, et bah, ajoutez-moi M.I.K.L. officiel, on jouera ensemble et je vous mettrai votre race. Y a pas de problème, Alex. Nickel. Ouais. Ton Ultimate Team, t'as quoi dedans? De quoi? Ultimate Team sur FIFA, t'as quoi dedans? Oh, je sais plus. Je sais plus. J'ai pas regardé là. J'ai pas de mémoire. Comme une semaine, j'ai eu Gamero, Pizarro et Torres. Ouais, mais c'est rien tout ça. Tu vas voir quand on va jouer. Tu vas voir quand on va jouer ensemble. Je vais te mettre ta race. Bon, dites-nous, tiens, si vous êtes aussi vous accro à vos smartphones, à vos jeux vidéo, on en parle ce soir. Si vous êtes déjà tombé sur des mecs relous, les filles qui voulaient pas lâcher leur téléphone ou qui pensez plus à leur téléphone qu'à vous. 01 42 48 5000 02 851 4x0 pour la Belgique. On va saluer également tous ceux qui sont connectés ce soir. Il y a Cara qui a envoyé un message qui dit il veut que je chiale. C'est quoi ce score? Je suis ultra nul à ça. Oui, mais bon, après, t'inquiète pas. c'est pas parce que toi t'es nul qu'il faut pleurer quand même, Cara. Là, il y a Max du 11 RNY qui dit: ça fait plaisir de vous retrouver, j'ai un DM de Matt à rendre pour demain et j'ai à peine commencé. Ah bah t'as jusqu'à demain, donc ça va, t'as encore un peu de temps. Quentin qui dit: passage du désir, j'aime comment Toff le dit, tu parles quelle voix dégueulasse. .fr, c'est important. Et le Bœuf Ferré qui dit: Toff devrait commander une nouvelle voix off pour Noël, pas qu'on demandera. Et Brian qui dit: elle est sérieuse là, elle veut faire un régime, or qu'elle est bien comme elle est. Et alors Cali Cruz qui dit: salut la folle équipe, c'est parti pour 3 heures de pur délire, j'ai droit à un bisou. Au passage, ben oui, allez Toff, vas-y. Un bisou pour Kelly Cruz. Un énorme bisou sur chaque téton. Oh, quelle horreur. Et s'il veut, je peux lui faire un chiffre à la lettre. Oh, quelle horreur. Bon, allez, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. On va se faire le jeu dans quelques minutes. Comme promis, le jeu du je t'emmerde. Et puis on va récupérer Alexandre avec ses jeux là. Le temps d'écouter le son d'Avicii maintenant sur Fun. Hey brother, bienvenue tout le monde. Hey brother. Mickaël, No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Yes, et en direct sur Fun Radio, ouais. Jusqu'à 2h du mat, on est au cœur d'une heure sans pub. Donc ce soir, on va pas se faire chier avec la pub. Il y aura vers 23h45, et puis on est tranquille, il n'y aura plus rien jusqu'à la fin. Tant mieux, ça va. On n'est pas relou non plus quand même. Hein. Bon, 23h19 sur Fun, on est en direct comme tous les soirs. Et puis, je vais vous mettre une vidéo là en quelques secondes. Une vidéo sur le Facebook, c'est un mec qui m'a fait penser à Toff. Il est dans la rue, ouais. Il est dans la rue avec une pancarte où il est écrit: embrassez-moi, je suis désespéré. Ah oui, c'est pas mal. Mais c'est un truc de ouf. Je vous la mets maintenant, là, voilà. Allez voir sur le Facebook maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. C'est assez improbable. Donc le mec, il est désespéré. Il s'est dit qu'avec un peu de bol, comme ça, il allait arriver à pécho, quoi. Et tu crois que si j'appelle les gens et que je dis que je suis désespéré. Justement, j'y pensais aussi. Et que je leur dis qu'on pourrait peut-être coucher ensemble. Bah écoute, pourquoi pas. Donc si vous avez des numéros de téléphone, on va les appeler dans quelques minutes. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qui sont encore debout à cette heure-ci, qui sont plutôt du style un peu énervé, enfin un peu sanguin, on va dire ça comme ça, balancez les numéros à Toff maintenant. Et vous envoyez ça, donc vous envoyez vos numéros, enfin les numéros des personnes qu'on peut appeler sur le mail. Oh, je vais y arriver moi, je vais rebooter, je vais revenir. Sur toph@funradio.fr. Voilà, et vous envoyez les numéros. C'est la journée de la gentillesse, donc les gens ils peuvent pas me dire non. Bah on va faire un mix, c'est la journée de la gentillesse plus embrassez-moi, je suis désespéré. Ouais, parfait. Bah, ça me paraît un bon plan. On fait ça dans quelques minutes. On va se faire le jeu du je t'emmerde aussi. Il y a Cara qui dit: le pire, c'est que souvent les mecs accro aux jeux vidéo, ils reprochent à leur copine d'être trop sur leur portable. Oui, c'est vrai en plus, ouais. Il y a quoi aussi? Il y a Inès qui dit: j'ai niqué le wifi du voisin, du coup je peux tweeter. Comment ça, j'ai niqué? Ah, t'as réussi à le pirater, c'est bon ça. Il y a Gu aussi qui dit: bonsoir l'équipe, un petit coup de pelle pour me tenir réveillé, j'ai une fresque à finir. Tiens, voilà, tu l'as eu. Et Marinou qui dit: Polo le Robin des bois du chocolat, mon sauveur, tu parles. Ariel qui dit: je suis la seule ici à avoir passé des nuits blanches sur Assassin's Creed. Bah moi pas en tout cas. Il y a Rémi qui dit: je suis accro au jeu PC Nostal et à Call of Duty sur PS3. Et enfin un message aussi de la Lyonnaise qui dit: moi aussi je veux jouer contre toi Mickaël à FIFA 14. Bah vous m'ajoutez tout simplement, hein. Vous allez sur FIFA 14 sur PS iPhone ou sur iPad. Et puis bah vous mettez tout simplement votre message dessus. Vous ajoutez Mickaël officiel. Voilà, comme ça on jouera ensemble. Dès que j'ai l'occasion, avec grand plaisir. Il y a le Bœuf Ferré qui dit: Candy Crush c'est 461. Et Mekumi qui dit: je vais pas critiquer les mecs, je suis une grosse gameuse. Et Soon Soon qui dit: t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on avait appelé quelqu'un de très sympathique à première vue et qui avait répondu ça à Toff justement: t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. D'ailleurs on va refaire le jeu demain, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. On l'avait fait la semaine dernière et donc il fallait arriver à répondre, à répéter le plus de fois possible ça sans bugger. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Voilà. Alors, t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Voilà, donc on jouera demain, hein, si vous voulez jouer aussi. N'hésitez pas, ce sera demain soir. Face à Polo qui est champion du monde de ce jeu. Hein. Ah, Polo qui est champion du monde total. Hein, un vrai tueur. Bon, il y a également Laura qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Laura. Bonsoir. Comment ça va? Bon, ça va. T'étais déjà là hier toi Laura? Oui. Ah bah oui, t'as toujours pas de radio. Toujours pas, non. Ah bah voilà. Le fil, il a été grignoté. De quoi? C'est le fil, il a été grignoté. Ah, t'as des souris chez toi donc. Tu as des souris chez toi donc. Ah non, c'est mon furet. Oh, quel furet, mais quelle horreur. Mais comment on peut avoir un furet? C'est bien qu'il y en a deux même. Oh là là, t'en as deux. Oh mon dieu, quelle horreur. Bon, bah écoute, on va appeler le dératiseur. Ah oh bah non. Ah bah si, attends, un furet. Et tu les balades dans la rue avec des petites laisses? Ouais, avec des laisses, elle va les promener. Hein, tu vas les promener les furets ou pas? J'en ai une, elle est trop petite, elle enlève le harnais, mais le deuxième... Est-ce que ça fait des bastons avec les rats? Est-ce que ça se bastonne avec les rats? Je sais pas, j'ai pas de rats encore. Ah bah écoute, on va t'en apporter un si tu veux, on va t'en offrir un sans problème. Mais oui, bien sûr. Bah je veux bien, j'en veux un. Ah bah génial, dis donc, t'es vraiment Laura, toi, tu prends que des animaux bizarres. Hein. Moi, je suis l'ami des bêtes, moi. Ah tu oui, pas mais... prendre un chat, comme tout le monde. Et tu veux pas prendre Toff? Mais j'en ai deux, des chats. Hein, Laura, tu veux pas prendre Toff? Comme t'es l'ami des bêtes. En plus, il ressemble un peu à Furet. Ouais. Ah oui, c'est vrai! Mais oui, il ressemble un peu à un furet! Oh là là, quel. Oh, mais même de face! Hein? Qu'est-ce que tu veux pas, Laura? Bah écoute, je paye un coup! Ah bah d'accord, bah voilà! Tu pourras l'attacher avec une laisse! Ah ouais, en plus, elle te paye un coup, Toff! Mais oui, bah écoute, avec plaisir! Bah bonne affaire alors! Bonne affaire! Bah évidemment! Bah voilà, c'est bon, on doit pas appeler alors aujourd'hui! Bah voilà, hop là, l'affaire elle est pliée, c'est pratique! Je vais partir immédiatement chez Laura! Bon, Laura, est-ce que t'as un mec? Oui! Et est-ce qu'il joue souvent aux jeux vidéo? Oui, bah là, il est en train! Non, t'es sérieuse? Mais ouais, mais en même temps, oui, toi t'es au téléphone, donc... Il fait quoi comme jeu vidéo, là? Là, il joue à Ghost. Ah, Ghost, ouais, d'accord, ok. Il est bon ou c'est une merde? Oh non, franchement, il est bien. Hein. D'accord. Bon, dites-nous, tiens, si vous aussi, vous jouez souvent aux jeux vidéo, là, il y a Théo également qui est avec nous, là. Salut Théo! Salut! Comment ça va? Salut Mika, salut l'équipe. Bah, bienvenue sur Fun, bienvenue sur Fun, Théo! Bah, merci. Bah voilà, je t'en prie. Bon, alors, Théo, explique-nous un petit peu, là, comment ça se passe chez toi? Bah moi en fait je suis pas un gros geek de portable mais je suis surtout un gros geek PC. Mais toujours sur PC. Mais après on parlait jeux vidéo hein, dans l'absolu, on n'était pas spécialement axé sur les PC, les consoles portables, ouais, bah, n'importe quoi. Hein. Justement en fait j'étais que sur PC. Ouais. En gros je faisais surtout émulateur tout ce qui était Xbox, PS3, ouais. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Oui oui on voit bien ouais. Et est-ce que t'as mis de la RAM en plus? Oui, à fond RAM. Là. Carte graphique, elle est combien? Non, je plaisante. Hein. Bon, et donc du coup, Théo, et donc du coup, tu passes ta vie à jouer à ça, quoi? Bah, je passais ma vie parce que j'ai eu une panne d'ordi et c'était la dèche pour moi. Quoi. Oh putain, l'angoisse. Voilà. Tu sais, y en a, ils ont des maladies. Lui, il a une panne d'ordi, donc du coup, ça l'a perturbé totalement. Hein. Voilà. Ah, mais oui, mais je comprends totalement, évidemment. Et donc du coup, maintenant, tu joues plus? Bah je suis passé sur Xbox mais bon c'est pas la même chose. Et bah puis, ouais je comprends, c'est dur hein. Voilà. Bah ouais je comprends. Non mais c'est vrai. Bah dites-nous d'ailleurs les autres, moi ce que je voudrais surtout savoir c'est s'il y a beaucoup de mecs qui préfèrent jouer que de rester avec leur copine, ou si vous êtes une fille et que vous avez déjà eu l'occasion de tomber sur un mec qui passait plus son temps à jouer à des jeux vidéo ou à traîner sur son iPhone, son iPad, bref n'importe quoi, plutôt que de s'occuper de vous. Voilà. Tough hein. Un peu quand même. Oui, complètement même. Hein. Ouais. Bah, ouais, complètement, ouais. Donc dites-nous, appelez-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bon, bah Théo, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok, je faisais un petit dégain. Allez, vas-y. Alors, je fais une grosse dédié à Nico, Rémi, à Benjamin, à l'autre Benjamin, à Samuel, à Mathieu. Oui, en fait, à la base, c'est une seule personne, Théo, donc tu t'es un peu emballé là. Excuse-moi. J'étais pas concentré, autant pour moi. Bon ben voilà, hein, t'as déjà eu largement de quoi faire. Bon. Merci. Salut à toi Théo, à bientôt. Hein. Salut. Salut Théo, ciao à toi. Et je vous rappelle qu'on vous file un sextoy très sexy ce soir sur le Twitter de l'émission. Il faut simplement être le plus gros Twitter de la soirée, le plus gros tweetos. Si vous êtes numéro 1 du top tweet à 2h du mat, eh bien on vous offrira votre sextoy. Attention, ça vaut entre 50 et 100 euros quand même le sextoy. Oui, non, c'est du haut de gamme. Ouais, c'est pas n'importe quoi, offert par passagedudésir.fr. Bien sûr, voilà. Donc, si vous voulez jouer, bah, vous allez sur le Twitter et vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. On fait un jeu sur le Twitter parce qu'il y en a plein qui nous disaient ouais, mais vous faites que des jeux sur Facebook. Il n'y a jamais sur Twitter. On est là aussi. Bon, bah voilà, comme ça au moins on fait plaisir à la petite communauté. 18 000 personnes sur le Twitter, bah continuez, venez nous rejoindre si vous voulez jouer. Vous m'ajoutez, je vous suivrai également. Vous tapez M-I-K-L underscore officiel, underscore c'est la petite barre en bas. Vous m'ajoutez sur le Twitter et je vous suivrai également avec grand plaisir. Bon, on fait le premier appel, Toff. Allons-y. Allez, je rappelle donc que c'est la journée de la gentillesse. Et qu'en plus de ça, je tombais sur une vidéo que je vous ai partagée sur le Facebook et le Twitter. M-I-K-L officiel pour nous rejoindre, donc qui m'a fait penser à toi. Puisque bah, un mec est dans la rue et donc il a une pancarte avec marqué embrassez-moi, je suis désespéré. Donc Toff, je propose qu'on appelle. Hein. Mais allons-y. Allez, on demande à des gens des numéros que vous nous avez envoyés sur le mail de Toff. Ce qu'ils en pensent, si éventuellement il serait possible que tu couches avec leur femme, quoi. Voilà. Allez, juste parce que je suis un petit peu désespéré. Ouais, bah, complètement désespéré, évidemment. Allez, c'est parti. On y va, on appelle. Je sais pas où on va. Laissez d'ailleurs les villes hein, quand vous connaissez les gens. Ça, on sait où on va, c'est plus cool. Là, on va nulle part, a priori. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle pour savoir si c'était possible de vous acheter une couille de votre mari. Ouais, avec plaisir. Mais c'est-à-dire... Vous n'avez pas d'autres gens à faire chier, peut-être ? Non ? Bah, non, madame. Enfin, pourquoi vous me dites ça ? Bah, écoutez, hein, allez-vous ailleurs, parce que alors là, des conneries comme ça, mais c'est vraiment pas haut, hein, comme niveau. Hein. Mais c'est pas une connerie, madame, enfin. C'est 26 000 euros, une couille. C'est quand même dommage de passer à côté. Bah oui, c'est quand même dommage de passer à côté. 26 000 boules, c'est quand même un truc qui est quand même relativement cher. Je voudrais bien vendre une couille. Oui, complètement. Oui. Qui bah, preneur une couille à 26 000 boules. Ouais. Genre la tienne, elle pèse. Note, il n'y a pas la vidange souvent, donc forcément, bah, si on en revient au poids, ça fait pas mal. Hein. C'est de la grosse couille. Oui, ça fait pas mal. Allez, on appelle quelqu'un d'autre, c'est parti. On y va. Allez, 23h29, on va faire le je t'emmerde juste après. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si c'était possible de coucher avec votre femme. Parce qu'en fait, je suis un peu désespéré sexuellement. Et du coup. De coucher avec ma femme, fils de pute. Oui, c'est ça monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais par contre. Je vais dire une chose, moi mon gars. Oui. Si j'ai pas ta tête à l'antenne de ma bagnole, c'est que j'ai un fond de bonté, d'accord ? Excusez-moi monsieur, mais c'est la journée de la gentillesse, vous pouvez pas être désagréable. Oui, mais là il s'en branle. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il veut attacher ta tête à. Non, s'il m'a dit s'il empalait pas ma tête sur l'antenne de sa voiture, c'est qu'il était de bonne humeur. D'accord, ok, bah là il a l'air de mauvaise. On va le rappeler, c'est parti, on y retourne. Frank. Oui, excusez-moi monsieur, mais c'est la journée de la gentillesse monsieur, donc vous pouvez pas être désagréable. Attends. La journée de la gentillesse, tu m'appelles, tu veux savoir si tu peux coucher avec ma femme ? Et tu crois que moi je vais être gentil ? Bah oui monsieur, parce que c'est la journée de la gentillesse. Ah ouais. Bah, tu sais quoi ? On va faire une chose. Tu vas me filer ta mère et je vais te filer ma femme, d'accord ? Bah non monsieur, c'est pas comme ça que ça marche. Là il a nouveau raccroché, attends, rappelle encore un coup là. Pourquoi il veut ta mère ? Je sais pas. Parce que s'il a une femme, à la limite, il est probablement plus jeune. Ouais. C'est con quand même d'échanger, enfin bon bref, fais comme il veut après. Bon, on rappelle. Mais t'as rien compris toi hein ? Bah, je m'excuse monsieur, mais c'est pas très gentil tout ce que vous me dites. Bah c'est pas très gentil, tu m'appelles, tu vas savoir si tu peux coucher avec ma femme, et tu crois que moi je vais être gentil avec toi ? Bah oui monsieur, c'est pour ça que je vous appelle. Non mais t'as fumé, c'est pas possible, tu fumes, t'appelles les gens à cette heure-là. Bah non monsieur, enfin je comprends pas, pourquoi vous dites ça ? Et pourquoi je dis ça ? Tu m'appelles, tu veux savoir si tu peux coucher avec ma femme. Oui. Réfléchis deux minutes, si moi je te pose une question comme ça. Mais j'ai pas de femme monsieur, c'est pour ça que je suis désespéré sexuellement. Ah bah justement, bah t'appelles pas les gens à cette heure-là pour leur demander ça. Bah si. Je sais pas, moi t'es désespéré, tu vas au pute et tu me fais pas chier. Bah non monsieur. C'est trop cher les putes, c'est la crise c'est monsieur. C'est trop cher les putes, bah je sais pas moi, trouve une meuf gratos. Bah c'est pour ton cul, je sais pas moi, mais tu mens pas ça aux gens, tu peux coucher avec la femme, c'est quoi ça ? Bah c'est pour ça que je voulais faire ça avec votre femme monsieur, parce que c'est gratuit. Ah c'est ça, demande plutôt à ta mère connard. Très sympathique le monsieur. Il a pas bien compris le principe de la journée de la gentillesse. En effet. Bon, on en appellera d'autres tout à l'heure. Je vous rappelle qu'il y a toujours le sextoy à gagner sur le Twitter de l'émission. Faut simplement mettre un maximum de hashtags avec le hashtag Mickaël tout simplement. Et si vous êtes élu l'auditeur de la soirée, celui qui aura tout simplement envoyé le plus de messages avec le hashtag Mickaël, eh bien il repartira avec le sextoy. Rendez-vous à 2h du mat. On écoute Selena Gomez avec Slow Down et juste après c'est le jeu du je t'emmerde sur Fun Radio. Il y a Basto qui va arriver dans quelques minutes sur Fun. On est au cœur d'une heure sans pub, 23h34. Il y a un message de Lilou qui dit moi mon mec caressait plus son pouce sur son iPhone que moi. Oh putain qu'il est con. Il y a également attends c'est quoi ? Ah bah ça a écrit en russe ou en ou je sais pas, pays de l'Est en tout cas. Trop mignon des furets, dis à Laura que je peux l'aider pour s'en occuper si elle veut. Et Mickaël qui dit moi je préfère traîner avec mon iPhone que ma meuf, d'accord. Pourquoi pas Mickaël, va être contente. Chris ici qui dit World of Warcraft et Counter Strike. Alors Clem qui dit bataillez pas le top tweeto ce soir, c'est Let's Be Freak. Elle est de retour pour le sextoy, oui la cochonne. Bah, on verra, hein, on verra qui sera élu top tweeto ce soir. Il suffit simplement de venir avec le message, avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. N'hésitez pas. Et Jean-Michel qui dit tof, on dirait Gilou quand il parle. Ah bah il va être content tiens. Sympa ça. Ah ouais c'est très sympa tiens. C'est très très très très très sympa. Bon je vous ai mis la vidéo aussi hein, du mec là qui dit embrassez-moi, je suis désespéré sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel pour venir me rejoindre sur le Facebook et sur le Twitter. Et puis comme on parlait de jeux, d'iPhone, etc. Justement avec notre ami Alex. Toujours là Alex ? Ouais ouais mais en fait mon souci c'est que je voudrais me débarrasser de cette manie de jouer tout le temps. Ouais ouais non mais bien sûr. Mais cela dit comme tu nous en parlais là ça m'a fait penser à un truc que j'ai lu ou que j'ai entendu je sais plus en fait. Que les smartphones étaient de plus en plus responsables de rupture. Il y a quand même 45% des gens qui ont répondu avoir quitté leur copain ou leur copine à cause de leur, du smartphone. Donc c'est je voulais savoir si c'était votre cas aussi. Donc venez nous dire si votre téléphone si le téléphone a pu briser votre couple ou le couple de quelqu'un que vous connaissez par exemple. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, Alexandre. Oui, Alexandre. tu veux, le mois d'octobre par exemple, sur Temple Run, rien que le mois d'octobre, j'ai fait 800 parties. T'as fait quoi? 800 parties? Ouais. Ouais, mais si t'es mauvais en même temps et tu perds toutes les secondes, ça fait jamais que 800 secondes, c'est pas énorme. Ouais, et puis non, non, j'ai 150 pierres, j'ai tous les personnages. Ah oui, d'accord, donc t'as dur dans le jeu, d'accord, ok. Il bon, se la raconte, bien. J'ai 150 ouais, pierres. Après, je vais lui mettre un coup de pelle, tiens, il va redescendre sur terre là. Bon, Alex, reste avec nous deux minutes, on va d'abord faire le jeu du. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Voilà, avec Fred et avec Nicolas, bonsoir tous les deux. Comment salut, ça va? Salut, ça va, Peck. En forme? Enfin, bon, Fred, t'appelles de Villeurbanne dans la région Rhône-Alpes-Lyon exactement, et Nicolas de Perpignan. C'est ça. Comment c'est ça va, comment ça va, Perpignan? Ben ça va, il commence à faire froid quand même. Ah oh, oui, j'ai vu, il fait 20 degrés là, putain dur. Ouais, ouais, putain, il fait froid. Enculé, va. Il y a 4 degrés chez nous. Hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, 20 degrés enfoiré. Aujourd'hui, là, il devait faire, je crois qu'il faisait 7 à Strasbourg. Non, non, non, non, il faisait froid quand même, il faisait froid. Ah, les, ouais, les 20 degrés, je les ai pas vus. Hein, ah ouais, bah parce qu'à Nice, il a fait 20 apparemment aujourd'hui cet après-midi. Donc, non, mais là, aujourd'hui, non, pas Perpignan. En tout cas, d'accord. Pas Perpignan. Bon, parce qu'à Strasbourg, il faisait 7 degrés, mec, alors comment te dire? Qu'est-ce qu'ils ont de la chance à Strasbourg? Comment te dire? Bon, on va jouer maintenant au jeu du je t'emmerde. Le principe est relativement simple. Vous allez chacun à votre tour appeler quelqu'un au hasard. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, un vieux, un jeune, peu importe, c'est pas le débat. Et le but, arriver à avoir une discussion la plus naturelle possible. D'accord? J'insiste bien là-dessus. Avec en milieu de phrase, en début de phrase, en fin de phrase, peu importe, des je t'emmerde. D'accord? Ok. Alors attention, il faut évidemment que la phrase soit logique, donc pas des je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Ça ne marchera pas, bien entendu. On y va, on commence au hasard avec Fred. Voilà, hop, c'est parti, qui démarre. On y va, on appelle, t'as bien compris le concept du jeu? Ouais, ouais, y'a pas de soucis. Allez, dès qu'il y a plus de musique en dessous de toi, tu dois dire allô et c'est quelqu'un à décrocher. Ok. Allez. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, est-ce que vous êtes prêt à répondre à un petit sondage? Ah oui, à 23h30, bien sûr. Non, non, mais c'est un petit sondage qui reprend juste 10 minutes, ça prend pas longtemps. Non, non, non, mais vous... Non, mais... Vous avez non, appelé juste... chez nous il y a 10 minutes déjà. Mais non, j'ai pas appelé il y a 10 minutes. Écoutez, je vous donne juste un sondage sur la vulgarité des gens, où apparemment, chez certaines familles, le mot « je t'emmerde » serait plus répété par jour. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à un sondage? Oui, bien sûr. Sur quoi? Sur, donc, sur les non, non, c'est un, non, non, c'est un sondage sur la vulgarité dans les familles. Donc, ben, apparemment... tombe bien, on est bien tombé. Ah bah voilà, hop là, l'enculé. Gros score. Ah oui, 43 secondes, c'est pas mal. 43 secondes, c'est pas mal. Il est pas aimable. Il en a placé un et c'est beau. Et il en a placé un, car oui, parce qu'en secondes, on s'en fout, mais un seul, je t'emmerde, effectivement. Bon, Nicolas. Ouais. Oh, ça va pas être difficile de faire mieux là. Allez, vas-y, ouais, c'est à toi. Je vais réussir quand même. Ouais. Allez, je... Bon, on y va et juste après la pub, on fera la deuxième manche, rassurez-vous. Enfin, surtout pour. Allez, dès qu'il y a plus de musique, c'est à toi. C'est à moi là. Ouais. Sois bon. J'espère. Oui. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui. Oui, je bonsoir, je suis le voisin à côté. Et à chaque fois que je sors de chez moi, une personne de votre famille me dit je t'emmerde gros con, je t'emmerde grosse merde. Ouais, vous trompez le numéro, je pense, là. Ah non, du tout, non, non, non, du tout, c'est bien vous. Vous plaisantez, hein? Allô? Vous êtes où? Donc, j'habite au coin de la rue, là-bas. Donc, je vous appelle pour vous dire que les standards par-ci, les standards par-là, ça suffisait, quoi. J'en ai ras ma claque, hein. Ouais, vous habitez où, là? J'habite à côté, au 20e. Au 20e. Voilà. Et sur quelle commune? C'est normal de dire que je t'emmerde aux gens? Est-ce que non, vous mais croyez que c'est vous normal? Plaisantez, là, vous habitez quelle rue? Au 20, numéro 20, monsieur. De quelle rue? Attendez, monsieur, ne niez pas les faits, monsieur, je vous emmerde aussi, hein. Je vous emmerde, monsieur. Allô? Allô? Oui. Monsieur, vous avez rien à dire, monsieur. Non, mais attendez, là, vous faites je quoi? Vous emmerde, là, deux fois que vous appelez, là, vous me dites dans quelle rue vous êtes, et vous arrêtez d'appeler à ce numéro, c'est bon, là? Mais écoutez, si vous voulez, on sort dehors et on va s'emmerder vous ensemble, êtes monsieur. Où? Je vous emmerde. Vous êtes où? On sort. Allô? Oui. Je vous emmerde, monsieur. Oui, moi aussi, ouais. Il a un bon client. Allô? Oui. Oui, vous êtes encore là? Oui, je suis encore là, ouais. Mais venez ensemble, monsieur. Et vous êtes où, là? Je suis à côté, j'arrive. Ok, ça marche. Allez, je t'emmerde. Hop là, il a raccroché. Alors, combien? Alors, attends, est-ce que... Non, vous m'emmerdez, non. Vous m'emmerdez, non. Non, c'est je t'emmerde, le concept. Bah, 3, alors. Quoi? Seulement? Ah ouais, le reste c'était vous m'emmerder et c'est je vous emmerde. Ah ouais, non, je croyais que. Non, mais vous, ouais, non, bah. Oui, non. Ah, bon, alors c'est 8. Bon, bah ça fait 8, allez, j'accepte les 8, on aurait dû préciser là, avant, c'est vrai. Alors l'avant c'est je t'emmerde ou je t'emmerde. Bon, ah, d'accord. Bon, okay. 8, Fred, 1, c'est pas énorme, on fait la. Ouais, mais j'aimerais passer. Bah ouais. Oui, mais on fait la suite dans quelques minutes. Donc, reste avec nous, on se mettra aussi Basto dans quelques minutes, comme promis, avec Dance With Me sur Fun Radio. On revient en direct, c'est Mickaël No Limite, bienvenue, il y a enfin une émission sympa à écouter la nuit à la radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël No Limite, 23h, 2h sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages comme d'habitude. Allez-y, balancez tous vos messages maintenant où que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Et puis bah ça fonctionne aussi bien entendu sur le Facebook de l'émission. Ajoutez-moi d'ailleurs hein, si vous voulez facebook.com/mickaël officiel, vous me suivez et puis bah sur le Twitter également, vous tapez mickaël_officiel pour me suivre. L'underscore c'est la petite barre en bas. Donc n'hésitez pas et je vous rappelle qu'il y a un petit sextoy ce soir à vous offrir. Voilà, sextoy. Celui qui sera élu le top tweetos, celui qui aura balancé un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël à 2h du mat sera donc élu meilleur auditeur de la soirée. Et en plus de ça, on lui offre un sextoy d'une valeur entre 50 et 100 euros offert par passagedudésir.fr. Voilà, donc allez-y, n'hésitez pas évidemment pour tous les messages. Allez, c'est parti, on se fait le son de Basto maintenant avec Dance With Me. Il y a l'Abné Blouté aussi qui dit j'aime le jeu du je t'emmerde. Ronnie qui dit trop fort le je t'emmerde. Et alors de Phil 4444 qui dit moins 5 à Montréal. Bah finalement, comme quoi hein. Tout va bien. T'as fait pour ta ouais. Et Cheyenne aussi qui dit Mickaël, j'ai demandé trois fois sur le mur pour le message de bienvenue. J'y tiens moi à ce message de bienvenue. Bah je vais te le mettre le message de bienvenue. C'est bon, attends. Je vais t'en mettre un, tiens, voilà. Mais putain, va te faire enculer la fille de putain. Voilà, comme ça tu l'as le message de bienvenue. 23h47, c'est la nuit sans pub. Maintenant sur Fun Radio et c'est Basto. Basto à l'instant sur Fun Radio, Dance With Me, Basto qui sera au Starfloor le 23 février, n'importe quoi, le 23 novembre avec Fun Radio évidemment, et je suis complètement à la ramasse aujourd'hui, hein. Voilà, et j'aurai le plaisir de présenter le Starfloor avec Karima à mes côtés. Oh, vous êtes mignons tous les deux. Bah écoute, oui, je pense. Hein, je n'ai pas été invité. Ça va bien se passer. Non, c'est vrai, pas encore, non, pas encore. Allez, 23h50, il n'y a plus de pub là, jusqu'à la fin de l'émission, on est à la cool, on est au top. Valentin qui dit... En train de faire les devoirs avec vous, putain j'y arrive plus monsieur. Et l'oiseau aussi qui dit pas besoin de God, rien que le son de Fun me fait le même effet. Oui, donc je rappelle qu'il y a toujours le God, hein, le sextoy à gagner, offert par passagedudésir.fr. Voilà, si vous venez sur le Twitter, n'hésitez pas à ajouter moi @mickaël_, le petit tiret en bas officiel. Et si vous êtes top tweetos, c'est-à-dire que vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël, eh bien vous serez élu top tweetos à la fin de l'émission. Et en plus de ça, on vous offrira donc le sextoy. L'Abné Blouté qui dit j'aime le jeu du je t'emmerde. Il y avait quoi également? Morgane qui disait ma mère veut le sextoy. Bah il faut qu'elle joue Morgane. Cara qui dit hard d'être accro à ce point aux iPhones, c'est triste quand même de vivre ça. Et puis Shaman qui dit ma copine veut le sextoy, j'ai peur. Bah pose-toi des questions. Et Didier enfin qui dit ça y est, on est en top tweet, mais il faut monter encore. Oui, j'ai vu ça effectivement là-bas. Merci beaucoup tout le monde, hein, c'est cool. Dès le début de l'émission, des gens en top tweet grâce à vous et grâce au sextoy. On a bien vu que vous étiez des cochons. Bien sûr, on sait bien ce qui les intéresse. D'ailleurs, même Sandro, elle tweet là. Mais moi, je le voulais pour Let's Be Freaks. Mais oui, mais elle tweet. Bah, si elle est première. Si elle est pas première, elle l'aura pas. Hein, c'est la même règle. Ça va pas, ou c'est la même règle pour tout le monde. Et Lilou qui dit moi, mon mec, ah oui, je l'avais déjà lu, celui-là, caresse plus son poux sur son iPhone que moi. Et enfin, message aussi de Clem qui dit bataillez pas le top tweetos ce soir, c'est Let's Be Freak, c'est le retour pour le sextoy la cochonne. Et Audrey encore qui m'a envoyé message, vous êtes franchement vous êtes d'art, franchement ne changez rien, love. Et bien love aussi Audrey. Et Colin qui dit en ce jour de gentillesse tout le monde a droit à un câlin, même Toff. Oh merci. Et ben d'accord, mais putain va te faire enculer la fille de putain. Voilà, le message est passé, donc comme ça au moins c'est fait. Oh, bon, pour Toff. Oh, oui, appelez-nous les filles, les garçons là. Hop là. Appelez-nous les filles, les garçons. Est-ce que vous vous êtes déjà séparés à cause des téléphones? Est-ce que ça a déjà créé des disputes, le fait de traîner sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur ou sur votre console, les mecs ou même les filles, il y a aussi des gameuses. N'hésitez pas à nous appeler si ça a déjà foutu la merde, hein, qu'on parle un petit peu de couple ce soir. Ah, moi ça a foutu la merde parce que je traînais sur son téléphone portable. Oui, ah oui, pas, mais c'est ça pas c'est différent. Non, c'est un autre débat ça. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et donc pour la Belgique 02 851 4x0. Bon, avant de récupérer Alexandre, Laura également qui est avec nous, il y a Fred et Nicolas pour la suite du Je t'emmerde. Je t'emmerde. Yo. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Exactement. Bon, oh. Allez, Nicolas, Fred, on va jouer. Fred a fait tout à l'heure le premier appel. Il a fait un seul je t'emmerde dans la conversation. Alors que Nicolas, lui, en a fait 8. On remet le couvert maintenant. Vous êtes prêts, Fred? Bon Fred, à toi, hein, ouais, tu vas commencer, okay. On va voir. Ouais. Non, allez, non, non, on va faire jouer Nicolas, c'est mieux, tiens, on va d'abord faire jouer Nicolas pour voir s'il arrive à monter un peu plus là. Bon, allez, c'est parti, je rappelle, c'est la deuxième manche. Si Nicolas, tu fais moins de 8, je t'emmerde, on gardera 8 comme score, puisque c'est ce que t'as fait en premier. Et si t'en fais plus, on gardera le meilleur score des deux appels, d'accord? Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dois dire allô, et le but, placer un maximum de je t'emmerde dans une conversation la plus logique possible. C'est parti. Allô? Allô? Oui? Ouais, je suis le voisin d'à côté là, et à chaque fois que je sors de chez moi, il y a une personne de chez toi qui me dit je t'emmerde. C'est normal? Ah bon? Ouais, donc je t'appelle pour te dire que les je t'emmerde, les je t'emmerde, les je t'emmerde, ça suffisait quoi, j'en ai ras-le-bol des je t'emmerde. Mais vous pensez à les je t'emmerde par-ci, les je t'emmerde par-là, sans déconner, tu crois que c'est normal de dire je t'emmerde à des gens? Moi, je vais venir en face de toi, je vais dire je t'emmerde aussi. Non mais là il y a peut-être un problème là, parce que vous pensez appeler qui là? Ben vous. Toi, vous, c'est qui? Toi, c'est je t'emmerde à toi, je t'emmerde à toi, je t'emmerde à ta mère, je t'emmerde à tout le monde. Ouais, mais c'est à qui que tu penses parler là? Tu t'es en train de parler à une société de sécurité là. N'importe quoi, hein, je parle à toi, je t'emmerde. Ah non, il n'y a pas n'importe quoi non. Ah si, c'est, non, c'est pas possible, t'es mon voisin, je t'emmerde. Non, non, je suis pas ton voisin, je suis désolé, j'habite du côté de Valence, il n'y a pas de... Aussi. Je suis ton voisin. Voilà, je t'emmerde. Ouais, et ben là t'as un gros souci mon pote. Ah. Parce que le numéro sur lequel tu appelles, il fait partie d'une société de sécurité privée là. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai, si. Ah ben je t'emmerde alors. Eh ben tant mieux. Allez, tant je te souhaite une bonne soirée. Merde. Ciao. Ah, il a été meilleur, hein. Ouais. Ouais, il a été meilleur. Alors combien de je t'emmerde? 19. Ouah putain. Nicolas, 19, pas mal. Fred, la barre est haute là, mec. Allez, on va y aller. La barre est haute. Bon, j'espère que t'as une bonne idée de... Non, mais de... on va improviser, on va y aller. Bon, bah très bien. Allez, il faut faire mieux que 19, sinon c'est Nicolas qui gagne. Ouais. On y va, on appelle, bonne chance. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous, c'est qu'il faut dire allô, ce sera à toi. Et on appellera encore d'autres personnes avec Toff, là, pour la journée de la gentillesse. Dépêchez, on va trouver un plan cul, c'est fini dans 4 minutes. Ouais, mais on déborde un peu. Oui. Allô? Ah non, attends, c'est pas fini. Oh, ouais. C'est le dernier. Hein. Ça aurait pu être beau, hein. Bonjour, ah vous bah, êtes sur la messagerie. Ok, je veux bien, c'est pas grave. C'est la malédiction du dernier. Ah ouais, putain, les trois premiers appels directs, et là, il faut que ça foire, comme d'habitude. Bon, on retourne, on appelle un autre numéro, là, vas-y. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur, j'en ai ras-le-bol de recevoir des messages de votre part où il y a marqué « Je t'emmerde sur mon répondeur ». Ça fait plusieurs fois que vous m'avez fait 4 messages avec je t'emmerde sur le répondeur, et au bout du compte, le répondeur est saturé. Ah, donc au bout d'un moment, moi, je vais aller finir par porter plainte pour menace avec je t'emmerde. Hein. Je suis désolé, monsieur. Non, il n'y a pas d'être désolé, il y a votre numéro où à chaque fois vous dites je t'emmerde, à 12h04, j'ai reçu un message de votre part où il y a marqué je t'emmerde, à 13h05, il y a marqué je t'emmerde, et à 14h aussi, il y a marqué je t'emmerde. Donc au bout du compte, c'est moi qui vous dis je t'emmerde, au bout du compte, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Un message SMS. Alors j'ai reçu 4 SMS, un à 12h05 où il y a marqué je t'emmerde, un à 14h où il y a marqué je t'emmerde, un à 17h07 où il y a marqué je t'emmerde, et à 23h30 où il y a marqué je t'emmerde. On a combien là? Donc au bout d'un moment, moi je 14. Peux plus entendre de je t'emmerde dans la journée, j'en ai ras le bol. 15. Je suis désolé, je peux absolument comprendre. C'est votre numéro qui s'est affiché où il n'y a pas d'avoir démarqué des je t'emmerde à longueur de temps. Donc au bout d'un moment, comprenez que ma compagne, si elle voit je t'emmerde, elle va me dire que je la trompe. Donc au bout d'un moment, moi j'en peux plus. Donc au bout d'un moment, moi je te dis je t'emmerde clairement. Je comprends ce que vous dites, monsieur. Cependant, c'est votre numéro qui s'affiche où il y a marqué je t'emmerde. 19. Donc comprenez-vous que j'essaie de vous rappeler, de vous recontacter pour comprendre pourquoi il y a marqué je t'emmerde. Bingo. Je comprends que vous le fassiez et vous faites bien, monsieur, cependant je me permets de vous dire que ce n'est pas moi. Eh ben arrêtez, c'est votre numéro. Regardez, à 12h17, il y a marqué je t'emmerde. À 13h07, il y a marqué je t'emmerde. À 17h07, il y a marqué je t'emmerde. Et sur le dépôt de plainte, il y a marqué je t'emmerde aussi. Top, il a raccroché là. Ouais, je pense que tu lui as pris la tête assez longtemps. C'était suffisant là. Bon, alors, on va faire les comptes. Nicolas nous avait fait combien? 19. Fred, ouais. Il a fait combien le Fred? Il a fait 24. Oh ah putain. Ah, et bah c'était pas gagné pourtant hein. Ouais mais j'ai improvisé, c'est l'improvisation. Bah, t'es surtout tombé sur un bon client. Ouais voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu d'improvisation qui a permis d'enfumer tout le bordel. Et ben bravo Fred. Et il est revenu de loin le Fred hein, parce que d'un seul je suis passé à 24 hein. Ah bah de 1 est passé, à 24, c'est pas mal. Ouais mais Nicolas était bon aussi, vous avez été très bon hier ce soir. Ouais contrairement à hier hein, où ils ont été très mauvais hier avec le jeu de la rupture. Le jeu de la rupture hier c'était une rupture totale. Ah oui, c'était la rupture. Et bon on va faire une rupture d'ailleurs avec ce jeu là et on le recommencera la semaine prochaine. Bon bah bravo Fred, tu retournes chez Sandro au standard. Nicolas tu vas repartir avec un pack fun. Allez, ça marche, on fait comme ça. Allez vas-y, tu peux faire une personne, choisis la bonne. Tous mes potes du natu et voilà, c'est tout. Très bien, et bah message passé sans problème. Salut à vous deux, à bientôt. Allez, merci. Salut, ciao. Bon bah voilà une bonne chose de faite. Comme ça, si vous voulez vous aussi jouer au jeu du je t'emmerde, on remet le couvert la semaine prochaine. Il suffit tout simplement et bien de vous inscrire maintenant. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000. Clem qui dit Nico est trop fort. Ouais c'est vrai qu'il était pas mauvais. Hein. Ariel également, c'est la journée de la gentillesse. Donc on ne dira pas que Toff est laid mais qu'il n'a pas un physique facile. Merci, et Louis c'est gentil. Qui dit j'ai perdu ma copine à cause de mon téléphone mais je peux pas vous appeler. Oui ça c'est con ça. Elle a piqué aussi le téléphone en fait. Bah ouais, il y a Steve qui dit salut, moi je veux pour ma belle-mère comme cadeau de Noël le sextoy. Bah il suffit d'aller faire un max de messages avec le hein, sur le Twitter, continuer. Il y a Marilou également qui avait envoyé un message qui dit Polo le Robin des Bois du chocolat mon sauveur. Ariel également, je suis la seule ici à avoir passé des nuits blanches sur Assassin's Creed dans la belle tout à l'heure. Et alors qu'est-ce qu'il y avait aussi comme message? Salut l'équipe, un petit message pour vous dire que vous tuez tout, je vous écoute tous les soirs et c'est un régal, continuez comme ça, bisous à tous. Bah merci beaucoup en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à plus de 251 000 là, sur le Facebook depuis ce soir, presque 19 000 sur Twitter depuis 3 mois d'existence. Merci beaucoup, continuez à passer le message auprès de vos potes hein, de vos amis, de vos potes, de vos collègues, tout ça etc. Il se passe enfin quelque chose de bien la nuit à la radio et faites passer le message, on est sur Fun Radio tous les soirs du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat et tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun. Bon, retour avec notre ami Alex. Toujours là Alex? Toujours là. Bon bah parfait. Alex qui nous avait appelé parce que il est accro aux jeux vidéo sur l'iPhone et donc forcément du coup ça l'emmerde parce qu'il passe son temps dessus. Bah en fait techniquement tu voulais t'en débarrasser mais il y a un moment il suffit de mettre ton iPhone de côté quoi. C'est-à-dire que tu réutilises un téléphone normal, tu vas te faire chier au début mais tu vois il y a un moment faut y aller. Ou alors il faut supprimer les accès, supprimer les jeux, changer de compte iTunes, je sais pas moi, avec un mot de passe que seuls tes parents peuvent avoir, il y a un moment faut y aller quoi, tu vois, tu vas pas rester comme ça tout le temps. Non mais je voulais une solution un peu plus intermédiaire parce que bon, mettre l'iPhone de côté, je l'ai payé moi-même. Non mais peu importe, non mais tu dois pas le jeter ou le vendre, tu le mets juste de côté genre quelques semaines, tu vois, histoire de sevrer. Ouais, histoire de sevrer, voilà, c'est ça. Parce que j'ai au moins 10 jeux là-dessus. Bah oui, non mais d'accord, sinon tu vas aux Alcooliques Anonymes et au lieu de dire voilà, j'ai pas bu, tu fais bonjour, aujourd'hui je n'ai pas joué. Oui, c'est une idée exactement, et Toff d'ailleurs devrait faire pareil avec les meufs. Mais j'y ai pensé hein. Voilà, d'aller au meuf anonyme, au dingue, au laidron anonyme. Au laidron anonyme, voilà, c'est ça. Ouais, oui, qu'est-ce qu'il y a Alex? La chanson Monster de Rihanna, c'est pas pour sa bite, c'est pour sa tête. Pourquoi? Bah, c'est ouais, le Monster. Ah Monster, oui, mais parce que moi je voyais Monster dans le sens grand, mais pas Monster dans le sens monstre. Oui, effectivement, oui, c'est une idée qui aurait pu être le cas, mais rassure-toi, j'ai eu Rihanna au téléphone et c'est ni l'un ni l'autre, hein, donc ça n'a rien à voir pour le coup. Tu veux dire que c'est fini Halloween? Oui, bah c'est vrai en même temps, oui, bah peut-être pour l'année prochaine, on ne sait jamais, va savoir. Bon, dis donc, si vous avez des conseils à donner, donc allez-y pour Alexandre. Il y a également Quentin avec nous, salut Quentin. Salut l'équipe. Comment ça va? Bah nickel, vous? Bah tranquille, hein, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi Quentin, pardon. J'ai couché avec ma belle-mère. Non! Bravo! Mais attends, ta belle-mère, c'est-à-dire la femme de ton père ou la mère de ta copine? Non, la mère de ma copine. Ils sont cons d'avoir appelé ça belle-mère, tu vois, parce que tu sais pas de qui tu parles. C'est comme les beaux-pères, pareil, ou alors la demi-sœur ou le demi-frère. Bah, on sait pas si c'est un lien de sang ou s'il n'y a pas de lien de sang. Et je crois qu'en vrai, il y a un autre terme hein, quand il n'y a pas de lien de sang. Ouais, je crois qu'en vrai, il y a un autre terme et que personne ne l'utilise. Ah, bah, ça, c'est possible aussi, ça, effectivement. Bon, en tout cas, on va en parler dans quelques minutes. Donc, du coup, tu m'as dit que c'était la mère de ta copine, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. D'accord. Bravo, okay. Félicitations, c'est pas de mes fantasmes, j'ai jamais réussi, moi. Quel âge est-elle? Ma copine ou ma belle-mère? Bah, les deux, hein, du coup. Ma copine est à mon âge, elle a 17 ans, et la belle-mère, je sais pas exactement, mais entre 41 et 42. Ah ouais, toi tu prends dans la MILF alors, hein? Ah, tu t'es mis bien, mon cochon. Ah, tu t'es mis bien. 40 balais, là, c'est pas mal, hein, pour l'âge. Hein. C'est elle qui a cherché ou pas? Ah ouais, elle l'a cherché. Ah, elle a cherché, elle l'a cherché, elle lui a donné bien profond. Mais oui, bah, on va en parler, tiens, aussi ce soir. Hein, donnez-nous les différences d'âge maximum que vous avez eu, que vous avez eu l'occasion de tester, les garçons, les filles, là. 01 42 48 5000. La Belgique nous appelle également au 02 851 4x0. C'est quoi la plus grande amplitude, Polo, que t'as fait, toi? 40 piges, moi. Mais elle m'a peu. En fait, t'avais quel âge? Je sais plus. Je sais plus. Non, mais il y avait un écart de. De 15-20 ans, un truc comme ça. Ah oui, ouais, quand même. Et t'offres combien l'amplitude? Le maximum 13. Ah, 13 ans. De plus vieille? Non, plus jeune. Plus jeune et le maximum au-dessus. Mais comment c'est possible? Bah quoi, comment c'est possible? Bah j'ai 30 piges, mec. Ouais, mais c'était quand la plus grande amplitude? C'était il y a pas longtemps. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc la plus vieille, elle avait. Espèce de porc, bah. 8 ans de plus. La plus vieille, elle avait 8 ans de plus. D'accord. Bon, bah, venez nous dire les autres, là. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, 02 851 4x0. Donc, toi, Quentin, bah, alors 17, 23. Non, 23. Non, 17, elle a ta copine, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc 24 ans de différence avec la belle-mère, là, bien joué, hein, Quentin. Hein. Et Laura, toi, fais quoi comme amplitude avec un mec, le mec que tu t'es tapé, le plus vieux ou le plus jeune? Plus vieux que moi, de 7 ans et demi, mon copain actuel. Ah, d'accord, donc lui, il a 27 ans et demi. D'accord, ok, bon, on en parle dans quelques minutes. Appelez-nous tout le monde, et puis on va se faire les teubés de la télé, là, comme chaque soir, là. Hein, teubés de la télé, les Mongoliens qui sont passés sur toutes les chaînes un peu partout dans la nouvelle émission de Nabila. Allô, Nabila, elle nous montre toute l'étendue de son talent. Allons-y, les amis. Ouais. Super. Oh là là, je suis soulagée, j'ai failli faire un infractus. Eh oui, un infractus. Oh là là. Voilà. Là. En fait, c'est l'infarctus, mais en moins grave. Voilà, c'est l'infractus. Alors moi, c'est c'est une fracture. Exactement. Et évidemment, c'est pire quand elle doit essayer d'épeler jalousie. C'est très compliqué. C'est la jalousie avec un gros G ou J. Oui. Ah bah oui. Ah, c'est super compliqué, quoi, d'arriver à faire ça, quoi. C'est ça, hein? Compliqué. Trop. Bah, surtout pour elle. Ah bah trop compliqué. Puis l'enchaîne. Voilà, c'est un très beau tableau. Qu'est-ce que t'as dit? Un très beau tableau. Ah, j'ai compris, oui. un très beau tableau. Voilà, comme quoi finalement tout le monde a du mal, hein, à parler. Hein. Tableau, c'est compliqué à dire évidemment. Trop dur, la langue française. Mais la langue française est une langue très compliquée, trop compliquée, j'ai envie de dire. Donc du coup, les teubés de la télé, je vous les ai présentés ce soir, on remettra le couvert demain, car contrairement à pas mal d'autres rubriques qu'on pourrait avoir en radio, en télé, c'est une rubrique qu'on remplit facilement. Ah oui, oui. Ah, parce qu'il y a du, du lourd. Ah bah je vous le dis. On a toujours du mal à choisir. Ah, il y a du très lourd. Ah bah je confirme. Bon, restez sur Fun Radio, je vous cale le nouveau Fédé Le Grand dans quelques minutes. Il y aura également Muttonheads et puis un son que vous demandez assez régulièrement, là, le son de Dubs qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Tsunami. Et allez, on va se refaire aussi un coup de colle dans quelques minutes avec notre ami Yann. Et puis numéro 1 du top tweet, merci beaucoup sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. On vous attend encore nombreux et nombreuses. Sur Fun Radio avec Tsunami, bienvenue si vous voulez débarquer. Ah bah alors vous êtes un salaud. Bah oui, c'est à mon avis à Dof, ce petit message qui vient de passer. C'est un mal dégueulasse. Ah, évidemment. Ouais, alors il y a de fortes chances que ce soit pour lui, tiens. Il y a Audren qui dit ma soeur veut un message de bienvenue. Bah écoute, si elle le veut, bah on va lui mettre le message de bienvenue. Il n'y a pas de soucis, voilà. Bah voilà, on met quand même un deuxième. Et dans ton cul, au connard. Voilà, il y a Quentin qui dit mort de rire, il s'est tapé une vieille putain. Oui, ça c'est Quentin justement, qui s'est tapé la mère de sa copine, la 41. Un balai, il en a 17. Il y a Stéphanie qui dit le scoop du soir, Toff aime les petites gelettes. Eh oui. Stéphanie qui balance. Eh oui, bah si oui, t'as des dossiers, viens Stéphanie. Oui, vas-y, hein. Attention, appel. J'offre une récompense à des dossiers avec preuve. Un double god. Non, mais je peux offrir des récompenses, des places pour Starflore. Oh, je pourrais. Comment si il achète les meufs. Si j'ai un très gros dossier avec preuve. Sur Toff, hein. Je m'engage. Tu t'engages. Je m'engage. Tu t'engages. Je m'engage. À offrir une PS4. Bravo. Voilà. Mais attention, il faut un gros dossier avec preuve. T'es vraiment un sale bâtard. Oui. Voilà, donc un gros dossier avec preuve. Ah. Avec preuve. Allez-y mesdames, tweetez. Voilà. Venez donc, avancer. Voilà, si vous êtes témoin de quelque chose, allez-y, de toute façon vous pouvez le balancer. Hein, Toff, il fera pareil, c'est quelque chose à gagner. Hein. Donc voilà, donc avec preuve, un gros dossier sur Toff et ses éventuelles aventures crades, bien entendu. Hein, parce que je rappelle que. Ah bah alors vous êtes un salaud. Voilà. Donc avec preuve, mikael@funradio.fr, si je m'engage à offrir une PS4. Alors là. Et, ah bah oui, non, avec je preuve. Viens faire le ménage chez vous pendant une semaine. Encore avec la soupe. Bref, tout ça là. Oh, ça va être beau. Ah si, bah si. Oh non, si, bah t'as mis en blanc et noir. Il va nettoyer. Juste qu'il faut que je te fasse. Je mettrai un tablier et je prendrai un plumeau. Quelle horreur. Il y a Céline aussi qui dit le mec il a couché avec sa belle-mère là, qui a 41-42 ans, mort de rire. Et Angelina, il faut qu'il arrête de croire aux contes de fées. Il est moche, tout ça c'est compliqué. C'est pas compliqué. Et Florian qui dit vous sentez pas trop seul les geeks, là je suis avec vous. Une nuit blanche et une journée à GTA. Ah oui, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux ouais. Faut écouter l'émission, c'est bien, ça fait une petite pause comme ça. Bon, allez, on va récupérer notre ami Alexandre dans quelques minutes. Laura qui est toujours dans le standard. Il y a Coralie et Jérôme qui voulaient réagir justement à Alexandre. Et puis Mehdi qui voulait réagir à Quentin par rapport à Quentin qui a couché avec sa belle-mère. Avant ça, on refait, comme je l'avais promis, un tour du côté de la colle. Allez, c'est parti, la colle avec Yann de Vichy. Toujours là, Yann ? Ouais. Parfait. Je rappelle qu'il y a toujours la Nintendo 3DS XL à gagner peut-être pour toi dans quelques minutes. Oui, ouais, qu'est-ce qui se passe? Je fais une dédie aussi à Vincent. Ben, c'est mes cousins en fait, à Vincent et à Marion. Tu t'emballes là, Yann, non, me semble-t-il, non? Hein, sans demander comme ça, là, t'arrives, ouais, je voulais aussi faire blablabla. Hein, tu t'emballes là, non? Je pense qu'il mérite un coup de pelle. Ouais, un coup de pelle dans ma gueule. Voilà. Ça fait mal. Oui, bah ça fait mal, mais tu l'as cherché, Yann. Bon, allez, et que je te reprenne plus la prochaine fois, je t'en mets deux. Bon, Yann, vas-y pour la colle. Alors. Ah bah alors vous êtes un salaud. Eh oui. Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Vous êtes un mat dégueulasse. Oui, complètement. Bon, si vous avez la bonne réponse, non, c'est vous pas envoyez... la réponse. Non, c'est pas la réponse. Vous envoyez MIKL espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook facebook.com/MIKL officiel. Je vous ai mis la photo de la Nintendo 3DS XL là, toute rose. Oh, bon, oh alors, attention. Il y a des couleurs différentes, hein, rassurez-vous, c'était... En fait, Mickaël. Oui. Elle va bien, en fait. Quoi? Mais oui, je vais bien, mon loulou. Ah, en fait, oui, elle va bien, j'avais pas compris. C'est ouais. Salope. Je suis là. Oui, elle va bien, t'inquiète pas, va, t'inquiète. Vous êtes pas dégueulasse. Oui, complètement. Bon, alors du coup, on y va, donc allez-y plutôt, si vous avez la bonne réponse, vous proposez la lune. Non. Non, il y a Maëva qui proposait, désolé, j'ai 2 minutes de retard, bah bravo. La dame noire. Non. Usain Bolt. Non. Un corbeau. Non. Une éclipse, c'est aurore. Non. Non, proposer également c'est la couleur noire, c'est Abdley, je sais pas comment dire, désolé, Abdley je crois. Pas ça? Non. Non, bon non. Bah tant pis. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, allez-y. MIKL espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et puis bien sûr aussi sur le Facebook de l'émission facebook.com/MIKL officiel. Si vous avez la bonne réponse à la colle de Yann et que vous êtes appelé en direct à l'antenne, vous gagnez la Nintendo 3DS XL. Si jamais vous n'avez pas la bonne réponse et que ou alors vous êtes tiré au sort et que vous ne décrochez pas, à ce moment-là, c'est Yann qui gagnera. On donne la réponse dans un bon quart d'heure. Super. Tu restes avec nous, Yann? Ok. Allez, bouge pas de là. Et puis on va faire encore un petit appel avec Toff là maintenant. Allons-y, hein, allons-y. Je le rappelle, depuis aujourd'hui, depuis hier dans l'idée, parce que ça a commencé hier, c'était la journée de la gentillesse. Oui. Voilà, et je vous avais mis une vidéo également d'un mec qui est en chien. Et donc du coup il a fait une vidéo avec une pancarte où il est en disant qu'est-ce qu'il a mis encore, j'oublie. Il a mis embrassez-moi je suis désespéré. Ouais c'est ça, embrassez-moi je suis désespéré. Donc du coup toi va faire un remix des deux. Hein. Oui, moi comme j'ai fait la journée, je suis désespéré. Ouais c'est ça. Comme c'est la journée de la gentillesse, tu vas appeler des gens pour voir si tu peux éventuellement niquer leur femme. Voilà. Bon, ah bah c'est parti, on y va, on appelle. Allons-nous rencontrer de nouveaux amis de Toff? C'est pas exclu. Bon là je rencontrais un tout à l'heure, ça se le dit. Alors. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je suis un peu désespéré sexuellement et je voulais savoir si c'était possible de peut-être coucher avec votre femme. Oh, c'était rapide. Ah oui, réponds même pas là, déception totale. Bon, on recommence, on rappelle. Allez, c'est parti. excusez-moi, monsieur, nous avons été coupés. Mais qui tu es? Moi, je suis Toff, monsieur. Toff? Oui. Ça te fait enculer un peu, Toff, t'as compris? Et ce numéro, tu l'oublies vite, t'as compris? Monsieur, c'est la journée de la gentillesse, vous pouvez pas dire ça. Oh, mais enfin, merde. Mais bon, oui. On le rappelle. Bah, va te faire enculer, hein. Hein, ça faisait longtemps, tiens. Je crois que nous étions en Corse. Je pense, hein, vu que l'accent, je pense. Ouais. Comme je disais, Toff est wanted en Corse. Hein. Quelqu'un nous invitait pour faire l'émission là-bas, mais... J'ai peur qu'il se fasse tuer. Oh, c'est une bonne... C'est bien. Oui, couper la gorge. Oui, monsieur. Ça continue longtemps. Bah, non, monsieur, mais c'est la journée de la gentillesse. Vous pouvez pas être comme ça, monsieur. Vous devez être gentil. Hein. Ah bon? Bah oui. Là, c'est ta femme que je vais niquer, moi, si tu continues à m'appeler. Tu as compris? Mais j'ai pas de femme, monsieur. Je suis désespéré. C'est pour ça que je voulais mettre un petit coup à la vôtre. C'est pour ça que t'as pas de femme. T'es tellement con, mon ami. Que le fait d'appeler comme ça, pour faire des canulars à la con, comme ça, c'est normal que tu aies pas de femme. Mais c'est ça pas... Même pas de figure, tiens. C'est pas... Alors, s'il te plaît, regarde. J'ai pas que ça à faire. Ne me rappelle plus. Tu as compris? D'accord, t'as mais... compris. Mais pour votre femme, alors? Tu as compris, espèce oui. d'enculé que tu es. Tu as compris. Ne me rappelle plus. Oui, j'ai compris. Allô? Non, espèce d'enculé que tu es. Ah bah, nouvel ami, hein, ça y est, ah c'est oui. fait, on va pouvoir le garder bon, dans notre lui, liste. Je l'aime. Ah oui, lui, il est pas mal, on va le garder, on va le garder dans notre liste d'amis. Et je vous emmerde, je vous exècre. Bah oui, bah lui aussi. Vous êtes même un dégueulasse. Exactement, exactement, oui. Ben, une patrouille, ça veut dire que vous allez vous faire enculer. Bah, tout simplement. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure, donc restez avec nous, on écoutera le nouveau Fédé Legrand avec Long Way From Home. Et puis des messages de Julien Skinkin qui dit Toff, va te faire enculer un peu. Le Prince Néja qui dit: je pense que Mickaël peut m'assommer de coups de lance-flamme. Je suis très en retard ce soir. Oui, effectivement, le prince Nadia, mais comme t'es là souvent, c'est bon. Et Warren GSD qui dit aussi: putain, place pour Starflore, pour celui qui dit un gros dossier avec preuve sur Toff. Bah évidemment, et le prince Nadia qui dit un gros dossier avec preuve sur Toff. Évidemment, Mickaël fera preuve d'une immense générosité. Comme je le suis à... comme je le suis tout le temps, au final, très généreux. C'est pas? Bah toujours, Mickaël toujours. Est l'homme le plus généreux que je connaisse. Exactement, d'ailleurs. Surtout avec mon code d'or. Mon ouais. Bah arrête, le chocolat de polo qui a été volé. Mais oui, c'est ça. Il y a Louis qui dit qui voulait donner un gros dossier là par mail. Toff ne porte pas de sous-vêtements. Non mais Louis, c'est pas un gros dossier ça. C'est par rapport aux meufs que je veux un gros dossier. Donc surtout si vous êtes une fille, vous êtes déjà sortie avec Toff, qui s'est foutu de votre gueule, bon comme il le fait à peu près à tout le monde, hein, enfin, avec toutes les filles plutôt. Venez nous expliquer. Et si j'ai des preuves que ce que vous dites est vrai, oui. bien entendu, hein, sauf si Toff avoue, hein. C'est-à-dire si j'avoue avant, ça compte pas. Non, s'il explique tout mais qu'elle a pas de preuve et que tu dis bon, effectivement, c'est vrai. Si. Enfin si, ouais. S'il avoue avant. Ouais, s'il avoue avant. Et ça c'est... correspond au dossier, et ben vous gagnez rien. Et là, voilà. Voilà, donc si vous avez un gros dossier sur Toff, si vous êtes déjà sorti avec Toff qui s'est foutu de votre gueule, donc comme il le fait à chaque fois, ou alors si éventuellement vous êtes peut-être en train de vous faire draguer par Toff et qu'il se fout de votre gueule mais vous le savez pas encore, hein, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, bah appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Je pense surtout aux filles qui sont vers Verviers et Liège. Il y en a beaucoup, hein, à mon avis, hein, des anciens, ouais, des anciens gros eu... dossiers. Ouais. Il y a eu trois. Ouais, vrai. Ouais, bon, enfin bon, quand même. Bon, bah allez-y, on attend vos appels, donc n'hésitez pas. On va faire encore d'autres appels avec Toff, justement, d'ici quelques minutes. Et puis, on va récupérer Alexandre avec son problème, il accro aux jeux vidéo. Il y a Coralie également, la Stéphanoise. Bonsoir, Coralie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? T'es déjà sorti avec Toff? Non. Ah, donc t'auras pas de dossier, combien malheureusement. Quand même, Coralie. Ouais, j'ai un dossier. Ah, bah attends, t'as des dossiers, Alexandre? Bah ouais, il est accouché avec Monsieur Propre, mais coiffé comme un bel. Okay. Bon, Alexandre. Bon, Coralie, combien mesures-tu? Alexandre. Voilà. Bon, Coralie, combien mesures-tu? 1m57. Combien pèses-tu? 40,5. 40,5? Ouais. Bah, va manger un peu. Bon, alors, c'est ton tour de poitrine. Quel est ton tour de poitrine? Combien? 80 quoi, ça a coupé? 80. Merde, putain, c'est un truc de fou, on dirait que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Le CSA derrière tout ça, combien tu m'as dit? 85B. Ah voilà. 85B, et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 34. Ben oui, évidemment, Coralie. Bon, ben sois la bienvenue. Alors toi, tu voulais réagir à Alexandre. Toi aussi, t'es accro ou pas? Pardon? Je dis, tu voulais réagir, Alexandre. Toi aussi, t'es accro aux jeux vidéo ou t'es sorti avec un mec qui pensait plus à ses jeux vidéo qu'à toi? Bah, je suis accro aux jeux vidéo et le mec actuellement avec qui je suis, oui, je joue aux jeux vidéo. Oh, mais ça va alors, mais si vous êtes tous les deux accro, c'est bien. Deux geeks. Ouais, c'est ça. Tu joues à quoi, toi? Moi, je suis téléphone et ordi, et lui, il est Xbox, et moi, c'est plus Candy Crush et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Et lui, c'est quoi? Ghost. Ah, Ghost, ouais, d'accord, ok. Et t'aurais pas des conseils pour Alexandre, parce qu'il veut se débarrasser de cette addiction? Addiction? Bah, perso, moi-même, j'y arrive pas, je suis à 5-4 dessus. H24, tu te fous de ma gueule, hein? Hein, Coralie? Bah, y'a des moments, on se retrouve plus les deux, non, je suis sur le téléphone. Mais vous baisez pas un moment? Si, non, mais on continue à jouer. Non, si, mais oui, c'est ça, mais on n'arrête pas, on continue à jouer, on sait jamais qu'on. Attends, on va pas rater le truc, on fait l'amour. Mais là, ils sont sur mode vibreur. Ouais, ouais, c'est ça, on fait l'amour en réseau. Ah, génial, mais il faut nous dire à ce moment-là sur quel jeu on se collectera aussi, hein, pour voir un peu comment ça se passe. Attends, il y a aussi Jérôme avec nous, la Dabville. Salut Jérôme. Salut. Comment ça va dans la Somme? Ça va, ça roule. Oh, tant mieux, bienvenue à toi Jérôme. T'as des conseils à filer à Alexandre, toi? Bah, moi je suis pareil, donc c'est la console à fond les manettes. Ah, toi aussi à 39 balais pourtant? Eh ouais. Ah ouais, quand même, hein, finalement. Hein. Bah oui. Et alors, du coup, comment ça se passe? Ma femme a pris la console, l'a mis à la poubelle, coupé les manettes. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est dur. Ah ouais. Ah, oh, c'est bon ça. La punition. Et ça me paraît, ça me rappelle Marcia qu'on a eu hier et avant-hier. Tu sais, qui était par énervement sur son mec, avait jeté la console à la poubelle. Ah, mais elle avait tout jeté, elle, le la console. PC, les vêtements, tout y était passé. Mais au final, elle s'est fait jeter, hein. Oui, au final, elle s'est fait jeter. Elle est passée hier à l'antenne. D'ailleurs, on n'a pas réussi à récupérer le mec. Et c'est un drame. Ouais. Pourtant, j'ai proposé mes services, elle n'a pas voulu, tant pis pour elle. C'est PS2, Wi-Fi, c'est l'ordi, c'est un peu tout. Ah ouais, toi, t'es complètement dedans. Et t'as du coup, hormis le fait de tout jeter, t'as pas d'autre solution pour arrêter? Des trucs un peu plus normaux, j'ai envie de dire. Bah non. Non. Après, on joue avec les tétons maman, c'est pareil, c'est la console, c'est joystick. Oui, c'est ça, ouais. Mais t'as qu'à lui dire, tu sais, parce que t'as des meufs qui doivent arriver en disant, mais au lieu de jouer avec ton joystick, tu veux pas que je joue avec ton joystick? Et des mecs qui sont capables de dire non. Bah voilà. À laquelle j'ai dit manette. Attends, je finis la partie. Oh putain, le truc super top, la Coralie. Elle n'a qu'à se déguiser en manette, imagine. Et le jeu de rôle dégueulasse. Viens toucher à mes boutons. Hein? Allez, viens toucher à mes boutons. Je suis la manette de la PS4. Viens. Regarde, j'ai plein de boutons partout. Non, mais t'es sérieuse, Coralie? Quoi que des fois, ils ont besoin d'un peu de direction, hein. Ah ouais, mais là quand même, faut la pas abuser. La manette est équipée. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, ben Alex, à part supprimer ton téléphone, le temps de perdre cette addiction, il n'y a pas 36 solutions, mec. Hein. Non, mais je joue aussi sur PC en plus. Hein. Ah bah, vire tout, mec, Alex, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'autre solution. Prends une douche, change de vêtements. Ou alors tu mets de l'oseille, tu joues une heure, gratuit, et après tu mets de l'argent dans un petit cochon. Oula. Mais ouais, mec, ou alors... Comme dans le temps, dans les cafés, là. Allez, bah ouais, mais c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, hein, il y a des trucs, faut faire comme ça. C'est comme pareil aussi, tu sais, moi quand je dois faire régime par exemple, tout seul ça me saoule, il faut qu'il y ait une carotte, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un concours avec moi. Ouais, voilà, et là je marche, là il n'y a pas de problème, je peux te perdre 10 kilos sans problème. C'est juste qu'il faut une carotte, il faut une victoire à la fin, à la clé, il faut gagner, je sais pas moi, voilà. Ah, bah, tout à fait. Ouais, on peut réveiller Polo là parce qu'il est à la bouche ouverte. Je crois qu'il est décédé. Non, mais Polo en fait a fallu sur sa chaise. J'ai mangé un truc. On va l'écœurer. Ouais. Non, j'ai mangé un truc et j'ai envie de vomir depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je veux plus une pause. Il était couché sur sa chaise là, je me dis putain, il est décédé avec la bouche ouverte. Je me dis, mais à mon avis, il a décédé. Parce que je sentais une odeur, je me dis, ça doit être une odeur de cadavre. À mon avis, je sais pas. Ça devait être dégueulasse en tout cas. Bon, bah merci en tout cas Coralie et Jérôme d'être passés, hein. Bah merci, je veux faire un petit pas de soucis. Eh bah vas-y, alors, genre, bah, à une seule personne, à ma moitié, puis à Kelly. Bon, t'as pas compris quoi dans une seule personne? Bah ouais, mais bon, voilà. Ah bah ouais, mais bon, une seule. Kelly, c'est une geek aussi, donc voilà. Ah très bien, bon bah elle va être contente ta femme. Bon bah salut Jérôme. Salut, merci. Allez, à bientôt, merci. Allez. Coralie, gros bisous, hein. Gros bisous. À bientôt, ciao à toi. Et Alexandre, bah tiens-nous au courant, mais essaye de voir pour mettre ton téléphone de côté, y a pas d'autre solution, mec. Hein. Ouais. Et bon. Ouais. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, y a une personne aussi, vas-y. Bah, une dédicace à Sandro qui était super sympa au standard. Ah, mais alors à mon avis t'es tombé sur Dexter, non? Non, Dexter, le stagiaire. Sandro qui m'a rappelé. Ah, c'est Sandro, et il a été sympa, ça alors. Truc de vous ça quand même, comme quoi tout arrive, hein. Pas mal. Je suis un amour moi. Vous n'avez pas entendu, un jour on enregistrera sans qu'elle s'en rende compte au téléphone quand elle est dans le bureau. Ouais, vous allez voir. Ouais, oh là là. Allô, bon, je te rappelle ce soir, je te préviens, tu décroches pas, je tue ta mère, je tue ta famille, je tue ton frère, ta soeur, ton chien, je tue tout le monde, t'as compris? Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai eu peur. C'est ouais, vous Alex. Qui me chauffez à chaque mais fois. Mais c'est ça, ouais. Ouais, Alex. Tu peux placer Black Eyed Peas, s'il te plaît. Oui, oui, je vais te le mettre. Bah, je te le mets. Je mets d'abord Fede Le Grand et je mets Rock That Body comme t'as demandé juste après. T'inquiète. Je te le mets avant 1h du mat, sans problème. Salut, salut Alex. Bonne soirée. Allez, merci. Bonne soirée à toi aussi. Retour avec Quentin qui a couché avec sa belle-mère. On aura également Mehdi. Mehdi de Marseille. Je leur donne mon billet, frère. Je leur donne mon billet. Attends. Allô. Mais t'es là, Mehdi. Hein. Ça va? Oh, bande d'inculé, comment vous allez bien? Oh putain, oh putain, Mehdi, Mehdi, je me souviens de toi, ça fait longtemps qu'on t'a plus, Mehdi. Oh là là là là. Eh oui, ça va mon amour. Eh bah ça va bien et toi? On va faire l'amour, voyons. Ah bah oui, on va faire l'amour. Oui. Tu connais Gilou? Eh oui, c'est un petit putain doré. Eh oui. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Mais oui, évidemment. Eh oui, Gilou, oh, le sperme. Et le corse, tu n'as pas mis un corse. Il n'y a pas de verre au cul, non? Tu veux le corse? Oui, bien sûr que j'ai le corse. Ouais. Attends, il faut que je retrouve le corse parce que toi, fais wanted là-bas, donc on peut plus trop déconner avec ça non plus. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh ben viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Ah bah alors vous êtes un salaud. Oh bah oui, exactement, ouais. Bon, Mehdi, toi tu voulais... Oh le rire, il est mort, Mehdi. Oh quel rire de merde. Ça y est, c'est fini. On y reviendra plus. Ça va, Mehdi? Oh, c'est des enculés, bonne radio. Eh, t'as pas encore écouté le Carolo? Oh putain, vas-y, fais-moi écouter. Attends, écoute, c'est le Carolo, ça. Ta gueule, connard, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un autre touriste. Elle t'a mis au monde avec le sur ton front, connard. Espèce d'enculé, t'es. Voilà, tu vois. C'est ta mère dégueulasse. Oui, exactement, oui. Bon, Mehdi, tu voulais parler de quoi? Il y a Philippe aussi. Il y a Philippe. Ah oui, c'est vrai, tu connais Philippe ou pas, toi? On l'a rencontré... Non, je connais pas. Mais oui, non, c'est Philippe, Gilou et Philippe. Ouais. On l'a rencontré dimanche soir. Allez, vous cassez les couilles. Mais oui, il était tellement gentil. La moulette, c'est sûr. Mais oui. Les doigts dans ta chatte et tu sens ton cul. Voilà, il était cool, lui. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. J'ai besoin de me faire bourrer. Eh oui, qu'est-ce qu'il disait? J'ai besoin de me faire bourrer. Eh ben voilà. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bon, du coup, Mehdi, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Attends, je me suis 2 minutes. Oh putain. Bon, alors remets-toi et on va se mettre Fédé Legrand, le nouveau, tiens, voilà. Nouveau Fédé Legrand qu'on vous fait découvrir sur Fun Radio, que vous découvrez sur Fun Radio, bien entendu. Fédé Legrand, cœur de la nuit, sans pub. Mais Gilou, récupérer... mets-le, Gilou. Attends, je te remets juste après, Gilou, reste là, Mehdi. Mehdi et Quentin, restez là. Fédé Legrand, maintenant, c'est Long Way From Home sur Fun. From home. Ah, il fait plaisir, effectivement. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est en direct, minuit 30 sur Fun. Je vous rappelle que ce soir, je vous offre votre sextoy d'une valeur d'entre 50 et 100 euros. Ça dépend lequel on va vous filer. Hein. On en a plusieurs en stock. Offert par passagedudésir.fr. Voilà. Et pour le gagner, il faut être top tweetos ce soir. Envoyez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël sur Twitter. Venez, rejoignez-nous. Je suis tous ceux qui me suivent. C'est comme d'habitude. On est top tweet d'ailleurs depuis le début de l'émission. Là. Merci beaucoup pour tous vos messages. Donc n'hésitez pas à vous ajouter Mickaël _, c'est le petit tiré en bas officiel. Mickaël _ officiel. Et je vous suis comme DJ Rafa qui vient de débarquer là et que je suis également. Il y a Théophane, il y a Kenan Bull, il y a Niga également là, il y a Jessica, il y a Le Grand qui est là, Noah 7, il y a Chaque Attaque, il y a Roxas, il y a Anne, il y a ah bah celui que j'ai merdé tout à l'heure là. Désolé, hein, Abdley, voilà, que j'ai suivi aussi. Là, il y a Dark Minou, Kidways, Dalila qui est là également là. Et puis Delphine, bref, voilà. Et Faith aussi, étudiante en médecine, Tof. Ah mais ça m'intéresse. Voilà, donc qui vient de me follower également. Bah, j'attends tous les autres à continuer avec le hashtag Mickaël. Et pour m'ajouter, donc vous tapez Mickaël _, c'est le petit tiré en bas. Officiel. Et si vous mettez un maximum de hashtag Mickaël et que vous êtes le top tweetos, donc hein, plus vous mettez de messages avec le hashtag Mickaël, plus plus vous montez dans les stats. C'est pas compliqué, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on fait un point maintenant au milieu d'émission. Comment ça se passe au niveau du top Twittos? Si on devait arrêter là maintenant, quels sont les 5 premiers? Bah c'est ça, enfin c'est... Il y a une meuf pour 4 mecs quand même. Non, c'est bizarre, tiens. Comment ça se fait? En plus, c'est un god. Bizarre. Bah, c'est bon, bizarre. Numéro 5. Alors numéro 5, c'est Storm Dreamer. Storm Dreamer, numéro 3. 4. Alors c'est Augustin Dry. D'accord, numéro 3. Mon grand ami Quinquin du 08. Non, Kinkin. Il m'a encore gueulé là. Numéro 2. Locke Cara. Très bien. Et numéro 1. Et let's Quentin DR21. Quentin DR21, très bien. Bon, là, c'est si ça s'est arrêté maintenant. Il reste encore un peu moins d'une heure et demie, donc vous pouvez y aller, hein, continuer. Hashtag et Mickaël, vous mettez un maximum de messages. Même si vous parlez entre avec potes, vos potes hein. Vous mettez entre potes, peu importe, ça marche aussi. Hein. Faut pas spécialement mettre un message rapport avec l'émission. Vous mettez simplement hashtag et Mickaël. Et puis, même si vous parlez entre potes, eh ben, comme ça, vous risquez de repartir avec le sextoy d'une valeur de 50 à 100 euros offert par. passagedudésir.fr. Voilà, il y a Lilou aussi qui dit j'ai envie de pisser, ce tweet va passer inaperçu. Non, t'inquiète pas. Il y a Cypril aussi qui dit ça fait du bien de vous écouter après un loupage de permis à 80%, ça remonte un peu le moral. Ah ouais, mais si t'as raté le permis avec 80% d'erreur, il y a un moment on va prendre le vélo. Il y a Warren qui dit arrêtez l'équipe, je vais me pisser dessus. Megumi qui dit le vrai problème c'est trouver une fille qui va dire oui, je suis sorti avec Toff, il faut trouver des courageuses. Oh la salope. Mehdi qui dit bonsoir Mickaël, je t'écoute depuis peu et je suis déjà fan, mais j'aimerais savoir s'il y a moyen pour vous appeler de l'international. Oui bien sûr, hein, il suffit de composer. Si vous êtes en France, vous appelez le 01 42 48 5000. Si vous êtes en Belgique, vous appelez le 02 851 4x0. Et si vous êtes partout ailleurs, vous faites par exemple partout ailleurs, vous faites le 00 33 1 42 48 5000. Voilà, vous tomberez chez Sandro dans tous les cas, qui décrochera avec plaisir. 00 33 1 42 48 5000 si vous êtes ailleurs qu'en Belgique ou en France. Quentin également, si jamais on me jette ma console, je hurle, tu m'étonnes. Et Chris qui dit je viens juste d'arrêter tous les jeux PC, etc. Après 15 ans de gaming, le truc c'est d'avoir une activité pour te désintoxiquer. Moi je cherche toujours. Bon courage. Et Rémi, j'envoie pas mal de messages sur ta page Facebook et je n'ai toujours pas demandé, toujours pas eu de message de bienvenue. J'en veux bien un, bien violent. Bon ben Rémi, alors attends une seconde, avec plaisir Rémi. Je vais t'en trouver un bien violent. Alors, il y en a beaucoup des violents, hein, mais... J'ai de plus en plus d'amis, il faut le dire. Mais oui. Elle va te faire enculer au clochard. Voilà, celui-là était pas mal. Tu l'avais celui-là. T'as des couilles au cul, viens taper chez moi maintenant. Eh ben voilà, en toute simplicité. Bon ben continuez, venez nombreux sur Facebook. Vous tapez Mickaël officiel pour me rejoindre et sur le Twitter Mickaël _ donc le petit tiré en bas officiel également. Je vous attends. Avec impatience. L'exclusivité. Je voyais pas ce que l'exclusivité faisait. Ah là, c'est passagedudésir.fr. C'est ça. Bon, allez, on se refait un petit coup de la colle là maintenant avant de reprendre Mehdi et Quentin. Yann, est-ce que tu es là pour la colle? Oui, très bien. Allez, hop, on va se refaire une dernière tentative de colle. Il faut répondre correctement à la colle de notre ami Yann pour repartir avec la Nintendo 3DS XL. Vas-y, Yann. Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? On proposait un pou. Non. Du caca. Ouais. Non. Du caca. Non. Zorro. Non. La route. Non. La poisse. Non. Alors la mouche également. Non. Non, bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, allez-y tous les autres. Hein. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi vous inscrire et lire la colle. Elle est également écrite. Vous pouvez même voir la console sur le Facebook de l'émission facebook.com/M-I-K-L officiel. Bonne chance tout le monde. Bon Yann, reste avec nous. Okay. On donne la réponse dans quelques minutes sur Fun Radio. On vous laisse encore 5-10 minutes grand maximum pour vous inscrire par SMS ou alors sur le Facebook de l'émission facebook.com/mickaëlofficiel. Si vous avez la réponse à la colle de Yann, je rappelle que si vous avez la réponse et que vous êtes tiré au sort, enfin que vous passez à l'antenne, vous gagnez. Si personne ne décroche ou que la réponse est mauvaise, c'est Yann qui gagne. C'est aussi simple que ça. Quentin est de retour, Mehdi également. Quentin, t'es là, hein. Toi t'as couché avec la belle-mère, c'est ça? Quentin. Oh ah, il est là. Non, il est pas là. Ah non, merde, c'est Mehdi qui gueule. Quentin. Au Quentin. Attends, je le rappelle. Bon, attends, on va le rappeler. Bon, ben Mehdi, toi, tu nous avais appelé pour réagir à ça, justement. Je vous avais demandé quels étaient les... Il est parti, qu'est-ce que tu veux, j'ai réagi. Mais c'est pas grave, on va le rappeler. On va le rappeler, mais attends. Je vous avais demandé quelle était la plus grande amplitude d'âge que vous aviez eu dans un couple, dans un plan d'un soir avec les mecs et les filles. Donc voilà, les filles, les mecs, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Quelle est la plus grande différence d'âge que vous avez eu quand vous êtes sorti avec quelqu'un? Et est-ce que c'était mieux ou moins bien? Voilà, venez nous en parler, ça aussi j'aimerais bien savoir là. Bon, il y a Dimitri qui dit: je n'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Bah attends, je vais t'en mettre un, tiens, attends, un message de bienvenue. Ne casse pas les couilles, m'emmerde pas. Voilà, et Céline qui voilà, dit work bitch. En vrai, bitch. Tu dis ça? Oui, bien sûr, en vrai. Et Céline qui dit work bitch, le remix de DJ Mimi, s'il te plaît, Mickaël. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps, tiens, pourquoi pas ce soir. Et Ludivine qui dit: ah, pauvre Toffette. Et Eliria qui dit: mais oui, je souffre. De quoi? Attends, il est trop malin lui, il veut gagner la Nintendo, mais moi je suis plus malin que lui. S'il est son chose là bizarre, il est noir le jour, la nuit ça veut dire il change de couleur. Peut-être. Mehdi. Mais il faut lui demander. Mehdi. Mehdi. Oui, je suis là, je t'écoute. C'est une mauvaise réponse. Mais non. Mais si, Mehdi. Attends. Mais si, Mehdi. Mais c'est... Attends, réfléchis, c'est logique. Mehdi. Le mec qui dit il est noir Mehdi. Le jour. Ouais. Mehdi. Oh, tu l'as. Je suis là. Mehdi, oui, bah j'ai bien. Ouais, mais ça, on peut pas te rater, hein. Ça, c'est une certitude. Bon, Mehdi, tu t'es tapé quoi comme meuf la plus vieille, toi? Ouais, bah c'était. J'avais 13 ans. J'étais puceau, elle m'a dépucelé, mais ça s'est un peu mal passé. Attends, t'avais 13 ans et elle quel âge? Elle avait 23 ans. Non, elle est sérieuse. Tu te fous de ma gueule, Mehdi? Non, mais je l'ai raconté déjà à l'époque. Ouais, en fait, t'es marseillais, donc en fait, toi, t'avais 18 et elle 19. Non, sur ma mère que non. Sur ma mère que non. T'es sûr? Sûr, et je repasse pour ma mère pour rien. D'accord. Comme disait ma mère à l'époque, t'as pas oublié de mentir? Non, ça va. Ah bon, alors très bien, bon alors on est d'accord. J'oublie jamais quand même. Oui, oui, c'est ça, ouais. Attends, on a récupéré Quentin là, t'es là Quentin? Ouais, je suis là. Alors qu'est-ce que t'as fait mec? Qu'est-ce que j'ai fait de quoi? Bah t'as, ça a coupé, on t'avait plus au téléphone. Ah oui, ça m'a... Ah bah oui, ça m'avait pas échappé. Parce que Mehdi il était énervé là. Ah bon, il a dit quoi? Ah, il a dit que t'étais un enculé. Moi? Ah oui, ouais. Pourquoi? Bah parce que t'avais raccroché là, du coup il était énervé Mehdi. Oh, ah oui, bah oui. Bon, c'est pas grave. Bon Mehdi. Ouais. Mais ah voilà. Bon, alors du coup toi tu voulais réagir à Quentin et tu lui dis: ah bah je peux pas réagir, il est plus là. Donc maintenant il est là, alors on t'écoute. Il est là? Ouais. Oui. Oui, ouais, oui, c'est certain, oui, il est là. Il est revenu que pour toi. Ça va ouvrir tes oreilles. Non, sérieux. J'avais 13 ans. Et je voulais sortir et tout, mais le collègue, mon père, il avait jeune, il avait 21 ans. Ouais. Il m'a amené avec lui un jour en boîte. En fait, c'était pas une boîte, c'était une avant-boîte. Une avant-boîte? Mais c'est quoi une avant-boîte? C'est le sas, c'est quand tu peux pas rentrer en boîte, c'est le sas où t'attends en fait. Oh, c'est l'avant-boîte. L'avant-boîte, alors il invente des mots maintenant là. Non, je suis sûr que non, ça existe. Ouais, c'est ça. L'avant-boîte. Vous connaissez pas? Bah on connaît les afters, ouais. Mais pas les avant-boîtes. L'avant-boîte, c'est le parking, non? Bah éventuellement le before, mais c'est tout quoi, hein, c'est un truc mais de non, dingue. Mais c'est vrai, il y en a à Marseille. Il y a des avant-boîtes. Bah oui. Il y a les arrière-boîtes, c'est là où il va baiser. Non, ça prend une campagne. Bon, alors vas-y. Donc t'as été voir, t'as été dans une avant-boîte, hein, c'était bien? Ouais, ça va, c'était bien, je me suis amusé et tout. D'accord. Attends, est-ce que Jean-Roch a une avant-boîte? Non. Avant le VIP room? Ouais. Jean-Roch, tu connais Jean-Roch? C'est qui lui? VIP. Le VIP room. Le VIP room, tu connais pas le VIP room? Non. Oh mec, t'es un casse. Oh là là là là. Oh putain, Mehdi, sans déconner, t'es pas sérieux là. Non, je sais, le carré VIP, je connais. Non mais pas le carré VIP, le VIP room. Il y en a partout, il y en a à Cannes, il y en a à Paris, il y en a à Dubaï, il y en a à New York. Mais si. Ça me dit rien, je te jure. Oh, t'es un cassos. Bon, t'es pas un vrai VIP, toi, t'es pas un vrai VIP. Parce que tu vas dans les avant-boîtes. Ouais, c'est ouais, exactement. Je suis pas un mec de boîte. Je suis pas un mec de boîte à la base. Non, mais t'inquiète pas, les boîtes sont pas faites pour toi non plus. Y a pas de problème. Mais c'est parce que tu peux pas rentrer, Mehdi, que t'es pas un mec de boîte. Ah, ben voilà, c'est ça. Le problème. Demande à Sandro, demande-y. Pourquoi tu veux qu'on demande à Sandro? Qu'est-ce que tu veux qu'elle nous dise? Je vais chez elle en boîte, on danse ensemble. Qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Bon, dis donc, Mehdi, t'as appelé, t'es juste voulu juste passer à la radio? Non, ça va. Si, tu voulais passer à la radio, là, non? Non. Ah, il y a le bœuf ferré qui dit sur le Facebook: demande aux Marseillais si c'était le jour où une sardine a bouché le port. Ah, la fameuse. Aïe, comme il est mort. Oh, c'est un cerveau carbonisé, le mec. Oh, c'est un cerveau compressé, Fada. Eh, y a Johan qui dit, c'est bien Marseille, toujours à se la raconter. Et Megoubi qui dit, je rigole, mon tof, c'était une boutade, lol, pardonne-moi. Bon, je suis vexé. Meg, je vais aller bouder. Hashtag Meg est une salope, j'assume. Et l'apné velouté qui dit, il m'a tué avec son avant-boîte. Mais c'est ça. Il y a Fabienne qui dit le plus grand écart d'âge, 13 ans, et au top, je me suis marié avec. Ah ouais, sympa. Ah, tu vois, 13 ans, c'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Mehdi qui essaye la colle, n'importe quoi, d'analyser la colle, ouais. Et Lilou qui dit 34 pour moi, c'était constructif, j'avais 17 ans, moi. Et Valentin qui dit la semaine passée, t'as sorti une vanne pourrie. Hier soir, je parlais à mes vêtements et ils te pliaient. Non, ils étaient pliés. Et ils étaient pliés, pardon. C'est la vanne. T'en as pas d'autres des vannes aussi pourries qui me font quand même rire. Ah, c'est off ça qui avait bah si, j'ai l'histoire de la chaise. Oh, tu vas pas nous casser les couilles. Elle est pliante. Non, la chaise. Oh, ça a toujours été nul, ça reste ouais. Encore. Et juste, je voulais revenir sur la meuf d'avant. Elle avait le mec avait 34 et elle 17, ou il y avait 34 ans d'écart? Ah, je sais pas du coup. Je sais pas, ce serait bien qu'on confirme. C'est chaud quand même. Ah oui, c'est un peu chaud là, effectivement. Ouais. Bon, attends, on va prendre également Mike avec nous là de Paris. Oh, Paris-Marseille, on m'a dit. Oh, oh, c'est. Oh putain. C'est le classico. Eh, hey, Mike. Oh, bah ouais, là. Non, Mike. Comment ça va, Mike? Il va pas bien, il va pas bien. Ah si, ça va nickel. Enfin, il va mieux que Marseille. Hein. Ah oui, ouais, au classement, oui, ah, il va mieux, ouais. Sûr, hein. Ah mais dis. Marseille cette année. On l'entend plus, Mehdi. Non, non, là, il ferme sa gueule maintenant. Bon, Mike. Bon, toi, tu voulais parler de la différence d'âge aussi. Ah, j'écoute. Ouais, bah oui. Bon, alors, c'est quoi ta plus grande différence d'âge? Moi, ça a été 10 ans et c'était la sœur d'un pote à moi. Non. Elle était 10 ans plus vieille ou 10 ans plus jeune? 10 ans plus vieille que moi. Et elle avait quel âge, et toi, à l'époque? Enfin, moi j'avais 17. Tu es moi qui ai parlé avec lui. Parce qu'il tapait la soeur à son collègue. Mehdi. Quand même, arrête. Mehdi. C'est l'enculé, t'es parisien. Oh, qu'est-ce qu'il est rendu. Tu as niqué ton collègue. T'as pas niqué sa soeur, t'as niqué ton collègue là. Au Fada. Bah non, mais le pire c'est même pas ça, c'est qu'il le savait. Ah, il le savait. Mais si, il le savait. Ouais. Il est parisien. C'est pas à Marseille que ça arriverait, des choses comme ça. Ah Mehdi. Non, ça. Eh, hey, Mehdi. Culé, ouais, non, Mehdi. Mehdi. Ah, t'imagines. Ah, oh, t'imagines. Oh, va niquer ma soeur, allez, va la niquer. Mehdi. Arrête, c'est impossible. Elle est bonne, ta soeur, Mehdi? Elle est bonne, ta soeur, Mehdi? Tu es sûr de toi, là? Bah, je sais pas, je te demande. je te demande, parce que peut-être on pourrait l'appeler. Ah non, cule-le de ma part, s'il te plaît. D'accord. Attends, je vais en mettre autre chose là. Ah bah alors vous êtes un. Tu as le gold en plus. Eh oui, t'inquiète. C'est vraiment dégueulasse. Voilà, et attends, je vais lui mettre un petit enculé dans sa race là. Attends une seconde, attends, bouge pas. Alors, faut que j'en prenne un bon. Ah non, j'ai celui-là, il est bien celui-là. Est-ce que je vous demande si vous portez des parcouilles, moi? Voilà, et alors pour terminer. Bah, très enculé. Voilà. Avec, bon, avec Mehdi, il faudra peut-être que j'y pense au parcours. Oui, c'est vrai. Bon, Mike, et donc du coup, ton pote, il était au courant, c'est un truc de ouf. Ouais, ouais, il était au courant, et il a jamais rien dit, ça le dérangeait pas. Ça alors. Donc en fait, il disait... Ça le dérangeait pas. Tant que c'était moi, ça allait. En fait. Il était quoi, tu dis? Il dit tant que c'était moi, ça allait, en fait. Ouais, au moins, il sait avec qui il sort, quoi, avec qui elle sort, sa sœur, voilà. En fait. Ouais, ça, alors, il savait qu'elle sortait avec un connard. Ensemble, mais en même temps, en même temps, si je puis me permettre, je veux dire, il y a un moment, les frères, il faut qu'ils se calment, tu vois, c'est pas leur vie, quoi, tu vois, c'est pas leur femme, la sœur, elle fait ce qu'elle veut, hein. Ah bah c'est sûr, surtout quand elle a quasiment 10 ans de plus que lui. Ah mais attends, Quoi? Il y a des limites, frère, il a 6 ans d'écart. Mais alors, le frère il a rien à dire, c'est pas son mari. Il fait comme il veut. Bon, Mehdi, reste avec nous. Attends, Mike, reste là aussi, Quentin pareil. On va prendre Christophe qui est avec nous également. Oh putain, deux Parisiens là, Christophe. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Tu veux dire bonjour à Mehdi à Marseille là? Bah ouais, pourquoi pas, salut les gars. Salut. Qu'est-ce que t'as dit, Mehdi? Bah, donc du coup, ouais, moi, bon. Bon, attends, Christophe, ouais. On va en parler dans quelques minutes, là. Reste avec nous, on va d'abord se mettre le son qu'on avait demandé tout à l'heure, là. C'était Black Eyed Peas. Qui c'est qui a demandé ça? J'ai oublié. Juste avant? Bah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, en tout cas, il l'a voulu, hein. Black Eyed Peas au cœur de la nuit sans pub maintenant. Petit souvenir, tiens, avec Rock That Body sur Fun Radio. Eh ben voilà, on l'avait demandé, le son de Black Eyed Peas à l'instant. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Et on est en en direct. On est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs, minuit 50. On est en live. Je vous rappelle qu'il y a toujours eh bien, le sextoy qu'on vous offre ce soir sur le Twitter de l'émission. Venez nous rejoindre. Vous tapez Mikael underscore. C'est le petit tiret en bas. Mikael underscore officiel. Et puis vous mettez un maximum de messages avec le. Pardon, avec le hashtag Mikael. Et on a deux filles maintenant dans le top 5. Ah, wow. Quelle est la nouvelle? CESC0800. Enfin, ou oui, 08000. Facile comme pseudo. Oui, oui. Bon, ben voilà, donc hashtag Mikael. Vous mettez un maximum de messages avec le hashtag Mikael, même si vous parlez pas spécialement de l'émission ou si vous parlez, je sais pas moi, avec des potes. Ben vous mettez un maximum de messages. Et puis si vous êtes élu top tweetos, donc celui qui aura mis le plus de messages avec le hashtag Mikael, eh bien, on le contactera. On essaye d'avoir son numéro de téléphone pour qu'il passe en direct à l'antenne pour lui filer le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et par Fun Radio bien entendu, sans oublier aussi que le sextoy vaut entre 50 et 100 euros en fonction de ce qu'on a en stock, mais on a quand même une grosse caisse hein, donc ah oui, de ce là, c'est énorme, ils nous ont bien servi. Ah oui, oui, oui. Il y a Julien aussi qui dit la Mehdi le magnifique qu'on vient d'avoir. Il y a attends, c'est quoi, Fatou, Cindy qui dit Cindy pardon, je dis il n'y a pas d'âge pour s'aimer mais il faut avoir le respect de son bien. Il y a Dame ceci qui dit avec vous je suis tout le temps mort de rire, bah tant mieux, c'est le but. Lucas qui dit j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Bon, comment ça t'as pu ton message de bienvenue? Bah on va te le mettre, attends ton message de bienvenue là, tu vas voir, hop là. Tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant. Voilà, et alors il y avait Nicolas aussi qui écoute depuis deux jours là, qui voulait son message de bienvenue, bah on va te le mettre. Bah ferme ta gueule gros bâtard. Voilà, et Théo également qui écoute depuis trois semaines, allez hop là. Ta gueule connard, t'es. Voilà, il y a un auditeur qui était passé en fait, un auditeur qui écoute pas l'émission, enfin pas un auditeur quoi, un mec qui avait envoyé un message sur Twitter qui dit ouais il paraît que t'insultes tous tes auditeurs. C'est ça. Oui c'est un peu ça, on peut voir ça comme ça quoi. Oui pardon, j'ai dit une connerie. Quoi? C'est machin là. En fait, je croyais que c'était Cécile, mais en fait, non, pas du tout, c'est Cédric. Ah ouais, donc. Autant pour moi, donc il n'y a toujours qu'une fille dans le top 5. Pour l'instant, il n'y a toujours qu'une seule fille dans le top 5, le top Twittos. Donc allez-y, hashtag et Mikael, un maximum de messages. Lauriane aussi qui dit bonsoir Mikael et toute l'équipe. Franchement, j'ai honte, ça fait un mois que je vous ai pas écouté. Je crois que le coup de pelle s'impose, mais je suis toujours votre actualité. Oui, bah Lauriane, bah, je le confirme. Tiens, et en deuxième. Ouais, je te mets même une lance-flamme. Voilà, ça te remettra les idées en place peut-être, Lauriane. Hein. En tout cas, je te le souhaite. Bon, allez, retour avec notre ami Mike qui est toujours là. Christophe également, Mehdi aussi, ouais. Quentin. Vous êtes là tout le monde? Ouais, on est là. Bon, ouais. Alors attendez, avant de vous reprendre, je propose qu'on fasse un petit appel de toffe avec des nouveaux amis. Oui, allons-y. Bah oui, ça fait longtemps là. Bah je trouve aussi. Bah oui, puisque c'était la journée de la gentillesse et que bah on a trouvé une vidéo que je vous ai mise d'ailleurs sur le Facebook. Allez voir et partagez là aussi une vidéo où il y a un mec qui était tellement désespéré qu'il a mis une pancarte. Embrassez-moi, je suis désespéré. Voilà, il a mis une pancarte avec embrassez-moi, je suis désespéré. Nouvelle manière peut-être plus classe, trop classe même. D'essayer de choper des meufs. Bon, on y va, on appelle. Bah, c'est honnête au moins. Oui, c'est honnête, ouais. Du coup, on appelle et on demande aux gens bah, si ils sont éventuellement disponibles, enfin disposés plutôt à te prêter leur meuf, Toff. Bah oui, voilà. Au moins pour une nuit, juste une nuit. C'est ça. Allez, on y va, c'est parti, on appelle. Et on récupérera tout le monde juste après. Et vous en direct, hein, si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus jusqu'à 2h. Allez. Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Oui voilà, en fait je vous appelle parce que voilà je suis un peu désespéré sexuellement et j'ai voulu savoir si c'était possible qu'on puisse coucher ensemble. Vous êtes pas bien monsieur. Bah si, pourquoi vous me dites vous ça madame? Vous êtes malade. Mais pas du tout. Vous êtes déséquilibré. Mais non, pas du tout madame, enfin pourquoi vous dites ça? Pardon? Non, pourquoi vous dites tout ça madame? Vous êtes censé être gentil, c'est la journée de la gentillesse. Bon écoutez monsieur, comme on dit maintenant, allez vous faire encadrer. Ce n'est pas mon genre. Oh putain, pour la mettre dans la liste d'amis, elle. Allez vous faire encadrer, attends. Mais ça veut dire quoi, elle se fait encadrer? Je sais pas, elle se fait enculer, je pense, mais de manière polie. Mais dans un cadre. Bon, Mehdi, on la rappelle, la dame? Bah oui. Ouais, s'il te plaît, vas-y, appelle. Allez, vas-y, attends, on rappelle. C'est reparti, retour, je sais pas où, mais on y va. Yo, connasse. Oh. Allez, madame. Bah non. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, mais ça veut dire quoi d'aller se faire encadrer? Parce que j'ai pas bien compris. J'en sais rien, monsieur, vous me foutez la paix, j'appelle la police, hein. Y'en a marre, hein. Mais non, madame, c'est la journée de la gentillesse, vous pouvez pas. Ah bah, j'y vais, là. Bon, attends, on la rappelle encore un coup, quand même. Surtout si elle dit qu'elle va appeler la police, là. On balance Mehdi, nous, on s'en fout. Tu l'appelles JGN. Allez. Allô? Oui, madame, c'est la journée de la gentillesse, c'est pas très gentil hein, ce que vous faites. Oh, encore un crochet jauné, là. Déception totale, merde. Oh putain. Bon, on aurait pu me faire une petite gâterie au moins, quoi. Bah oui, on en appellera d'autres tout à l'heure avant la fin de l'émission. Donc si vous avez des numéros à proposer, n'hésitez pas à envoyer tous les numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Tiens, et c'est quoi le premier rendez-vous là, idéal pour vous, comme on est dans la drague justement là? Mehdi. Ouais. C'est quoi ton rendez-vous idéal, toi, avec une meuf? J'ai peur. Je sais pas, au McDo. Au McDo. Ouais. Et toi du TVA. Et toi, Christophe? Bah, je sais pas, en soirée normale. Soirée normale. Non, mais je vous demande ça en fait parce qu'il y a un couple américain qui vient de raconter leur premier rendez-vous. Ils ont fait un truc énorme. Donc au lieu d'aller au ciné, boire un verre ou dans un resto, en fait, ils ont décidé de faire un trip de 21 jours en Europe avec juste leur carte de crédit, passeport, brosse à dents et une carte d'Europe. Donc venez nous dire si vous feriez ou si. Mais genre, attends, ils se connaissaient pas et les gens ils ont fait ça. Ils se connaissaient pas. Ouais. Jamais vu et ils partent comme ça 21 exact. Jours. Ils partent 21 jours comme c'est ça faire le tour d'Europe. Qui se sont rencontrés alors. Bah ouais, c'est de ouf, tu ferais pas ça toi, Mehdi. Ouais. Voilà, donc venez nous dire si vous feriez ou venez nous raconter votre premier rendez-vous de rêve. Si un mec vous avez fait un rendez-vous de rêve ou au contraire vous avez vécu un rendez-vous de rêve, appelez-nous 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Laura qui est avec un mec actuellement. Tiens, c'était quoi le rendez-vous Laura toi? Comment ça s'est passé la première fois? Enfin le premier rendez-vous hein, pas forcément le premier soir où vous avez couché ensemble. De quoi? Laura. Premier rendez-vous, il sortait du taf, il est venu me voir en bas de chez moi, c'est tout. C'est nul. Mais comment ça, vous étiez connu comment? Je t'ai mis par la fenêtre. En fait, on s'est connu sur Facebook par un ami commun, en fait. Ah, d'accord, ok. Il a marché dans du caca. Il est rentré chez toi ou pas? Qu'est-ce qu'on s'en fout, Mehdi? Il est rentré chez toi ou tu l'as regardé par la fenêtre? Non, il est rentré dedans directement, Mehdi. Non, pas tout de suite, il y a ma mère quand même. Ah, il y a eu la mère au milieu, effectivement. Ouais. Eh putain, vous êtes cuivre. Ouais, du reste calme, le Corse. Bon, et toi, Quentin, premier rendez-vous idéal, c'était comment? Ouais, cinéma. Ah ouais, très idéal, ouais. Le ça, basique. Ah le oui, oui, ah oui, là oui, là oui. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Bon, c'est toujours mieux que le McDo. Ah, c'est toujours mieux que le McDo, Quentin, je te l'admets, je te l'accorde. Elle mange, elle est calée. Oui, oui, elle est calée, oui, bah oui, c'est ça. Allez vous faire foutre. Et regarde, en ce moment, il faut le chose de Monopoly, là. Tu grattes, si tu peux gagner deux glaces ou quoi. Ah, si tu gagnes deux glaces, tu fais une bonne affaire, Mehdi, hein. Eh oui, écoute, je gratte, je trouve deux patatas, au moins, je suis les deux, c'est bon. Elle est calée. C'est gratuit. Voilà. Bah, c'est quand même vachement mieux. Elle mange, oui. Elle est calée. Elle va aller au cinéma, elle va faire quoi au cinéma? Elle va regarder un film, elle va se planter, elle va rentrer chez elle. Bah oui, c'est vrai. Et en plus, elle va regarder un film à tes frais et toi, tu la verras même pas. Exactement, ouais, donc c'est nul. C'est nul. Bon, et toi, Christophe? Ouais. Bienvenue à toi. C'est quoi ton rendez-vous idéal? Je sais pas, dans un club échangé. C'est pas mal, moi j'aimerais bien ce genre de rendez-vous. Oh merde. Dans un club échangiste, c'est pas mal ça, ouais, c'est pas mal. Bah ça change au moins. Ah cool. Ouais, ça a le mérite d'être original, je te l'accorde aussi. Bon, appelez-nous les autres pour nous parler justement de votre premier rencard là, comment c'était, si c'était bien, si c'était original. Venez nous en parler, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. On attend tous vos appels. Bon Christophe, on termine avec la différence d'âge maintenant, puisque Quentin nous avait appelé pour nous dire qu'il avait couché avec sa belle-mère de 40 et 41 ans, alors que lui en a 17. Et toi, Christophe, comment ça s'est passé? C'est quoi le plus grand? Moi, rencontre sur internet, sur Adopte un mec. Ouais. Et c'était il y a 6 ans, donc j'en avais 20 et elle en avait 46. Oh ah ouais, putain. Et c'était une. 46 Ouais, 46, ouais. Ah ouais, le Mehdi, il est sous le choc. Ah ouais, il est sous le choc. Oh l'enculé. C'était une piquette des bureaux de Versailles. Son mec était commandant CRS. Non, et toi t'as osé, toi t'es un ouf. Ouais, t'imagines le mec qui t'aurait attendu avec la matraque à la maison. Quoi, après on voit quoi. De quoi? J'ai été, après il faut voir quoi. Et alors on sait jamais sur quoi on tombe, mais ah non, c'est sûr. Était bien. Et il s'est passé quoi? Bah on a été à l'hôtel direct. Ah carrément? Ah vous avez même pas bonjour, en même direct temps, on t'a dit. J'ai payé l'hôtel, 46 ans, j'en ai 20. Je savais très bien qu'elle voulait pas se poser quoi. Non, oui, non, mais bien sûr, enfin. Donc bon. Non, mais vous auriez pu, je sais pas moi, aller boire au moins un verre, tu vois, un minimum. Bah non, ça sert à rien. Donc t'es arrivé à l'hôtel, elle a gardé ses jambes, t'es rentré, t'es parti. Bah direct quoi, bah ouais. Ok, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Droit au but comme l'OM. Bah oui, droit au but, effectivement, Mehdi. Il y a Warren qui dit, je pourrais avoir un coup de pelle, mais un bon coup de pelle dans la gueule, tu vois. Bah Warren, si tu veux, ouais. Voilà, je reine de fou avec leur coup de pelle. Ouais. Mais oui. Alors il y a Ariel qui dit des pois, achète-toi une pelle, tu te mets des coups. Il y a Ariel qui dit McDo trop romantique. Et Nathanaël qui dit vous êtes déséquilibré et allez vous faire encadrer. Faut la foutre dans la liste, mort de rire. Oui, on va s'occuper de ça avec Dexter là, de couper ça. Dexter c'est le stagiaire, hein, c'est parce qu'il ressemble à Dexter qu'on l'appelle comme ça. Où est-ce qu'il est aussi Arthur qui dit mon message de bienvenue. Il est où? Eh ben il est là. Bah alors vous êtes un salaud. Eh ben oui. Vous êtes même un dégueulasse. Exactement. Denis qui dit énorme, il a couché avec monsieur propre, pauvre Toff. Bah pauvre Toff de rien, t'inquiète pas, va. Et alors Cara qui dit. Ah ouais lui je l'ai oublié. De quoi? Et lui qui a dit ça, mais il a couché avec monsieur propre. Il a quatre nuggets dans la tête, il a pas les cerveaux. Oh, midi, t'abuses avec ça. Et Lucas qui proposait, puisque je rappelle que j'ai toujours ça, hein, je vous offre une PlayStation 4 ou des places pour Starfloor. Si vous venez avec un gros dossier et une preuve au moins, bien sûr, à propos de Toff et une meuf, comme quoi il s'est foutu de leur gueule, comme d'habitude en fait au final. Mais là, avec une preuve, voilà, si vous êtes une ex de Toff. Pour Starfloor. Exactement. Mais on n'a pas couché ensemble, attends, donc il n'y a pas de risque. Tu peux te dire quelque chose, vas-y. J'ai un message. Un message pour tous les gadgets là qu'ils ont sorti avec Toff. Mon Facebook c'est Median Cut, envoyez-moi des messages. Tu veux la Starfloor. Vas-y. Non, parce que il y a Lucas qui m'a envoyé un mail avec la photo de Toffette mélangée avec la photo de Toff normal et la photo de la nouvelle coupe de cheveux et c'est un dossier, c'est pas un dossier, ça Lucas là, on peut rien faire avec ça. On veut du concret, on veut de la graisse. Moi je veux un vrai dossier. En exemple, par exemple. De la salope. Ouais, non mais un exemple, je vais inventer une histoire en imaginant avoir une fille au téléphone qui va nous appeler, salut voilà, moi je me suis déjà tapé Toff. En fait, il m'a dragué, il m'a promis monts et merveilles, une maison. En fait, il m'a baisé. Et après, il m'a plus jamais parlé. Voilà, ça c'est un dossier. Vous voyez l'exemple? Mais là, t'as pas de preuve. Non, là c'est ce que j'ai dit. C'est une idée que j'ai, c'est un truc que j'ai inventé. Même si ça se rapproche très probablement. Non, mais je veux dire là, elle t'a pas amené de preuve. Non, mais qu'elle m'explique et qu'après elle m'envoie un mail avec une photo, screenshot de conversation. Elle est gâtée, là. Vous m'envoyez des photos aussi. Oui, c'est ça, Mehdi. Un screenshot de conversation ou une vidéo ou je sais pas, n'importe quoi, quelque chose quoi. Écoute l'autre derrière, t'as vu? Ouais. T'as vu? Envoie-moi à Mehdi. Moi, je veux y aller à Starfloor. Il y a Warren. Une Starfloor au Fada. Mais oui, Mehdi. Attends, il y a Warren qui dit aussi, j'attends juste qu'une ex de Toff déclare un gros dossier. Bah oui, c'est exactement ce que j'attends. Et le malvoyant qui dit faut demander à un voyant pour avoir un dossier sur Toff. Non. Oui, bien sûr, oui, si tu veux. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez faire un battle de voyants demain, on peut faire ça éventuellement avec le malvoyant. N'hésitez pas, on va voir lequel des deux est le meilleur. C'est parce que bon, le malvoyant est donc le malvoyant alias Storm Dreamer sur le Twitter. Ça fait deux fois qu'il essaie de faire une voyance à Toff, deux fois qu'il se trompe. Ouais. Mais ce qui est très drôle, c'est que maintenant son pseudo sur Twitter, c'est le malvoyant. Mais oui, mais exactement. Mais il a raison. Bon, du coup, Christophe, et ça s'est bien passé avec la meuf que tu t'es appelée, toi, 46 balais? Ah oh bah nickel, hein, franchement. T'as découvert des trucs? Pour 46 ans, bah ouais, elle m'a pris la vie. Hein. Ah, t'as pris la vie carrément? Ah bah 20 ans, ouais, tu connais pas forcément tout, quoi. Ah non, bah ça c'est sûr, en même temps, 46, mais, parfois tu... Non, franchement, est-ce que tu lui as parlé comme ça? On va faire l'amour, voyons. Non, pour te dire, elle voulait que je l'insulte, tout ça, et ça, non, ça m'était jamais arrivé. C'est pas forcément évident la première fois d'insulter quelqu'un. Tu m'étonnes. Vas-y, grosse chienne, ok, tu m'étais con. Bah c'était ça. Ah ouais, carrément, putain, Mehdi, il est au taquet, lui, hein. Il aimerait bien que ça lui arrive. Ah ouais, non, j'attends juste ça. Mais... J'aimerais bien tomber sur une meuf de 40 balais qui arrive et qui veut que tu l'insultes. Ah ouais, mais tellement que je vais l'insulter, ça va me faire jouir, je vais gicler direct. Je vais gicler direct. Mais quelle grande classe, ce Mehdi, quand même. Toujours la grande classe. Ouais. Toujours. Non, mais attends, t'imagines, elle te dit, oui, je suis ta chienne. Ah, mais c'est chaud. Oui. Ah, là, c'est un très magnifique. Ouais, bah écoute, c'est ton délire, Mehdi, y a pas de problème. Écoute, c'est quoi, je vais te repasser Sandro, tu peux lui parler comme ça? Non, quand même pas, elle est gentille. Ah, les gentils, ah, bah, très bien. Bah, alors, si les gentils, alors ça va. Et ils me disent, oh, rentraîne, tu peux m'envoyer ton soutien-gorge dans le pack fun, s'il te plaît. Oh, après, c'est genre... les dossiers. Eh ben, bah, bravo, Mehdi. Eh, c'est la grande classe, ça, hein, quand même. Hein. Oh, j'aime le sperme. Hein? Ouais. C'est la grande classe. Voilà, ça nous relève. Ah, oui, bah, j'imagine, ouais. Bon, bah, Christophe. Encore un truc à ajouter, Christophe? Bah, une petite dédicace. Eh ben, vas-y, il y a une personne, là, on t'écoute. Tu vas kiffer à Amy Rousseau. À quoi? À Amy Rousseau, tu connais, elle est déjà venue sur ton studio. Uni Rousseau? Elle est venue sur Amy Rousseau, l'actrice X. Ah! Elle est venue quand? C'est une amie à moi en fait. Attends, mais elle est venue quand? Parce qu'on a zappé ça nous? Oui, bah. Elle est venue il y a, je sais pas, il y a peut-être 3 mois, 4 mois, comme ça, elle est venue deux fois. À Ah ouais, parce qu'on est, on est là depuis 3 mois nous, hein, donc peut-être que c'était pas chez nous. Hein. Ouais, il doit y avoir. Mais qu'elle revienne, hein. Bah oui, oui, parce que nous on se souvient plus. Ah bah voilà, et Mehdi sera là aussi, hein, si la crise porno, Mehdi. Ah oui, oui, la porte est grande ouverte. Ah bah j'imagine, ouais. Ah bah j'imagine bien, ouais. Bon bah écoute, on l'embrasse aussi, puis elle revient quand elle veut, hein, Christophe. Merci beaucoup, hein. Ça marche, salut. À bientôt, salut à toi. Mehdi, bah la bonne soirée, hein. Ouais, merci toi aussi. Et tu reviens quand tu veux, Mehdi. Salut Mehdi, à bientôt. Allez, ciao. Quand t'as encore un truc à ajouter? Bah ouais, j'aimerais bien faire une petite dédicace. Eh ben écoute, c'est pas grave, hein. Ouais. Non, tu dis ça, t'as l'impression qu'il y a eu 17 morts dans la famille. Alors vas-y, vas-y. Dédicace à Simon et à tous ses fils. Et serait possible d'avoir un pack fun. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard, je te la repasse, y'a pas de problème. Salut, bien. Salut, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon, et si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas, il y a toujours Laura qui est là, puisqu'elle a pas de radio, et comme son mec est en train de jouer à une console, bah du coup elle nous écoute dans le standard. Elle se sent seule, la pauvre. Toujours là, Laura, hein. Oui, je suis toujours là. Bon, écoute, j'ai envie de dire tant mieux, alors. Hein. On aura la réponse, et on va le faire maintenant, tiens, parce qu'on est déjà super à la bourre, là, avec la colle de Yann. T'es là, Yann? Oui. Bon, très bien. Allez, hop, c'est parti, on y va, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante de la colle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, elle gagne. Si jamais c'est l'inverse, tu gagnes. La Nintendo 3DS XL, c'est parti. Allez. Oui, allô. Oui, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Salut, Mickaël, ça va? Ça va et toi, comment tu t'appelles? Tony. Tony, t'es dans quelle ville? Je suis à Liré, à côté de Nantes. D'accord, à côté de Nantes, très bien, Tony. Bon, il y a notre ami Yann qui a une colle à te poser. Vas-y, je l'écoute. Vas-y, vas-y, Yann. Je suis noir le jour et on ne peut jamais m'attraper. Qui suis-je? Je dirais une ombre. Ouais, c'est ah ça. Putain. Oh là là. Ah, c'est bon ça. Eh ben bravo Tony, nickel. La Nintendo 3DS XL est pour toi, ouais Yann. Ah ouais, nickel, tranquille. Est-ce qu'il te reste des GTA 5? Non, il reste plus de GTA 5, Yann. Par contre, on peut te filer un pack, mais j'ai plus de GTA 5 malheureusement. Et t'as pas de place pour Starflore? Non, malheureusement, non, là, j'en ai pas ce soir. Écoute, on peut demander, mais... Sauf si t'as un dos sur moi, mais... Ouais, t'as un dos sur Toff ou pas? Ben il m'a bien niqué, mais il s'est pété le pénis, mais à part ça. Il faut des preuves, hein, Yann, faut amener des preuves, hein, de tout ouais, ça. Faut les preuves, hein. Y a plus qu'à la preuve, moi j'y ai pas pris en photo, c'était trop dégueulasse. Ah bah t'as pas de preuves, alors désolé. Bon Yann, je te repasse Sandro là, désolé pour toi, c'est pas grave, tu rejoues quand tu veux, tu vas repartir avec le pack. Salut, salut Yann, à bientôt. Okay. Hein. Salut. Allez, ciao, bravo Tony. Nintendo, merci, cool, 3DS XL, félicitations. Et ouais, puis bah, c'est bon. Et bah reste au standard, on prend toutes tes coordonnées maintenant. Ok, ouais, continuez. Merci beaucoup, à bientôt, salut. Salut. Allez, ciao. Bon, dans quelques minutes sur Fun, on aura le retour de Laura. Il y a Mike qui voulait réagir aussi. Oui, à différence d'âge. Et puis Emily qui est avec nous. Bonsoir Emily. Bonsoir. Bonsoir Emily, de quoi on va parler dans quelques minutes avec toi? Des problèmes sexuels. Ah, très bien. On n'a pas couché ensemble. Non. Ah, okay. Combien mesures tu, Emily? Elle a quand même hésité, hein, t'as remarqué. Hein, ouais, donc, non, parce qu'il y en a eu quelques-unes des Emily. Donc combien mesures tu, Emily? 1m60. Combien pèses-tu? Pardon? Combien pèses-tu? 55 kg, pardon. Elle mesure 1m60. Bah oui. Et elle pèse 1m60. Quel est ton tour de poitrine? 1m60. Ouais, voilà, 1m60. Non, combien alors le tour de poitrine? Non, 90. Vous êtes même un dégueulasse. Et la tête du dernier pantalon que tu as acheté? Ah bah alors vous êtes un salaud. 38. Ah oui. Oh merde, oh, excuse-moi, je me suis trompé de musique. Autant pour moi. Oh là, autant pour moi. Oui, alors effectivement, oui, tout à fait. Émilie, on va parler avec toi dans quelques minutes. Reste avec nous, surtout ne bouge pas de là. Et puis on va également prendre Stella qui voulait parler de la différence d'âge. Et puis vous, hein, où que vous soyez, appelez-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Et attention, je vous rappelle qu'il y a toujours un sextoy à gagner sur le Twitter de l'émission. Il faut envoyer un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis bah si vous êtes élu le top tweetos de la soirée, vous repartirez avec le sextoy d'une valeur de 50 à 100 euros qui est offert par passagedudésir.fr. Voilà, et pour l'instant le top 5, on est comment dans le top 5? Alors le top 5, beaucoup de changements. Ah déjà quand même, finalement. Ah, numéro oui. 5, combien? Alors donc numéro 5 c'est MeloCR, donc c'est c'est une fille. D'accord, très bien. Numéro 4. Donc Lokkara qui est aussi une fille. Ah bah voilà, numéro 3. Que des mecs. Ah merde. Quinquin du 08. Kinkin, c'est Julien. Numéro 2. Storm Dreamer. Ok, il a pris 3 places, lui c'est pas mal. Numéro 1. Et donc toujours Quentin DR20T. Très bien. Bon bah attention, il y a le God qu'on vous offre sextoy à 2h du mat. Si vous êtes numéro 1 du top tweetos, tout est encore possible. Mettez un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Et puis ceux qui sont pas encore sur Twitter, hein, n'hésitez pas, téléchargez l'application, créez-vous un compte et ajoutez-moi. Je vous ajouterai également Mickaël underscore officiel pour m'ajouter. Le underscore, c'est le petit tiret en bas. Donc vous tapez Mickaël underscore officiel, vous m'ajoutez, je vous ajouterai également. Au cœur de la nuit sans pub, il est 1h11 sur Fun. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à débarquer sur Fun Radio le soir. Et merci beaucoup, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter la nuit. Et ça y est, on est là depuis le 22 juillet avec le son de Muttonheads qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio. Dancing with the Stars sur Fun, bienvenue. It's so hard to let go. Le dernier son de Muttonheads sur Fun, Dancing with the Stars. Il y aura le son de Zid dans quelques minutes avec Hayley Williams et Stay the Night. Et puis je vous passe aussi le morceau que je kiffe pour l'instant. Le son de Eminem et Rihanna. Ce sera Monster. Ah, ça va être parfait ça. Voilà, je vous le mets dans quelques minutes sur Fun. Restez là, il y a Curtis aussi sur le Facebook qui dit: salut, je vous écoute depuis 300 km et je dois encore vous supporter pendant 450 car je vais à Disney avec mes potes et vraiment vous êtes au top. Si je pouvais avoir une passer l'antenne, j'ai une histoire de fou à vous expliquer. Bon bah oui, bah laisse ton numéro Curtis, ce serait bien. Et Lilou qui dit: oh my god, j'ai supprimé nos mails. Ah merde, avec Toff. Merde, merde, merde, merde. Oh putain, déception là. C'est qui oh dit ça là. Lilou. Lilou, apparemment, tu t'es tapé une certaine Lilou. Et puis j'ai un mec aussi qui envoie un message. Salut Mickaël, je suis Adriana, 23 ans. J'ai connu Toff il y a 2 ans. Il m'a promis monts et merveilles pour coucher avec moi. Nous l'avons fait. C'était tellement pourri que j'ai préféré changer de sexe. Je m'appelle aujourd'hui Adrien. Voilà. Bon, eh ben, comme quoi, Toff est un mauvais coup. Mais ça, on l'a toujours dit en même temps. Ouais. Hein, donc, non mais c'est ça. Parce qu'on prévient les gens que c'est un mauvais coup. Ouais. Mais ils foncent quand même tête baissée, quoi. Ouais, c'est ça le pire. Bah voilà. Et après, ça se plaint comme Adrien qui a dû changer de sexe, quoi. Enfin, comme Adriana anciennement. Ouais. Mais est-ce qu'elle a amené des preuves? Ah non, je n'ai pas de preuves pour l'instant, mais je lui ai répondu à son mail pour avoir des preuves. Hein. J'ai le rappel, donc si on tombe sur un dossier concernant Toff et comme quoi, donc il se serait éventuellement, il aurait couché avec vous et vous avez un dossier à nous apporter avec des preuves, je vous offre une PS4 ou je vous offre des places pour Starfloor. Ouais, c'est pas mal. Emmenez-nous des preuves, j'en veux tout. Amenez des preuves, s'il vous plaît. Il y a une cut sur le Twitter aussi qui dit: on peut écouter la scène de Toff. Ah, ils les ont butés tous les deux. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais. C'est quand Toff se prenait pour un acteur il y a quelques semaines quand on a fait un canular. Je suis un acteur. Un jeudi soir. Ouais. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà. Et il y a Funky Man qui dit: c'est pas Zid, c'est Z. Ben si, ça se dit Zid parce que le E en anglais ça se prononce I, donc c'est Z-E-D-D, mais ça se prononce Zid avec Hayley Williams. Voilà, simplement. Bon, mais si tu veux, on peut dire la française Z, hein, ça ne dérange pas, mais ça se dit Zid. Voilà. Après, j'y peux rien. Donc Zid avec Hayley Williams, ce sera Stay the Night. Il y a Gabriel qui dit: je vous écoute depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, à 6000 km, c'est une espèce d'île de merde. Excuse-moi, Gabriel. Hein. Mais tous ceux qui ont été là-bas, je connais des mecs qui ont été bossés là-bas à la télé locale. Et on se fait chier. Par contre, on gagne sa race, hein, mais on se fait chier. Donc ça mérite un petit message en direct. Ah bah il est fait, Gabriel. Alors Saint-Pierre-et-Miquelon, allez voir. Parfois on en parle à la météo sur TF1. Hein. Mais c'est une espèce d'île qui se trouve à côté du Canada, dans l'Amérique du Nord, hein, donc à côté du Canada. Et c'est voilà. Mais laisse son numéro, tiens, on va essayer de t'appeler pour voir un peu ce qu'il y a à faire à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah ouais, c'est dur apparemment d'habiter là. Je sais pas si j'ai jamais été, hein, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc voilà. On parle des premiers rendez-vous également dans quelques instants. Rendez-vous idéal pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme rendez-vous idéal? Premier rendez-vous qui déchirait tout, les garçons, les filles. J'attends vos messages maintenant. 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4 x 0. On a dans quelques minutes Émilie pour un problème sexuel. On va en parler. Jessica également de Nîmes. Bonsoir Jess. Bonsoir Jess. Salut. Ah voilà, j'ai cru qu'on ne t'avait pas, tiens. Comment ça va Jessica? Ça va bien. Bon bah tant mieux, t'appelles de Nîmes, toi 34 ans Jessica. Et tu voulais parler des différences d'âge. Ouais, Et tu veux pas parler des différences de taille d'abord? Combien de mesures tu Ah, ça va, j'ai pas trop de problèmes de taille, je fais un 68 pour 52 kilos. D'accord, ah oui. Quel est ton tour de poitrine? 90B. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Allô? Ouais, une seconde, la musique. Sandro! T'étais sur ton téléphone là, tu crois que je te vois pas? Et alors? Elle tweet, elle tweet, elle tweet. Elle veut son god, elle tweet. Ah ouais, c'est ça, elle tweet, ouais, c'est ça. Bon, Jess, tu voulais donc réagir par rapport aux différences d'âge. Donc on avait demandé quelle était l'amplitude maximum du mec que vous avez trouvé. Quelle était la différence d'âge la plus grande entre le mec ou la meuf que vous avez eu, en l'occurrence, plus jeune ou plus vieux. Et toi, Jess, c'était à quel âge et il avait quel âge? Bon, alors, c'est pas vraiment une expérience, mais c'est surtout une attirance, et la différence d'âge, c'est quand même de 10 à 12 ans. Pas mal, 10-12 ans, c'est pas mal. Voilà, donc alors, c'est une grosse attirance et... Pour les petits jeunes. Ouais, mais 10-12 de plus ou 10-12 de moins? Eh ben, j'ai 33 ans, hein, donc tu calcules, hein, forcément, c'était que lui, il en avait en moins. Hein. Bah non, bah forcément, il peut en avoir 43... Ouais, c'est ça. Bah 47 ans, plein de pognon. Ouais. Voilà, regarde, Quentin, il a bien 17 ans, il se tapait une meuf de 42, donc tu vois. Ouais, bah oui. Il s'éclate, lui. De quoi? Il s'éclate, alors. Ah oui, mais il se tapait sa belle-mère, donc tu vois, il est bien, lui. Hein. Ouf. Ah oui, il s'est mis bien, t'inquiète. Oh là là, tranquille, il s'est mis tranquille, comme dirait Mehdi, là. Bon, ouais, mais donc... dans la famille, c'est comme ça, ma mère a 62 ans, elle se tape un mec de 42. Donc... Non. Ah ouais, putain. Ouais, ta mère sait vivre. Et on est en forme, Anime, hein. On est chaud, hein. Ah oui, le soleil garde la forme, apparemment, c'est pas mal. Garde les formes, surtout. Et garde les formes, également. Ah oui, c'est vrai. Attends, il y a Stella également, là, 19 ans de Metz, là. Bonsoir, Stella. Salut. Comment ça va? Ça va? Ça va. Bon, tant mieux, tant mieux. Mesure. Ah oui. 95B. D'accord, oui. Bah, mais on n'a pas fait ta taille d'abord. Ah pardon, j'ai pas compris. Donc combien tu mesures? 1m70. Donc combien tu mesures? 1m70. Combien tu pèses? 55. Et quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Il faut manger. Ouais, je sais. J'ai pas compris. Le dernier pantalon que tu as acheté? 36. Pas mal. Ouais, mais elle a pas 33 ans en même temps, c'est normal. Hein. Oui, et alors, Jess, et Joe, la rageuse, là. Ah, Jess, la rageuse. Bon, bah Stella, oui, Stella, c'est quoi la différence d'âge que t'as eu, toi, avec un mec? 14-29. Ah ouais, donc t'avais 14 ans, toi, quand tu tapais un mec de 30 balais? Ouais, presque. Ça, c'est un truc, ouais, je pourrais pas faire, quoi. Non, mais tu vois... Ouais. C'est comme si, ouais, là, tu sortais avec une meuf de 14 ans, quoi. Oui, mais même 18, tu vois, dans l'absolu, elle est majeure, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est juste qu'il y a un moment, t'as pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois. Ouais, c'est normal. Mêmes envies, en plus. Voilà, c'est pas les mêmes envies, c'est pas les mêmes centres d'intérêt. Enfin, je veux dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, certes, j'en ai que 22, mais je m'imagine à 30 balais, je pourrais pas me taper une meuf de 18. Bah oui. Et encore moins une meuf de 14, ça c'est improbable. 14, tu l'emmènes à l'école et tout, bah, c'est une horreur. Même, je pourrais pas. Tu l'aides à faire ses devoirs et tout, quoi. C'est vrai, même quand j'avais 18, il y a pas si longtemps que ça, je me suis toujours tapé des meufs plus vieilles. Non, une fois j'ai eu une plus jeune, mais sinon j'ai toujours eu des meufs plus âgées, moi. J'ai toujours été très mature. Et donc. Mais oui, c'est normal. C'est normal, Mickaël, tu es tellement parfait. Ben voilà, c'est déjà ça. Donc... très jeune, Mickaël était parfait. Exactement. Oui, oui, Jess. Non. De quoi, Jess? C'est un gars du Nord, je pense. Bah non, en fait, pas vraiment, je suis portugais, Jess, donc je suis plutôt du Sud, même. Non, mais je parle pas de toi, je parle de l'histoire de... Ah, de Stella, elle parle. Oui. Ah, parce que j'ai compris... Oui, c'est un gars de chez moi, c'est un gars du Nord. Ah, c'est un gars, d'accord, ok. Oui, c'est un gars du Nord, et pourquoi, Jess? Bah, parce que c'est bien connu, hein, les gens du Nord, ils aiment bien les kitchens. Oh, Jess, on peut pas te laisser dire ça. Coupelle. Non, mais t'es sérieuse? Allez, oh, ça c'est cool, excuse-moi, allez-y. Attends, Tof, lève la jambe. Oh, et tu l'avais mérité. Voilà, non, mais attends, dis donc, ça ne se fait pas. Mais enfin, en plus, voyons. C'est pas toi qui es tiré par un petit jeune. Formalité entre parenthèses. Ouais, en plus, c'est toi qui te tapes des petits jeunes, hein. Ouais, bah en plus, je suis du Nord, alors, tu vois. Ah, d'accord, alors là. Alors là, je viens de Lyon à la base, alors voilà. Ah oui, alors, le Nord, oh là là. Super. Ouais, mais par rapport à Nîmes, oui, c'est le Nord, mais enfin, dans l'absolu, c'est quand même très très loin d'être le Nord, hein, Lyon, hein. Ouais, quand même, déjà, c'est le grand froid, Lyon. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est ça, ouais, c'est le grand si froid. Lyon, c'est le grand froid. Hein. Ouais, bah, va un peu dans le nord, là, pour voir ce qui se passe. T'as ouais, moi, ça fait 12. T'as déjà été à Oslo? Oula, attends, ça existe, ça, ouais. Ça ah oui, oui. Ouais, ça existe, ouais. Bon, attends, il y a aussi Johan qui est avec nous et qui va nous parler des rencontres dans quelques minutes. On a également Mike, toujours là, Mike? Ouais, je suis toujours là. Bon, alors, on avait déjà parlé de la différence d'âge, je me souviens plus maintenant. Oui, oui, non, on avait déjà parlé. Je voulais juste rajouter un petit truc. Dis-moi. C'est que la fille qui avait quand même 10 ans de plus que moi, ouais. Au jour d'aujourd'hui, elle m'a appris certaines choses qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les copines que j'ai eues après, elles l'ont jamais rejeté. Bon, bah alors c'est quoi elle qu'elle m'a appris à... Vas-y, raconte. Elle m'a appris à faire des cunis. Non, mais... Alors ça, c'est faux. Alors là, bah, c'est faux. M'a... T'étais pas là, Jessica. Si, j'y étais. Oh là là. Ferme ta gueule, gros bâtard. Bon. Alors, elle t'a dit quoi? Elle t'a appris quoi? Vas-y, fais tourner un peu là. Tout simplement, elle m'a appris où il fallait mettre tout ce qui va au niveau de la langue, là où il fallait la placer. Bon, et oui, est-ce qu'il faut la placer là? Fais tourner. Sur le clito, c'est mieux. Bah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais comment il fallait la tourner? Donne des infos là. Ah là, c'est un peu compliqué comme ça. Mais non, vas-y, explique, image. Oh, imagine. Imagine, c'est un peu compliqué d'imaginer. Parce qu'après, moi, personnellement, quand je fais un cuni, personnellement, déjà, je commence par le clito. Ouais. Et après, ouais. Je descends un petit peu, et après, ça arrive très souvent. Je bandis un petit peu le clito, et ça arrive très souvent qu'elle monte au 7e ciel, juste avec moi. Tu te la ramènes un peu, non? Mais bon, juste pour faire une parenthèse, moi j'ai une copine qui m'a dit qu'avant d'attaquer le clito, est-ce que c'est un futur dossier si elle nous appelle? Ça peut être un dossier si elle appelle, oui. Ah, oui, d'accord, tout à fait. Ok, très bien. Donc, je rappelle, s'il y a des dossiers sur Tof, que vous avez des preuves, une PS4 éventuelle à gagner, ou même deux entrées pour Starfloor. Donc ça peut être un dossier. Elle m'a expliqué. En fait, elle me dit, ouais, avant d'attaquer le clito, c'est bien de faire un peu le tour, machin, et surtout d'aller du vagin et de remonter vers le clito avec la langue. Alright. Ah merci, je sais pas qui a dit, c'est Jessica. Merci Jessica. Voilà, c'est ça. Ouais. Une femme d'âge mûr qui sait de quoi je parle. C'est ça. Bah, t'es enculé, gros connard. Voilà. oui, bien sûr. Bah, très enculé. Tout simplement. Bon, très bien, merci Mike en tout cas pour ce petit cours. Ouais, bah y a pas de souci. Bah, avec plaisir, tu reviens quand tu veux, Mike, sur Fun. À bientôt. D'accord, pas de souci. Salut Mike. Bon, bah, bonne soirée à tous. Merci, salut. Stella et Jessica, merci à vous aussi d'être passées les filles. Ouais, allez, bonne soirée. Gros bisous à vous, à bientôt. Et puis Quentin, bah tu reviens quand tu veux, hein. Et puis bah t'es toujours avec ta copine ou au fait? Quentin? Ah mais nouveau parti. Ah bah. C'est fait. Eh bah exactement. Oh, baltringue côtier. Oh PD côtier, enculé. Donc du calme. On va parler des rencontres. Violent. Oui un peu ouais. Des rencontres. Je vous ai demandé quelle était votre plus belle rencontre en nous appelant au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Johan avec nous de Nancy encore. Nancy, oh, la meurtre des Moselle. Oui. On y était d'ailleurs, il y a deux semaines et demie, on a fait l'émission en direct de là-bas. Hein. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux de... Oui, si c'est non, je crois que Polo a des dédicaces à faire. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. À Charline, Miss Lorraine, à Elodie, la beauté aux cheveux noirs. C'est ta mère qui a des oreilles. Et à Colline aussi, ah bah alors vous êtes un salaud. Qui a changé de couleur de cheveux. Vous êtes même un dégueulasse. Oh, bah dis donc, c'est bien. Va te enculer, gros connard. Voilà. C'est un message de toutes les meufs de Nancy pour Polo. Va te enculer, gros connard. Voilà, tout simplement. Bon, Johan, alors, qu'est-ce qui t'amène? Ah oui, donc tu voulais parler des rencontres. Ouais. Bon, bah très bien, bah tu fais ça juste après le son de Zid et Ali Williams avec Stay the Night, ça va? Allez, c'est parti, on enchaîne ça maintenant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. 1h27, on est en direct, c'est la nuit sans pub. Il y a toujours le sextoy à gagner sur le Twitter de l'émission. Venez, ajoutez-moi, je vous ajouterai également. Vous tapez Mikael underscore, c'est le petit tir en bas, Mikael underscore officiel. Et pour tenter d'être numéro 1 du top Twittos, vous mettez un maximum de hashtag Mikael dans tous les messages que vous envoyez. Alors dans un seul message, c'est pas la peine de mettre des hashtags Mikael les uns à la suite des autres, hein, ça oui, compte c'est, pas. C'est un message à la c'est fois. C'est un hashtag à la fois Mikael. Donc vous mettez votre message et vous mettez hashtag et Mikael dans le message, et si vous en mettez un max de messages justement avec vos copains, peu importe, eh bien vous repartirez avec votre sextoy d'une valeur de 50 à 100 euros offert par passagedudésir.fr. Quelle voix de merde, quelle voix ouf de merde quand même. Ouais, c'est vraiment de la merde. C'est un truc de dingue. I know that we are upside down. Le son de Zilly, Hayley Williams Prince sur Fun Radio. Stay the night. Et ta mère, elle emporte le Stingor ou pas? Oui, très certainement, évidemment. Le pourri de bâtard. Oh, et du calme, hein. Il y a Clément aussi qui avait envoyé un message. Il dit faux, totalement faux, je suis de Nord et ma femme est plus vieille que moi. Bah, comme quoi, c'est vrai. Damien également, c'est dans les vieux pots qu'on fait des bonnes soupes. Tommy également revient d'Alsace, voir comment il fait froid. Et Eva qui dit moi, mes parents, ma mère 35 ans, mon beau-père 53 ans. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Bah, écoute, j'espère qu'il est blindé. Bah ouais, c'est ça. Il y a C'est Cool aussi qui dit que du bonheur de vous écouter. Bah, c'est gentil, merci, c'est cool. Et Angelina, c'est la première fois que je vous écoute jusqu'à cette heure-ci. Je suis une fidèle de votre émission. Un petit message de bienvenue, s'il te plaît, avec grand plaisir. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Je rappelle d'ailleurs qu'on fera le jeu demain avec t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Donc il va falloir le dire un maximum de fois demain. On joue des 23h sur Fun Radio. Et Megumi qui dit faut qu'il arrête de collectionner les filles, sinon j'imagine pour les retenir, ça va être une catastrophe. Et le prince Nadia qui dit quand j'avais 16 ans, je suis sorti deux semaines avec un gars de 28 ans, wow. Mais la différence d'âge était flagrante. Oui, ça, effectivement. Et enfin, Mélissa qui dit Toff, à défaut de réussir à avoir une meuf, tu te maquilles pour choper un mec si tu es si désespéré que ça. Bah, il s'est déjà maquillé, hein, ça dit. Ouais, hein, ouais. On a mis la photo hier sur le Facebook. Bon, Johan, c'est quoi toi, avant qu'on appelle encore une dernière fois quelqu'un avec Toff, c'est quoi ton plan parfait au niveau de la rencontre? Premier rendez-vous parfait, par exemple. Mon plan parfait, bah, c'était à la gare, bah, avec mon ex, quoi. À la gare? Ah oui, c'est parfait, la gare. Mais c'était parfait, la gare? Bah, c'était pas trop parfait, mais bon. Mais c'était parfait. C'est-à-dire, explique-nous un peu, parce que là, je comprends pas très bien. Bah, à la base, je devais l'avoir à Metz, mais j'ai dû rester sur un fil d'urgence. Non, parce que là je n'ai rien compris. Donc on appelle, donc j'avais dit, on parlait des plus beaux premiers rendez-vous, des plus belles premières fois. Et toi tu m'appelles en me disant, ouais, bah, bon, j'étais à la gare, bon, j'ai raté le train. Ouais, c'est glamour, c'est top. Mais il n'y a rien de. C'est pas beau, il n'y a rien de romantique. Je me suis fait contrôler. Mais je comprends pas alors. Il y avait la douane qui m'a fui. Ils m'ont mis un doigt dans le cul. Et là. Mais je comprends pas alors, je comprends pas. Non mais en fait c'était. Ouais, je suis resté quoi 2-3 heures à la gare, après ça s'est rien passé quoi. Ouais, donc c'est naze ce que tu nous racontes. En fait t'as confondu, c'est les pires rencontres, les pires lieux. Mais les pires, on en parlera un jour. On en parlera un jour des pires. Ouais, mais la plus belle rencontre perso, c'est chez ma belle-sœur. Et c'était quoi la belle-sœur? Bah là c'est ma belle-sœur actuelle qui habite à Commercy. Je ne comprends. J'ai l'impression que tu me parles une autre langue. Non, j'ai dit que j'ai là. La plus belle rencontre, c'était avec ma copine actuelle. Oui. Attends, rote un bon coup. Non mais attends, vas-y, continue là, donc. Donc ouais, je disais que c'était chez ma belle-sœur. Oui. Sinon, tu fumes en fait. T'as bourré ta belle-sœur. Non. Ah. Mais tu l'as rencontrée. Chez sa belle-sœur. Ouais. Donc, ça. La première fois, je suis arrivé à Commercy. Ouais. C'est pas ma copine que j'ai rencontrée, mais c'est ma belle-sœur. D'accord. Ouais. Mmh. Et du coup, elle m'a emmené chez elle. Mmh. Et là, j'ai rencontré ma copine. Ah, vous êtes déséquilibré. Vous êtes déséquilibré. Non, il a pas couché avec sa belle-sœur. Il a rencontré sa copine là-bas. Ah d'accord, ok. Quel beau rendez-vous. Mais oui, c'est ça. Ouais. Et vous m'avez pas demandé, moi, mon plus beau rendez-vous. Ah, oui, raconte-nous. Si ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. J'ai rencontré la fille, donc chambre d'hôtel et tout, et puis je l'ai éjaculé dans les cheveux. Ah, ça faisait longtemps. Non, alors là, plus sérieusement, le plus romantique, je suis pas un spécialiste du romantisme, mais en fait, j'ai pas. Alors, attends, pas, non t'es pas un spécialiste. Je n'ai pas couché avec cette fille. Alors, attention, j'ai pas couché avec cette fille. Ouais. Et en fait, c'était à New York. Ouais. Et on a fait une magnifique balade. Ouais. Il faisait chaud et tout, c'était magnifique. C'était dernièrement, là. Et oui, c'était dernièrement. Et c'était vraiment magnifique. Ah oui. Donc c'est baladé. Et en fait, il faisait des photos d'Instagram avec Instagram. Ouais. Oh. C'était mignon. Ah, on pouvait suivre son parcours dans New York. Bah, c'est romantique. Ouais, c'est vraiment super. Ouais. Je l'embrasse d'ailleurs. C'est ça. Ouais. Oui, comme tout le monde. I kiss you, my lover. Oh, I kiss my lover. Mais il est rentré aux petites heures de la nuit. Et comment ça se passe avec toutes les meufs à Nancy, là? Je comprends pas. Ah, mais je les aime. J'ai de l'amour pour toutes les filles. Ah, d'accord, ok. Oh, baltringue, Cotier. Oh, pédé, Cotier, enculé. Oui, très bien. Bon, bah, Johan, bah, merci pour cette belle histoire. Hein. Ça va rester dans les annales. Hein. Ah, y'a pas de soucis. Avec plaisir. Y'a moyen d'avoir un coup de pelle aussi. Oh, avec plaisir. Je t'en mets un. J'espère que ça te remonte les dents. et je t'en mets 3. Voilà, pas de problème. Bon, salut hein. Pas de soucis, bah ciao. Allez, à bientôt, ciao à toi. On va prendre également Émilie avec nous maintenant là. Bonsoir Émilie, à nouveau. Émilie. Oui. Ah, très bien. C'est à toi, Émilie. Alors, Émilie, 1h36 du mat, on est là, on est à la cool, tranquille. Est-ce que t'as un mec actuellement, là ? Oui. Très bien, parce que on aurait pu t'offrir un sextoy si t'étais dans le top Twitter ce soir, mais bon, là, a priori, tu n'y es pas. T'as pas Twitter ? J'ai pas Twitter. Bah, comment ça se fait ? Il serait temps. Il vient pas. Ah, t'aimes pas ? Bon, bah, écoute, ok, ouais, d'accord, hein, pourquoi pas. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? En fait, avec mon copain, à chaque fois que, on fait les préliminaires et tout, oui. Au moment de l'acte, je bloque. J'arrive pas à me décontracter. Mais c'est parce qu'il est mauvais. C'est-à-dire non, que tu bloques, non, tu fais... non, c'est ça. Non, non, ouais, mais... c'est ça. Attends, dis-nous comment tu bloques. Fais-nous le blocage. Bon, là, je suis en train de te fourrer, là. Ah, non. Oh, je suis dedans. Non, mais on est en... C'est dégueulasse. Non, mais c'est immonde. Non, mais c'est... Non, mais toi... Dégueulasse. Je valide, moi, Polo. Dégueulasse. Moi, je valide, Polo. Ils ont buté les deux. Mais non, mais on est... C'est une hypothèse de travail, là. On travaille. Oui, c'est une hypothèse. Oui, oui, c'est ça. Je ne travaillerai pas avec toi. Oui, oui. C'est ça. Bah, sinon, t'as toujours une solution pour te débloquer, hein. Les doigts d'achat, si tu sens ton cul. Voilà, ça c'est toujours une idée. Hein. Il paraît que ça aide. Non. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, tu vois, c'est pas vrai. Hein. Bon, est-ce que t'es bien épilé ? Oui. Rasoir de merde ! Ah, Philippe n'est visiblement pas tellement d'accord avec tout ça. C'est bien dommage, malheureusement. Bon, tu bloques. Donc au moment de la pénétration, tu bloques, c'est ça ? Pas que au niveau de la pénétration, en fait. Au niveau, bon, au niveau de quoi, alors ? Ah, même les préliminaires ? Mais ouais. Pourquoi ? Bon, et est-ce que... Oui, vas-y. En fait, je sais pas comment expliquer. Il y a une fois, milieu d'un rapport, je suis tombée dans les pommes. Ah, c'est pas ça ? Mais parce qu'il t'en est trop de plaisir ou... Oui, c'est ça, le mec qui est pas je du tout sais en stress. Pas. Non, en fait... Attends, c'est les jaloux, là. Ah ouais, ouais, ouais. Non, ça m'est arrivé une fois, je te jure, ça fait peur. Bah oui. La meuf, elle est tombée dans les pommes. Ça fait peur parce que... Mais l'odeur ! En fait, non, parce que c'était sous la douche, en fait. Mais tu vas pas nous faire croire que c'est parce que tu l'as parce qu'elle a tellement kiffé que. Ah non, rien à voir. Non, ah d'accord, me voilà rassuré. Ah, elle avait 95 ans là. Non, en fait, bah, il est enculé. En fait, il faisait tellement chaud et tout. Bah, donc t'es enculé, gros connard. D'accord. Et donc on s'est dit qu'on allait faire ça sous la douche et en fait, bon. Il faisait quand même super chaud, super suffocant, et donc du coup voilà, c'est juste à cause de la chaleur. Ah c'est pas dû à toi. Ah quoi. Oui, non mais c'est pas dû à lui. Mais enculé, gros connard. C'est quand même super flippant. D'accord, tu m'étonnes effectivement. Il fait le pourri de bâtard. Ah oui, oui. Est-ce qu'on peut aider Polo parce qu'il y a des problèmes. Il est par terre, on le voit plus. Il a des problèmes. Tu es enculé, gros connard. Voilà. Bon, et donc Émilie, donc toi tu as du mal avec tout ça, c'est ça. Hein. Ouais, j'arrive pas. Mais t'es tombé dans les pommes. Pourquoi la première fois là quand on se pensait pas. Je sais pas. Elle a vu le membre, il était trop gros. Non mais ça se trouve c'est pas, il est pas responsable le pauvre. Ah oui, il est peut-être pas responsable, c'est peut-être chez toi. Hein. Non, mais tu serais le sang. Non, Gilou, merde. En fait, t'as déclenché un blocage quand t'es tombé dans les pommes. Du coup, tu bloques maintenant à chaque fois. Oh, arrête de me faire manger. Ouais, c'est pas arrivé qu'avec mon copain actuel en fait. Ah, c'est arrivé avec d'autres aussi. Ouais. Et mais tu respires, il faut respirer. J'aime le sperme. Hein. J'ai pas entendu. Attends, parce qu'il y a Gilou qui voulait. J'aime le sperme. Ah, c'est vraiment un gros porc celui-là quand même. Putain, quel enculé alors ce Gilou là, c'est dingue. Bon, et donc Émilie. Oui. Émilie, techniquement, donc est-ce que ça ne s'est jamais bien passé ? Enfin. Qu'appelles-tu par jamais bien passé ? T'as jamais eu une relation normale où t'as pris ton pied, où ça s'est bien passé, voilà. J'ai jamais eu d'orgasme. Et c'est ça qui me bloque. Mais tu es peut-être anorgasmique. Oui, ou peut-être. Ce qui veut dire que tu n'as pas d'orgasme, point barre. Est-ce que tu te masturbes ? Oui, est-ce que tu te mets parfois. Ah. Bah, commence par ça déjà. Déjà, tu peux commencer par ça. Pourquoi c'est tu le fais pas, Émilie ? C'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse, Émilie, c'est la nature, c'est normal. Un vieux monsieur qui travaille avec nous te dirait qu'il faut apprendre à découvrir ton corps. Oui, et ton corps change. Et ce n'est pas sale. Et ce n'est pas absolument sale. Pas sale. Mais maintenant, j'aimerais bien avoir l'avis d'autres filles, éventuellement, là, pour décoincer un peu Émilie, là, parce que, ça, à mon avis, ça doit venir de là. Si déjà tu trouves que la masturbation, c'est sale, alors qu'il n'y a rien de sale là-dedans, hein, au contraire, hein, loin de là même. Donc, appelez-nous 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4x0. Attends, il y a Laura également, là. Laura, t'es là ? Oui. Bon, tu te masturbes toi, Laura? Même pas. Jamais? Genre? Non. Bon, ah, mon cul, ouais, parce que ton mec est à côté. Parce qu'il y a des mecs aussi, et même des meufs, hein, qui sont jalouses de ça. Ces gens, ils peuvent faire un. Ils peuvent taper un scandale à leurs copains, leurs copines, parce qu'ils se font un plaisir solitaire, ce que je trouve ça ridicule. T'as le droit de se branler, hein. Bon, bah alors, appelez-nous, les garçons, les filles, maintenant. 01 42 48 5000. Pour la Belgique, 02 851 4 x 0. On a Adrien. Ah, Adrien est avec nous, Adrien. Salut. Voilà, Adrien, c'est celui qui s'appelait Adriana et qui a couché avec Toff à l'époque. Et ben depuis, il a changé de sexe tellement c'était pourri. Alors explique-nous peut-être plus en détail. Bah en fait, c'était simple. Il y a 2 ans de ça, donc j'avais 21 ans. Ouais. Et on s'est retrouvés à taf. On était près du bois de Boulogne, quoi, un endroit habituel où il va souvent, quoi. Ouais, et c'est vrai. Ouais, je passais tous les jours à cette époque-là. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, je sais bien. Bah, on est à l'étude des ans, justement. Donc voilà. Et, attends, est-ce que tu peux mettre ton téléphone un peu moins près de ta bouche ou enlever le kit ma libre parce qu'on n'entend pas tout? Ouais, c'est good là? Ah, c'est mieux, ouais, vas-y. Ouais. Et il faisait beau et tout, donc on a commencé à vouloir s'allonger dans l'herbe. Ouais. Et bah, en fait, déjà, les taupes, ils ont pris cher parce qu'il s'est trompé de trou, quoi. Il est légèrement rentré en faisant 3 taupes, donc c'était pas terrible, quoi. Voilà. Et bon, il a un peu fini tout sur moi, quoi. C'était carrément dégueulasse. Oh, quel Il y a la preuve simple, c'est qu'on peut regarder le bout de son gland. Il y a une taupe qui l'a un peu croqué, donc il a un peu atrophié. Donc la preuve, elle est déjà sur lui. Attends, fais un gland atrophié. Bah ouais, forcément, vu qu'il a enculé 3 taupes, la taupe, il a bouffé le bout du gland. Ah bah ouais, ouais, forcément, le bois de Boulogne. Pas laissé faire, étonne. Tu m'étonnes, voilà. Tu m'étonnes. Et puis, bah, la deuxième preuve, c'est que bah, moi, maintenant, j'ai un pénis, quoi. Ouais, mais c'est pas des preuves, ça, Adrien. C'est, ouais, ouais. C'est pas des preuves. Regardez le gland à Toff. Bon, Polo, va voir le gland de Toff. Non, j'ai dit. Oui. Oh, il est pas trouvé, il y a juste un piercing dessus. Ouais, c'est vrai. Ah, bon. Ouais, c'est ça, parce que s'il avait vraiment en fait, participé à tout ça, il serait au courant pour le persil. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ah là là là là, Adrien. Boum ouais. Tu ne repartiras pas avec la PlayStation non, 4, ni même avec les places pour Starfleet. C'est pas grave, tant que Toff peut se rappeler ce bon moment, c'est le principal. Bah écoute, j'espère qu'il se le rappelle. Tu peux ouais, ouais. Gros con. Bah allez, c'est pour Toff. Ok, merci. Non, c'est pour Toff, Adrien. Pas tellement, bon, mais j'essaierai de m'en souvenir ce soir. Bon bah merci, Adrien. Je peux laisser un petit message? Ah bah vas-y. C'est pour Émilie qui a appelé pour son problème en fait. Ouais. C'est juste pour lui demander si c'est pas dû à un trauma qu'elle a eu lors de sa première relation. Moi j'ai eu la même chose avec l'une de mes ex. Ouais. Et il y arrivait avec tous les autres gars. Et au fur et à mesure qu'elle en parlait avec moi, on a découvert en allant voir un psychologue, elle et moi ensemble en fait, que c'était dû à un trauma qu'elle avait eu lors de son premier rapport sexuel. Ah ouais, c'est possible aussi ça. Mais tu sais après ça dépend, hein. T'as des mecs aussi qui font ça comme des bourrins là. Pour peu que vous tombez sur une meuf qui a un peu peur pour la première fois. C'est comme j'étais tombé sur une fille qui était persuadée en fait pour que un mec prenne son pied quand elle le suçait, il fallait qu'elle avale. Ah, c'est horrible. Et en fait, je me dis moi je m'en branle hein. Elle dit ah bon? Bah oui, je regarde Polo aussi, il s'essuie pas dans les cheveux, là il est pas bien. Voilà. Là, je suis pas bien. Ouais. Et donc du coup elle était surprise et accessoirement soulagée, je pense, que ce soit pas une condition sine qua non, sauf que son mec lui avait tapé dans la tête en fait que c'était indispensable, c'est etc. Fou, parce que c'était peut-être son kiff à lui, ouais. Mais donc il a fait une généralité cet abruti. Donc au final, c'est vrai que si ça arrive la première fois, la meuf elle peut peut-être être dégoûtée, quoi. Alors que rien de tel qu'une bonne faciale. Bah, non, la preuve, hein, moi, le mec il était tellement pourri, j'ai changé de sexe, hein, voilà. Bah voilà, exactement. Ouais. Ouais, bon, ouais. Bah, merci en tout cas Adrien, tu reviens quand tu veux. Bisous à toute l'équipe en tout cas. A bientôt Adrien, on va prendre Natacha dans quelques instants de Paris qui voulait réagir à Émilie. On aura Jérémy qui voulait aussi réagir et puis vous toutes et vous tous en direct. Le temps de s'écouter le son d'Eminem, je vous l'avais promis depuis tout à l'heure là. Avec... ma chérie, tu vas rester calme, je t'ai même pas annoncé ma belle. Eminem et Rihanna maintenant de Monster. Allez vas-y, maintenant tu peux y aller. I'm friends with the monster, the son of my bed. Rihanna sur Fun avec The Monster. Vous êtes déséquilibré? Non, pas vraiment. Ah bah alors vous êtes un salaud. Bah oui, ça c'est possible aussi, effectivement. Bon, il est 1h49, on est toujours en direct. Je vous rappelle que c'est la dernière ligne droite pour choper votre sextoy là, sur le Twitter de l'émission. Là. Vous allez sur le Twitter, vous m'ajoutez, je vous ajoute également à la liste. Hein, vous tapez M-I-K-L underscore officiel. Underscore, c'est le petit tiré en bas. M-I-K-L underscore officiel pour m'ajouter. Vous êtes les bienvenus. Si vous me suivez, je vous suivrai également. Et puis vous mettez un maximum de messages avec le hashtag M-I-K-L. Mickaël, il y a Amandine. C'est Amandarine qui dit bon, je vais aller dodo, là, encore une soirée marrante avec la famille. Ah bah non, Amandarine, là, c'est presque la fin, reste avec nous. C'est le pourri de bâtard. Mais oui, il y a Phil aussi qui dit je viens de me faire engueuler à cause de vous par mes parents, tellement je suis mort de rire. Merci à toute l'équipe, c'est un plaisir de vous suivre jusqu'à 2h du mat. Et pour Émilie, serre les dents. Non, mais non, Phil, il faut trouver une solution, ça va fonctionner. Jonathan qui dit pardon, il faut la préparer en anal, Émilie, comme dirait un ami à vous. Oui, effectivement, ouais. Et l'apnée bloutée qui dit tombé dans les pommes en plein rapport. Ouais, j'ai jamais entendu ça. Bah, comme quoi ça peut arriver. Et alors Nico qui dit t'as saigné du nez, Toff, mon cochon. Saigné du nez? Ouais, pas compris. Moi non plus. Tu saignes du nez, t'as saigné du nez. Non, mais je ne sais pas. Et Lido qui dit vous êtes des bandes de bâtards. Oui, complètement, complètement, ouais. Complètement. C'est le pourri de bâtard. Voilà. Et un message d'Alexou qui dit mets des toiles dans ta chatte et tu sens ton cul. Mais ça, c'est notre ami Gilou, ça, attention. Bon, on va faire des appels avant de partir, Toff, un petit dernier. Allez, avant de récupérer Laura, Jérémy, Natacha, Émilie, tout le monde dans le standard encore. Ah ben, c'est parti. Depuis tout à l'heure, je rappelle, donc c'était la journée de la gentillesse hier. Oui. Enfin hier, oui, bah avant minuit quoi, c'était la journée d'hier, hein, c'était la journée de la gentillesse. Et donc on a mis une vidéo également sur le Facebook d'un mec qui était en chien aussi, il cherchait des meufs et donc il était marqué embrassez-moi, je suis désespéré. Oui, c'était un petit peu mon cas. Oui, vite fait, ouais. Et donc du coup, bah tu t'es dit qu'on allait appeler des gens pour leur dire que comme c'était la journée de la gentillesse, voir s'ils pouvaient pas éventuellement être gentil avec moi. Te filer leur meuf. Voilà. Bon, allez, juste c'est parti. Un soir. Ouais. On appelle le ou la dernière maintenant, c'est parti. Et merci pour tous les messages que vous avez envoyés à toff@funradio.fr avec des numéros de téléphone qu'on appelle comme ça tous les soirs de 23h à 2h. Allô, oui? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si c'était possible de coucher avec votre femme. Parce qu'en fait je suis un petit peu en galère sexuellement et du coup j'aurais voulu savoir si c'était possible quoi. T'as un tchat craqué ou quoi toi? Non, pas du tout monsieur, pourquoi vous dites ça? Tu te crois où là? Bah chez vous monsieur. Tu te crois, tu es chez moi là, donc qui tu es alors? Moi je m'appelle Toff monsieur. Ouais. Et donc voilà, c'est. Et t'as que ça à faire à m'emmerder le soir là. Mais monsieur, c'est la journée de la gentillesse, vous pouvez pas être désagréable comme ça. Je ferais bien de faire attention, va. Ah, malheureusement il est parti, c'est dommage. Ouais, c'est très rappelle. Dommage. Quand je sentais qu'il y avait un feeling entre nous. Ouais, complètement, ouais. Mais attends, on va le rappeler pour voir si le feeling est confirmé ou pas. Allez, on y va. Alors, il vaut mieux pour toi que tu arrêtes d'appeler. Bah, oui, mais t'as compris, j'ai la petite à la maison, tu vas pas m'emmerder toute la soirée, là, arrête de m'appeler. D'accord, mais pour votre femme alors, monsieur? Non, il a nouveau raccroché. Merde, il est pas ouvert, hein, on rappelle. Non, c'est dommage. Non, mais attends, on va le rappeler, on va l'ouvrir, tu vas voir, attends. Oui, monsieur, vous m'avez pas dit pour votre femme. Tu veux jouer à quoi, là? Mais je veux jouer à rien, monsieur, mais voilà, moi je suis un petit peu en galère et tout, donc si vous pouviez me prêter votre femme. Donc tu veux que je te donne mon adresse, comme ça tu viens maintenant? Bah si votre femme est disponible ce soir. Tu veux venir, viens maintenant. C'est vrai, je peux venir alors? Ah, fais doucement, je te dis, fais attention. Mais j'en prendrai soin monsieur, il n'y a pas de problème, je serai très gentil avec votre femme. Ouais, ça va alors, tant mieux pour toi. Ah bah oui, mais bon, en même temps, on n'a pas eu la confirmation là. Bah non, toujours pas. On va le rappeler. Bah juste, attends, et en plus, il m'a pas donné l'adresse. Oui, en plus, ouais. Il y a juste un message de Clem qui est arrivé qui dit j'ai un lourd dossier sur Toff, j'appelle mais ça répond pas. Bah comment ça? Bon, Clem, au pire, envoie-moi un mail. Je suis en ligne avec elle. Ah bah très bien, parfait. J'avais lui demandé de me faire un mail, mais c'est parfait. On va avoir un dossier peut-être sur Toff, on verra. Allez, c'est parti, on y va. Ce serait bien qu'elle puisse choper des places pour Starfloor. On irait ensemble et tout, c'est cool. Bon, regarde, tu vas me faire chier toute la soirée là et emmerder ma gosse toute la nuit. Va venir m'appeler à la maison. Mais non, mais vous m'avez dit... C'est quoi, tu es content pour ton émission radio, là? Tu es content? Mais vous m'avez dit de venir, monsieur, et vous m'avez pas donné l'adresse. Tu vas m'emmerder longtemps, tu as que ça à faire. Ça te fait rire, ça fait rire ceux qui sont à côté de toi. Tu es content? Arrête de m'appeler maintenant, tu as compris? Arrête de m'appeler. Mais c'est vous qui m'avez proposé de venir, monsieur. Non, bah oui, non. On va arrêter de l'appeler, hein. Bah oui, il a dit. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux s'arrêter. En plus, t'as déjà une ardoise avec les Corses. Oui, donc, très lourde, très lourde. Surtout qu'il y a plein d'auditeurs en Corse qui nous ont demandé de venir faire l'émission en direct de là-bas. Je lui dis que c'était été wanted. Oui, je sais pas si je viendrai avec vous. Voilà, c'est peut-être ça. Peut-être que je la ferai en direct d'ici. Il y a de fortes chances, oui. Bah, t'es enculé, gros connard. Oui, je pense que c'est ça, effectivement, qui va se passer. Bon, on va prendre Clem dans quelques instants, mais avant cela, donc, on a le retour d'Emilie, là, qui a des problèmes sexuels avec son mec. Elle arrive pas, elle a des blocages. Il y a Natacha également qui est avec nous, là, 19 ans de Paris, là. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Comment ça va? Oui. Bon, très bien. Bienvenue Natacha. Alors, Natacha, tu avais des conseils à filer toi, Amélie? Oui, exactement. Très bien. Alors, on t'écoute, Natacha. Mais d'abord, Natacha, combien mesures tu? Est-ce que tu peux couper ta radio, Natacha, ou enlever le kit libre? Non, elle est coupée. Le haut-parleur, peut-être? Non, tout. Non, je suis bien là. Bon, d'accord, ok, très bien. Allez, bah alors, je te passe top. Alors, d'accord. Natacha, combien mesures-tu? Alors, 1m65. Combien pèses-tu? C'est 58 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Un 95B. D'accord, et la taille, les pantalons que tu as achetés? Un 38. Et alors, j'ai un JB qui passe dans le couloir qui fait... Tu sais, genre, il fait signe de la bouche, genre, ah ouais, pas mal. Qu'est-ce qu'elle est bonne ! Voilà. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà. Bon, bah très bien. Maintenant, Natacha, tu as un conseil à donner à Émilie, qui a donc un blocage avec son mec. Ouais, elle devrait se lâcher plus et elle devrait se masturber elle-même. Ah, tu vois, Émilie. Ah, j'arrête pas de le dire. Voilà. Hein. Oui. Voilà. Mais je le dis depuis tout à l'heure. C'est mais pas oui. Ce qu'on a eu. Non, mais elle dit que c'est sale. C'est quand même pas sale, Émilie. Non, pas du tout. C'est pas sale. Il faut pas faire comme dans les films de cul. Hein. T'es pas obligé de mettre la main complète à l'intérieur. Hein. Voilà. Faut y arriver, ça. Hein. Mais non, mais attends, mais il y en a qui pensent que c'est ça, ou la masturbation. Non. Ouais, la pastèque. Ce sont des professionnels. Exactement. Oui, tout à fait. Ça va être gratté, gros con. Oui, ça c'est pour Polo. Bon, et donc voilà, y a rien de sale, Émilie. Qu'est-ce que tu trouves sale là-dedans, toi? Bah, je sais pas, c'est le fait de se faire soi-même, en fait. Et alors? Bah, quand tu te douches, tu te touches bien quand tu te douches. Voilà, t'inquiète pas. Oh, c'est pas pareil. Ah bah ouais, si. Mais si, mais t'as qu'à commencer sous la douche. Hop, oui. Tu sais, un petit coup de jet. Hein, tu t'en fumes. Voilà, tu prends le gant de toilette, hop, tu te le mets dans la chatte et hop, tu l'enlèves. Non, pas dedans, mais genre, t'en fumes ton cerveau. Et effectivement, pendant que tu te laves, hop là, tu fais bouger un petit peu le clito et puis tu vas voir, ça vient tout seul. Comme si de rien n'était. Et puis après, tu prends le jet, tu te le mets hop dans la chatte, hop, tu l'enlèves. Merci Polo. Bon, attends, il y a Jérémy aussi qui est avec nous. D'Ardèche. Salut Jérémy. Ouais, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ouais, ça va vous? Bah écoute, tranquille, tout va oui, bien. Oui, ça va bien. Bah oui. Alors ouais, Jérémy, t'as des conseils à filer toi, Émilie? Bah ouais, parce qu'en fait, j'avais un ancien plan cul. Enfin, avant d'être mon plan cul, elle avait eu le même problème. Ouais. Donc du coup, bah en fait, c'était juste qu'elle avait un espèce de blocage, quoi. Ouais. Et genre ça, en fait, bah c'est juste que peut-être qu'elle est juste pas prête, en fait, la fille. Émilie. C'est juste qu'elle était juste pas prête. C'est quand, ça date de quand ta première relation, Émilie? Ben, j'ai 19 ans, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et depuis, ça n'a jamais fonctionné. Oh, putain. Hein? Ouais, mais ça... ça dépend, en fait. Ça dépend là, de l'endroit. C'est juste le mec qui ne convient pas. Bon, écoute, alors. Non, je suis avec, hein. Ouais, il y a peut-être de ça, mais c'est possible. Écoute, ce qu'on va faire, je pense qu'on va filer ton numéro au doc. Qui va certainement gratter plus en profondeur, si je puis me permettre. Bah, c'est sa spécialité. Bah voilà, non mais c'est vrai. Voilà, c'est sa spécialité. Il va certainement pouvoir t'aider vachement plus que nous, hein, parce que nous, à part dire suce ta mébite et tout le bordel, tu vois, on est un peu des cons, quoi. Donc, non mais c'est vrai. Il faut appeler un chat un chat. Il y a un moment, c'est vrai quand même. Et ta mère, elle emporte les chutes-gorges ou pas? Bon, c'est pas le, je vois pas le rapport, mais bon, pourquoi pas. Donc, éventuellement, Émilie, ça t'intéresse? Ouais. Bah, le but, c'est de trouver une solution. Ouais, bah parce que ça me gave, quoi. Ça fait un an qu'on est ensemble et on peut pas s'éclater et tout, donc... Bah voilà, non, mais c'est ça. Bon, écoute, je te repasse, Sandro, Émilie. On va te mettre en contact, okay. Tu vas voir. Et demain, je suis sûr que tu vas trouver une solution. Par contre, je veux bien, enfin... rendez-vous de rêve, là. Oui, alors c'est quoi ton rendez-vous de rêve, toi? On en parlait tout à l'heure. Moi, j'étais en vacances avec mes parents au Maroc et on était dans un hôtel. Mmh. On était je crois qu'il était 3 étoiles. Mmh. On était deux copines et on avait rencontré un groupe de gars. Ouais. Et on était restés, enfin on est resté pendant un mois pendant les grandes vacances. Oh, arrête de me faire manger. On a bien sympathisé et tout et voilà. C'était mon premier rendez-vous. Ouais, à l'hôtel. Je te sucerai le sang et tout, tu vois. Ah. Mais j'étais au restaurant d'hôtel et tout. Il t'a invité à quoi? Au restaurant d'hôtel. Oh. Tu aimes le sperme? En sauce? Quelle dégueulasse. Quelle dégueulasse. Ouais, mais oui, mais bon, c'est ça notre ami Gilou, hein. Il est comme ça. Et donc ça, c'était ton premier rendez-vous, ça? Ouais. Ça va, au Maroc, ça va, soleil, tout ça, tranquille, oui, c'est mignon, voilà. Après, c'est pas le rendez-vous le plus hot. Oh, écoute, écoute. T'as dit romantique, t'as pas dit hot, hein. Non, pas hot, non, non, mais le rendez-vous vraiment qui sort de du commun, tu vois, si, je sais pas comment expliquer, genre un rendez-vous qui sort du commun. Eh, moi, une fois, j'étais au bois de Boulogne, et je me suis fait courser par un travelo. Ah ouais. Ça c'est un vrai premier. Vous êtes déséquilibré. Oui, bah complètement. C'est ouais, romantique, ça. Non? Ah oui, oui, oui. Ah bah, ça c'est sûr. Ouais. Oh, arrête de me faire manger. Bon, ben bah, merci en tout cas, Émilie. On va te prendre, on va prendre tes coordonnées pour te rappeler demain, d'accord, dans le Vinfun. D'accord, merci. Gros bisous, Émilie, à bientôt. Merci, au revoir. Salut, Natacha et Jérémy, merci à vous d'être passés. Et Mickaël, je peux passer un petit message d'abord. Salut, Natacha, gros bisous. Salut, bisous. Mickaël, je peux te dire un petit truc d'abord. Oui, oui, Jérémy. Ouais, je veux te dire juste que sur Facebook, c'est moi qui ai le pseudo en russe, là, que tu galères à chaque fois à lire. Ah putain, mais quelle idée de mettre un truc en russe, mec. Con, lui, on peut pas le lire. Comment tu veux que je fasse pour le lire, moi, ce truc? Bah, mais je trouvais ça stylé. Oui, alors bah c'est stylé, mais alors. Dans notre groupe, on a tous le nom. Mais en à la limite, mets entre parenthèses la prononciation en français. Non, bah non, sinon c'est pas drôle. Ah bah oui, mais bah alors je peux pas te citer, que je te dise, moi. Bah dorénavant, je t'appellerai le russe, voilà. Ouais, bah si tu veux. Et c'est vraiment mon petit message de bienvenue aussi, s'il te plaît. Bah écoute, je te le demande tout le temps, mais tu me le fies jamais. Ouais, bah d'accord. Bah tu es enculé, gros connard. Voilà. Ah, merci. Et je peux avoir un pack fan. Ta mère qui a des oreilles. Voilà. T'as oui, pas d'exagérer. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard. elle me faisait juste des signes en tout cas en plus pour t'enfiler un, donc voilà, pas de problème. Ah bah ça va lui faire plaisir, elle est contente. Y'a pas de soucis. Salut Jérém, à bientôt. Hein. Merci et ciao. Ciao, bye. Et puis on va se faire aussi. Alors normalement, on devra voir Clem dans quelques instants avec un gros dossier sur Toff. J'ai dit que si on avait un gros dossier sur Toff avec preuve, je pouvais par exemple filer aussi des places pour Starfloor. Bon, j'en ai pas, mais je me démerderai. Voilà, je me démerderai, on ira ensemble et tout, ça va être la fête. Bon, mais avant cela, vous savez que hier et avant-hier, nous avons vécu des rencontres avec notre ami Gilou. En tant qu'historien, on va jouer tous les deux la marelle. Voilà, on avait rencontré Philou, et on a eu également, enfin Philippe plutôt, on a eu également Marcia avec son histoire de mec, là, qui n'en terminait pas, elle a acheté sa PS3, enfin bref, une histoire. Et donc, du coup, forcément, nous avons besoin de la voix, comment s'appelle la voix encore? Je ne sais même plus. C'est Roger. Ah oui, Roger, oui, c'est ça. Roger Résumé, qui va nous faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là justement. C'est parti. Dans ce nouvel épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité, Marcia aimerait reconquérir l'homme de sa vie. Antoine, qui apparemment n'en a rien à faire de Marcia. Gilou, le pervers, est complètement défoncé. Il a réussi à s'incruster chez Marcia. Pour faire les présentations, Gilou lui propose un étrange rituel. Pense au Kistori, on va jouer tous les deux la marelle. Antoine n'apprécie pas la présence de Gilou. Antoine va pas très bien. Il imagine qu'il est entouré de milliers de personnes alors qu'il est juste avec Marcia. J'étais en train de me passer pour un gros connard devant tout le monde. Gilles est très excité par la présence d'Antoine. Oh, arrête de me faire manger. Marcia a perdu la boule. Elle a l'impression d'être présidente de la République. Devant la France entière, je te le dis. Gilou, toujours aussi foncedé, il se prend pour une sorcière. Il explique à Antoine le maniement de son balai. Bah oui, après tu prends mon chemin et puis tu guides. Hein. Marcia ne comprend pas pourquoi Antoine s'intéresse à Gilou. Personne ne comprend ta réaction. Gilou décide d'offrir un rafraîchissement à Antoine. Oh, tu aimes le sperme. Gilou, qui atteint le high level de la défonce, et se lâche. On va faire l'amour, voyons. Antoine est choqué par tant de vulgarité. Ça, c'est pas prêt d'arriver. Oh. Marcia veut faire taire Gilou. Tu dis des trucs de ouf. Gilou est de plus en plus excité. Oh, arrête de me faire manger. Marcia ne comprend pas ce qu'elle a fait là. Bon, déjà, c'est pas mon idée. Devant les refus d'Antoine et de Marcia d'avoir des relations sexuelles, ce gros pervers de Gilou a trouvé une solution. Ouais, moi, comme je branlais de 3-4 fois, c'est tout. Hein. Dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité, vous en saurez plus sur la secte de Gilou. Vous saurez aussi pourquoi Antoine refuse de revivre avec Marcia. Vous connaîtrez le nom de toutes les drogues ingurgitées par Gilou. Antoine va-t-il se faire enculer par Gilou? Et Toff va-t-il gagner un Oscar pour son rôle? Allô? Ils ont buté les deux! Ils ont buté les deux! Tout ça et un peu plus, vous le saurez dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité. T'as déjà touché la chatte à ta mère, t'es des oreilles. Voilà, je pense que tout est bien résumé à ce niveau-là. Ouais, pour ceux qui avaient raté, bon, le résumé est fait de manière... On a respecté toutes les infos. Ouais, hein. Ouais. Attention, c'est important. Tout a été remis dans l'ordre. Ah oui, tout a été remis dans l'ordre, effectivement, oui. Il est 2h04, bienvenue bienvenue sur Fun Radio, les infos présentées par Mickaël. Mickaël, bonsoir. Oui, bonsoir, 2h04 et nous avons Clem en direct de Dax dans les Landes. Bonsoir Clem. Bonsoir. Comment ça va Clem? Ça va et vous? Très bien, merci de me vous voyez. Bon, Clem... Non mais c'était vous pour tout le monde. Hein. Non, ça les va. Autres n'existent pas. Alors, il n'y a que Mickaël dans cette exactement, émission. Exactement, Clem. Donc je rappelle que depuis tout à l'heure, j'ai promis, j'ai mis un rewards avec marqué Wanted et la gueule de Toff. Et donc je promets des places notamment pour Starfloor, pour... toute personne qui pourra m'apporter une information concernant le mauvais coup qu'est Toff. Donc si vous êtes une meuf, vous avez déjà couché avec Toff, qui vous a pris pour une conne, comme il prend tout le monde ici pour une conne, pour des connes en l'occurrence, c'est pas un problème, qui vous a promis monts et merveilles, qui, je sais pas moi, évidemment s'est barré après vous avoir baisé, bien entendu, eh bien je, avec preuve, bien sûr, parce qu'il faut des preuves, hein, sinon c'est trop facile, eh bien je pouvais promettre un cadeau en échange. Oui, alors dossier, Clem, oui un dossier, voilà en gros c'est ça. Alors Clem, toi tu arrives avec apparemment un dossier. Oui, et j'ai des preuves. Ah ah. Je suis tout oui. J'enlève même la musique, écrit. Regarde, comme ça on t'entend bien. C'est gentil, merci. Alors, Toff, il a demandé à une auditrice de lui faire une fellation. Ah. Ouais, mais attends, mais à qui Non, ça je peux pas. Ah, mais il faut, de toute façon, il faut une preuve. S'il faut ah une bah preuve. Oui. C'est quoi ta preuve? Mais j'ai des screens si vous voulez, enfin j'ai les captures de la conversation si vous ah voulez. Ah mais... bon. Alors envoie-moi ça maintenant, hein. Petite Mickaël. Je ne publierai pas, en tout cas pas avec le ouais. nom bien entendu, hein. Donc emickaël@funradio.fr. Ok, ça marche, j'envoie ça. Tu peux m'envoyer ça quand maintenant là? Ouais, je peux le faire maintenant de suite. Et ben maintenant de suite alors, mais tout de suite immédiatement là. Mais je t'envoie toute la conversation ou juste le passage? Ouais, on voit tout, hein, donc à faire. Hein. Je prendrai ce qui m'intéresse. Tu vas rigoler, quoi. Oui, bah t'inquiète pas. Bah. Tu vas être gratté, gros con. Ah bah c'est bon. Va te enculer, gros connard. Bon, alors tu m'envoies ça, Clem, c'est parfait. Et donc, okay. Attention, je n'ai qu'une parole. Hein, si journaliste jamais, d'investigation. Si jamais la preuve est une bonne preuve... Ah, paf, mais c'est une bonne preuve, hein. Et en plus, il y a Polo qui viendra chez toi faire le ménage. Ah oui, merde, c'est vrai, cool. Il y a ce petit détail qu'on avait oublié. Merde. Voilà. En soupe. On viendra... Ça va être bon, ça. Ah ouais, on viendra à Dax. Faire des photos de tout ça. On viendra à Dax et Polo, il fera le ménage. Ah, okay. Chose promis, chose due. Voilà. Ça marche. Même de parole. Mais il faut que ce soit évidemment de vraies preuves, ça tombe sous le sens, bien entendu. Tu me dis quand ouais. c'est envoyé, hein, on va voir ça. Oui, si mais en fait, oui, mais je suis en train. Mais non, mais vas-y. En attendant, je vais lire quelques messages là, qui sont arrivés sur le Twitter. Il y a Didoudoudi qui dit je veux entendre mon blaze, mort de rire. Bah voilà, c'est fait, hein, Didoudoudi. SFJ qui dit Polo aime les pommeaux de douche, apparemment. Il y a Amanda qui dit se faire retweeter par Mickaël deux fois et l'entendre dire à la radio, par pas. Bah oui, Amanda, mais t'allais te barrer là, c'est comme dommage. Raphaël qui dit non, un enculé Mickaël, pas un bâtard, sinon ça va pas avec la chanson de fin d'émission, c'est vrai. Et il y a le Boeuf Ferré qui dit envoyez-lui Gilou, il va la débloquer. Oui, bah tu parles, tiens, il a l'air certainement bien la débloquer là. Et le Prince qui dit Polo, plus doux que le shampoing, ultra doux. Et Malory qui dit Polo chez le coiffeur, il doit être bien avec tous les cheveux. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, mais il n'y va jamais parce qu'il n'a pas de cheveux sur la j'ai tête. J'ai pas de cheveux. Voilà, il n'a pas de cheveux. Et même si je me sens barré tellement il l'a saoulé. Oui, Clem. T'es sûr que tu veux que je t'envoie toute la conversation parce que en fait. C'est pas que c'est long, mais un peu, quoi. Non, mais c'est-à-dire, ils avaient... C'est pas que c'est long, mais un peu. Attends, mais il a proposé de se faire sucer pendant combien de jours? Ben, je sais pas, mais il voulait déjà que ce soit dans les toilettes, donc... Les toilettes de quoi? Mais je sais pas, attends, il a dit... Non, c'est où, déjà? Mais non, mais sans mettre de nom, Non, je mets pas de nom, il a dit la prochaine fois, tu le fais dans les toilettes, si tu veux. Ah, la prochaine fois. Donc il y a déjà eu une première. Vous êtes déséquilibré. Bah oui. Il y a déjà eu une première. Bah écoute, ça j'en sais rien, mais. C'est vraiment dégueulasse. Ah oui, oh là là. Oh. Dégueulasse, ouais. Ah oui, complètement, ouais. Complètement. Je suis en train de te faire ça bien et tout là. Non mais fais-moi ça bien, t'inquiète pas. On va sur le top tweetos en attendant, tiens Clem, bouge pas. Bon, alors, top tweetos, alors c'est parti. Alors attention, top tweetos maintenant. Quel est le mec ou la fille qui repartira avec son petit sextoy? C'est très drôle. Je l'ai promis donc tout à l'heure au top tweetos, celui qui aura envoyé le plus de messages avec le hashtag Mickaël. Quel est le numéro 5? Je me demande s'il l'avait vu. Alors, donc numéro 5, c'est Didou Doudi. Ah ben voilà, tiens, il voulait un plan de son blast. Ben, comme ça, il a eu deux fois. Numéro 4. Alors, c'est CESC08000. Ouais, donc lui, il gagne rien. Numéro 3. X-Melo CR7. Très bien. Numéro 3, c'est bien, mais il ne gagne rien non plus. Numéro 2. Nicolas Meillan. Nicolas Meillan, c'est bien, mais il ne gagne rien non plus. Et le number 1. Storm Dreamer. Oh, le malvoyant, il va pouvoir se mettre dans le fion. Hein. Ça va être bien, il va non, se marrer. Il va l'offrir à Let's Be Freaks. Ah, peut-être qu'il va l'offrir à Let's Be Freaks. En couple, il paraît. C'est vrai. Ah, bah voilà, bah, bravo. Ah, bah je sais pas, moi, l'autre, il veut aller balancer l'eau. Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais je croyais que c'était ma copine qui arrivait, mais en fait, non, c'est ma mère. Ah, d'accord, ça va. Bah très bien, bah écoute, parfait. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, Clem, c'est toi qui m'as envoyé un message avec ton numéro de téléphone? Non, c'est pas moi. Ah d'accord, parce qu'il y en a un autre qui vient d'envoyer une preuve. Toff qui dit sur Twitter à God bless Holly, on baise, point interrogation. D'accord, mais ça c'est en public, tout le monde pouvait le lire donc. Oui, non mais y a pas de problème, hein, c'est ça, pas c'est pas une preuve ça. C'est pas un problème. Bon Clem, on attend encore. Hein. Donc oui, bravo. Mais je suis en train de faire ça. Pas de problème. Bravo à Storm Dreamer là qui vient de repartir avec son God. Hein. Bravo à lui. En tout cas, c'est bien offert par passagedudésir.fr. Voilà. Hey, quand tu vas chercher tes tornades là, tu te le mettras dans le cul en même temps, espèce de con va. Non, c'est les éclairs. C'est les éclairs, pas les tornades. T'es cru où sur la Geo quoi? Je pensais qu'il coursait des tornades. C'est-à-dire que qu'en Europe, il va y avoir une tous les 10 ans, donc si tu veux, soit il va aux US, mais là il y en a plein, mais c'est sinon. Vrai, pardon. Ouais, sinon c'est un peu léger. Ah, hein. Pardon, bon, ça vient la Clem? Mais oui, mais c'est un peu long là. Ah oui, je vois, on voit bien que c'est long. Elle a l'air lourde la preuve. Hein. Putain, bon, non, bah alors, générique de fin en attendant là, et c'est parti, attention, c'est parti, go. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tes bites te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, que personne te donne de toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encules ton nom, t'es un enculé. Tu vas dormir, viens manger, que personne t'encule ton nom, ton nom. Vous êtes déséquilibré. Oui. Vous êtes déséquilibré. Oui. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes même un dégueulasse. C'est le pourri de fatard. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oh si si. On parle de Cotier. Au PD Cotier, enculé. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Vous êtes même un dégueulasse. Ah bah alors vous êtes un salaud. Vous êtes déséquilibré. Toi l'enculé. Je dis l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. C'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux. On est des enculés. C'est vrai. Suce ma bite. Eh ben voilà. Et merci Lilou. Et à chaque fois je me demande si mes profs quand j'étais petit m'écoutaient. M'écoutent. Ah, c'est vraiment un connard ce mec. Il a vraiment raté sa life. Il a raté sa life effectivement. Et je les emmerde tous. Voilà. Bon Clem. Oui c'est bon, je suis en train d'envoyer ça à Mickaël@funradio.fr, c'est ça? Exactement oui. Voilà, M-I-K-L. Eh ben c'est parfait. J'ai hâte de voir ça. Je vous tiendrai au courant demain, le temps de tout lire, tout. Je peux pas faire ça maintenant. Quel journaliste. Mais je vous tiendrai. C'est normal, journaliste d'investigation. Il est comme bien ça, sûr. Ah non, mais t'inquiète pas, on va faire ça entre collègues, hein, entre journalistes, entre confrères avec Polo. Car nous sommes de. On a notre carte de presse. Les cartes de presse, tout à fait, exactement. Donc Clem, on te rappelle demain soir hein, pour voir comment ça se passe, si la preuve est validée ou pas. Ok, ça marche, mais est-ce que je peux faire passer un message? Bah vas-y. Ah. Voilà, alors je fais un petit coucou à mon boubou qui est dans la voiture et qui arrive. Oh, minou. Et ta mère? Bah ma mère, elle on a entendu derrière. Ah, elle est partie, ça y est. Non, elle est partie, ouais, bah oui, tu m'étonnes. Elle était énervée. Bon, oui, un petit peu peut-être, ouais. Bon, bah merci Clem, hein, demain. Bisous. Hein. On te rappelle demain 21h, 23h. Oh, ok, à demain 23h. Ciao Clem. Bisous. Bon, bah, et merci Laura d'être passée. Bah du coup, t'es restée toute la soirée avec nous, toi. Hein. Bah oui, bah c'est bien. Bah tranquille, hein, c'est pas mal, hein, écoute, tu reviens quand tu veux Laura. Hein. Bah y'a pas de soucis. Bah voilà, mais gros bisous à toi, bon courage avec ton mec qui joue à des jeux vidéo là. Non, là, il est couché, il s'est endormi. Oh, là. Oh bah génial. Ah, bah, et je t'ai envoyé deux petites photos de mes furets pour que tu vois que c'est pas moche. Ah putain, je croyais que t'avais envoyé deux petites photos de toi à Walpé ou un truc comme mes ça. Petits seins et non tout. Putain, il y a d'un furet avec son branle du furet là. Non mais sérieux, on s'en bat les couilles d'un furet. T'es sérieuse là avec ton furet? Hein? T'es sérieuse avec ton furet là? Bah oui, montre-nous ton furet, montre-nous notre fourrure! Eh bah, tu sais quoi? Bah, frère enculé! Voilà! Pour rire, c'est pour rire! Oh, si on peut plus rire 5 minutes! Oh bon, bah écoute, j'irai voir ça dès que je la reçois, pas de problème! Salut Laura. Bonne soirée. À bientôt, gros bisous à toi. Et on se retrouve nous demain en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h. On était en plein milieu de la, un truc de fou là. Je sais pas ce qui s'est passé, je me suis trompé de bouton. C'est-à-dire que le jingle il est parti, j'avais l'impression d'être dans une autre galaxie. Mais oui, c'est possible. C'est bizarre hein. Ouais. Je vais les renvoyer maintenant pour voir si ça marche mieux. Attention, ouais, on va réessayer pour voir. Attention, on se retrouve demain 23h. Hein. Tous les soirs. Là, ça marche. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Mickaël. Sur Fun Radio. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Je remarque quand même que. Je ne veux pas faire une remarque désobligeante, je vais devoir appeler Jérôme. Il y a quand même toujours un petit souci à 2h15 à la fin de l'émission. Tu vas appeler qui? Jérôme. Je connais pas. C'est mon. Non, je connais Jérôme, mais Jérôme, non. Qu'est-ce qui se passe? Jérôme. Qu'est-ce qui se passe à midi à 2h15? Non, mais il y a toujours un petit problème sur les jingles, je remarque. Oui, c'est bizarre. Hein. Voilà, alors je vais dire un message à Jérôme. S'il pouvait m'acheter du matériel de meilleure qualité, je n'aurais pas ce problème. Le matériel est dernier cri. Ouais, bah, dernier. Ouais, la dernière fois, il a crié, oui, ça oui. Il a poussé son dernier cri. Voilà, donc si je pouvais avoir plus de boutons, ça m'arrangerait parce que là, je suis un peu en galère de boutons. C'est pour ça que ça merde. Il faut arrêter le biactol. C'est drôle ça. Ah, c'était ça parce qu'il disait sur Twitter qu'il en avait une excellente pour ce soir. Ouais, et bah c'est ça, ça JB. Non, c'était pas ça. Ah, d'accord. Alors vas-y. Je me demande que attends, musique, je te mets générique. Mais elle est tellement bien que je me demande si je veux pas la garder pour demain. Ah non, non, la dernière fois que tu nous as dit ça, ça t'a coûté une galoche. Hein. C'est vrai. Ouh, peut-être qu'il en veut une deuxième, et c'est alors, peut-être. Ah, peut-être. Alors vas-y. Bon, on va la faire ce soir. Ah, peut-être c'est les échanges avec JB que Clem est là. Peut-être. Mais je, alors là, Clem, je l'adore. Je t'embrasse, Clem. Tout à l'heure sur Facebook, j'ai mis j'aime sur une photo d'un canard. C'est un canard liké. Ça va. Oh là là, j'y vais. Elle est bien. C'est la première fois. C'est pas la pire que t'aies faite. Le seul problème, c'est ton gilet là. Quoi? Si t'étais pas venu avec un gilet comme ça. T'aurais été au top, ouais. Voilà. Je suis très déçu, Polo. Mais c'est quoi, c'est quelqu'un d'attaque personnelle. C'est quelqu'un de la famille qui l'a tricoté, il avait plus de laine pour faire les manches. C'est ma grand-mère. Ah, il avait plus de laine pour faire les manches. Et elle est morte, alors pas de vanne. Elle a pas eu le temps de finir. Oh l'enculé. Oh, le rageur. Non, elle était belle. Oh le bâtard. Rigole, JB, je t'aime. Oh quel bâtard. Que veut la France? Ah ben la France de Bruno. Oui, que vous retrouverez tout à l'heure à 6h. Qu'est-ce qu'il a fait hier? J'ai fait une vanne vraiment mauvaise. Oh mais comme d'habitude, précise quand t'es les bonnes avec les autres jours. Ouais, c'est ça, précise quand t'es les bonnes. Et Bruno vraiment l'a mal pris pour le coup, vraiment. Non, vraiment, il a dit j'en ai marre, on va plus parler avec toi. Qu'est-ce que t'as fait comme van? Je sais plus. Je crois que c'est en plus c'était une van rediffusée. C'était genre le Avicii. Avicii. Non, il habite où Avicii? Ah d'accord. Mais je crois que c'était, je sais plus ce que c'était. Ah ouais putain, franchement il était gentil hein. Parce que ouais. À sa place, moi je t'aurais mis une patate. C'était pas celle-là, je sais plus ce que c'était. Ah non, c'était une autre. Mais ah. Non, c'était une autre. Ah. C'était Ellie Goulding qui va souvent à la bibliothèque puisque Ellie Goulding délivre la bibliothèque. Il a fait appel à ça. Ouais. Mais c'est bien. Je quitte ce studio. Non mais on va se mettre Kesha et Pitbull maintenant hein. Une et van. Donc Bruno, non. Et donc Bruno a dit je ne parle plus et je fais mais t'inquiète pas je peux t'imiter et voilà on est parti sur un délire avec la France. Bon allez, adieu, à demain à deux pieds. Allez. It's going down. I'm yelling to my, you better move.